un peu de pourriture noble en suspension. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Nous balayerons cette pourriture. Tu sens pas cette odeur de pourriture, là ? Ah mon Dieu, c'est ma mère. Pourriture. Mais ton connard, Alberto, là, c'est une pourriture, tu sais. Le podcast Pellicule et pourriture noble se propose d'être le centre de recueil de tous ces films conspués, molestés, tous ces films curieux donc hypnotiques, tous ces sophnies, et de les remettre en lumière, de les analyser et d'apporter quelques précisions pour voir ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû être, et voir aussi tout ce qu'ils ont de sauvable. Pour cela, votre hôte, Monsieur Gravelax, s'appuie sur toute la documentation disponible pour vous permettre, vous cinéphages, de revoir avec un esprit plus affûté ces bobines imparfaites, voire très imparfaites, mais appréciables. Bonjour, ici Monsieur Gravelax pour l'épisode bonus de Pellicule et pourriture noble qui porte sur Ne réveillez pas un flic qui dort. J'ai décidé de mettre le générique complet parce que cet épisode va être plus long que prévu à la base. En effet, mes recherches m'ont amené plus loin par rapport au sujet prévu, à savoir l'acteur Delon, et à partir de Ne réveillez pas un flic qui dort, sa recherche de nouvelles recettes pour s'attirer les faveurs du public, chose qu'il n'a hélas pas réussi à faire. En toute humilité et en toute simplicité, j'avoue que j'avais des a priori avant d'entamer les recherches du bonus, qui étaient encore une fois à la base beaucoup plus simples, et je suis arrivé à des conclusions beaucoup plus nuancées, du moins sur le Delon de l'époque, qui explique d'ailleurs en partie le Delon d'aujourd'hui, sans pour autant excuser certaines de ses prises de position actuelles, mais ça relève de l'homme privé. Bon, comme parfois on a confondu dans les rôles le Delon acteur et le Delon homme, ça peut parfois prêter à confusion. Surtout que, au fil du temps, peut-être qu'on a obligé Delon à devenir une caricature de lui-même. Ne réveillez pas un flic qui dort marque donc la fin du Delon justicier. Et aussi la fin d'une, ce qu'on pourrait appeler une solution un peu plan B, une solution de secours, comme avait été par exemple Parole de flic, qui était intervenu après pas forcément semi-échec, mais deux projets personnels, à savoir donc Un amour de Swann de Schlondorf, qui avait attiré 800 000 personnes, et Notre histoire de Bernard Blier, qui avait attiré donc ici 880 000 personnes à peu près. Ce type de film permettait de retrouver les faveurs du grand public avec un Delon plus commercial. Mais là, justement, cette recette avec Ne réveillez pas un flic qui dort, ici Delon s'est aperçu que c'est une recette qui ne marchait plus et qu'il fallait rebondir, trouver d'autres choses, d'autres pistes, d'autres voies. C'est ce à quoi va s'employer Delon tout au long des années 90 et malheureusement sans grand succès. Je vais donc passer en revue tous ces films des années 90 qui ont émaillé la carrière du Delon acteur, tout en revenant au début de l'épisode sur Parole de flic, un peu le passage, mais surtout Parole de flic, puisque son visionnage permet, justement quand on le met en miroir par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort, de réévaluer le film et ses qualités. Alors qu'au départ, on peut penser, d'ailleurs ça sera dans beaucoup de commentaires, que le film soit un nanar, soit il en fait trop, etc. Et finalement, quand on le compare à Ne réveillez pas un flic qui dort, on s'aperçoit qu'il a plus de qualités qu'on veut bien lui en prêter. Ça sera la même chose d'ailleurs pour deux films qui vont se suivre dans la carrière de Delon, à savoir Un crime et L'ours en peluche, qui sont tous les deux réalisés par Jacques Deray. Et c'est pareil, le visionnage de L'ours en peluche permet de réévaluer Un crime, même si les deux films ne sont pas forcément sur le même registre. Ce sont deux polars, polar judiciaire, un polar psychologique. Mais cela, ce sera pour après. Maintenant, on s'intéresse au cas de Parole de flic, dont le visionnage permet, si on compare à Ne réveillez pas un flic qui dort, de révéler beaucoup de qualités. C'est donc ce à quoi on va s'attacher maintenant. Donc à savoir que pour Parole de flic, on se trouve en 1985. On est donc, comme je l'ai dit, après deux échecs au box-office pour Delon, Un amour de Swann et Notre histoire. Et donc Delon décide de revenir pour ses 50 ans, ça aura une importance, de revenir au polar avec une nouvelle équipe technique. Même si au départ, donc, il avait envisagé de réaliser le film, il s'entoure donc de Pinero, qui aura comme charge de rajeunir l'image de Delon, et de Philippe Sedbon au scénario, ce qu'on avait pu voir ici, donc le réalisateur de Cross, qu'on a analysé pour notre épisode pilote. Et à savoir aussi que l'année 85 est favorable au polar et aux films d'action. Si on prend que les films français qui sortent à cette époque, on a donc Urgence par exemple de Gilles Béat, qu'on connaît pour Rue Barbare et qu'on va réévoquer pour Dancing Machine. Urgence qui est tourné avec Richard Berry, Bernard Pierre Donadieu, Jean-François Balmer et Fanny Bastien. Il y a aussi, toujours avec Richard Berry la même année, Special Police de Michel Vianney, qu'il tourne avec Carole Bouquet et Fanny Cottençon. Et enfin, La Baston de Jean-Michel Nyssen avec Robin Renucci, Véronique Jeuneste et Michel Constantin. Des films qui rencontrent un succès certain, même si beaucoup ont mal vieilli. Pour ce qui est du résumé de Parole de flic, je reprends juste celui d'Allociné pour dire de faire court. Donc à savoir qu'on est avec l'histoire de Daniel Pratt, donc joué par Delon, policier à la retraite depuis 10 ans, qui coule des jours tranquilles en Afrique, lorsqu'il apprend le meurtre de sa fille. De retour à Lyon, Pratt tente de mettre la main sur ses assassins avec l'aide du commissaire Reiner, mais devient à son tour la cible de malfrats. Voici donc pour le résumé. Maintenant, j'aimerais vous faire part donc de mes notes personnelles, à savoir que pour chaque film traité, j'ai revisionné les films justement des années 90, à part Les 101 nuits d'Anès Varda, puisque je n'ai vu que la participation de Delon. Il a un petit rôle, c'est pas un rôle principal. Et je n'ai pas revu non plus Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, je me suis pas infligé ça, vous m'excuserez. Pareil, j'avais pas prévu spécialement d'en parler, mais j'en ferai quand même quelques parenthèses pour compléter mon ressenti, ce que j'ai pu en dégager. Et pareil pour les acteurs de Bertrand Blier, où je n'ai revu justement que la scène de Delon. Donc, mis à part ça, pour Parole de flic, là aussi, bon, c'était un peu plus important que je m'y appesantisse, puisque c'est vraiment le complément par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort. Et même, je vous avais dit, et j'avais hésité à le traiter, mais comme il a remporté un succès, qu'en plus on allait encore plus loin dans Ne réveillez pas un flic qui dort, ça me semblait plus logique de traiter Ne réveillez pas un flic qui dort plutôt que Parole de flic. Mais forcément, c'est deux films qui sont, mine de rien, connectés ou complémentaires. Là aussi, c'est des notes que j'ai prises au fur et à mesure du visionnage du film, donc peut-être que je m'en excuse si elles ne sont pas forcément dans un ordre, mais c'est plus logique. De toute façon, je vais rebondir sur chacune d'entre elles. À savoir, donc, sans surprise, qu'on se retrouve avec le même trio en adaptation, à part que cette fois, Philippe Sedbon est au scénario à la base. C'est un scénario original par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort, qui part du roman Clause de style de Fajardi. La Fajardi intervient puisque Sedbon n'a pas finalisé le scénario. Il se retire du projet, il a livré une base, mais incomplète. Donc c'est Fajardi qui passe derrière avec Delon et Pinero pour finaliser. Donc là, c'est une bonne chose, c'est on part de quelque chose d'original. Là, après, peut-être c'est ce qui a handicapé peut-être Delon, Fajardi et Pinero, c'est qu'on partait d'un roman de base. Et que peut-être l'auteur était plus à même de défendre son style, marquer ou laisser sa patte. Un point positif, et c'est ce qui ressort aussi dans des critiques, alors pareil, pour ce qui est des critiques, etc., je les ai lues après avoir vu le film. J'ai préféré d'abord laisser parler mon ressenti, et après voir si c'était corroboré ou nuancé par d'autres critiques. Tout d'abord, point positif pour moi, donc Delon y est rayonnant, même si c'est un peu le mot est faible, même si c'est un peu donc over the top, mais il faut reconnaître qu'il est quand même agréable à regarder dans le sens où il y a un vrai travail physique qui a été fait pour justement apparaître bien portant, bien musclé, bien fait, faut dire ça comme ça ici, pour les 50 ans. Même dans ses habits, et là aussi c'est très daté années 80, et il est en jean, etc. Donc l'image et le but, ça avait été de rajeunir et de ramener un public jeune auprès de Delon. Et si on compare par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort, c'est vrai que Grindel, le commissaire Grindel de Ne réveillez pas un flic qui dort, il est classique. Là aussi, au tout début du film, il est torse nu quand il se réveille, etc. Mais on sent qu'il a perdu un peu. Hein, voilà, il a perdu un peu de masse ou un peu d'abdos. C'est pas en sa faveur, Ne réveillez pas un flic qui dort. Il y a ça aussi qui joue. Ensuite, deuxième point par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort, je l'avais déjà évoqué, c'est qu'il y a un vrai jeu de séduction avec le personnage de Fiona Gelin. Il y a différentes étapes, il y a un cheminement. Alors qu'au contraire, contraire, tout est déjà fait pour Delon, avec la mannequin allemand qui est déjà dans son lit, qui n'est qu'un personnage prétexte et caricatural, comme le film Ne réveille pas un flic qui dort en regorge. Espionnage et linge, je l'avais déjà dit mais je le répète, a donc un personnage qui certes peut apparaître comme étant potiche, mais qui a beaucoup plus de personnalité que celui joué par Roxane Gould dans Ne réveille pas un flic qui dort. Ensuite, peut-être un point négatif, ça sera négatif pour Ne réveillez pas, à savoir qu'on part sur un scénario qui amène une même base, à savoir une milice qui se débarrasse de, entre guillemets, de déviants, donc des casseurs, des homosexuels, des étrangers. Il y a donc, dès le départ, pour le scénario de Ne réveillez pas, un risque de redite, un travail de qu'est-ce qu'on fait de nouveau ? Parce que voilà, on part à peu près comment faire du neuf. L'angle, c'est d'infiltrer le milieu de la police. C'est-à-dire que, bon, je peux spoiler, je suppose, par une de flic, mais elle aussi, cette milice, elle n'est pas forcément constituée de policiers, mais elle est pilotée par un policier. Là, on n'est plus directement dans le milieu de la police. Bon, c'était l'argument. Ce qui fait qu'on passe pour parler de flic d'un ersatz de justicier dans la ville avec Bronson, à pour Ne réveillez pas un flic qui dort, quelque chose qu'on avait dit ici, à savoir plutôt un ersatz de Magnum Force. Autre chose positive pour Parole de flic, c'est qu'il y a un véritable antagonisme entre Jacques Perrin et Alain Delon. Contrairement à Ne réveillez pas, où c'était quelque chose que j'avais déploré, que le film nous est présenté comme une grande rencontre ou la rencontre entre Serrault, Michel Serrault et Alain Delon. Et finalement, ils n'ont qu'une seule finale ensemble et ils se croisent de faute très vite dans le film. Là, au contraire, il y a un véritable suspense dans Parole de flic. Le personnage de Jacques Perrin, Rainer, est beaucoup plus nuancé et agréable à défendre pour un acteur. Il peut passer par différentes émotions, alors que, je l'avais dit ici, Serrault était quasiment sur la même ligne, le même registre tout au long du film. Autre point positif pour Parole de flic, c'est que Delon, ou son personnage Daniel Pratt, y est souvent en danger réel et en danger constant. Il est plusieurs fois mis en danger, alors que dans Ne réveillez pas, il semble invincible, il est même omniscient, il découvre tout, généralement tout le monde, en un quart de seconde. Là, Daniel Pratt aussi, pareil, hein, il a un côté où il va plus vite que la police, il avance là où la police se piétine depuis longtemps, mais c'est un peu moins marqué que dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Ensuite, il y a aussi des seconds rôles crédibles dans Parole de flic, notamment celui joué par Stéphane Ferrara, qui est très bon dans cet emploi, alors que quand on lui donne plutôt un premier rôle, il y a du mal à se défendre. Bon, je cite pas le cas de La Nuit du Risque, qui est souvent évoqué par Nanarland. On a aussi donc Jean-François Stévenin et Vincent Lindon, dont c'est un des premiers rôles. Là aussi, on est content pour lui de voir que c'est des acteurs de talent, jeunes talents, qui ont un tour de long, dehors de ce film. Il y a une véritable volonté de renouveau. Point positif, toujours pareil pour Parole de flic, c'est que Parole de flic est beaucoup plus fun. Quand il veut être drôle, il l'est. Contrairement à Ne réveillez pas un flic qui dort, ou mis à part une blague sur... mis à part le running gag du policier qui sent la merguez, etc., il n'y a pas, beaucoup de fun. Là, au contraire, il y a beaucoup de références, par exemple. Le fait que, voilà, on fasse une référence à L'Homme pressé. Le fait que quand Delon est encerclé par 60 policiers, il a une petite réplique, à savoir, donc c'est pas le moment d'éternuer. Ou quand il s'en sort, la réplique à 60 contre 1, vous n'aviez aucune chance. La fin du film où il est en clown aussi, bon voilà, c'est audacieux. Il y a également la scène de la discothèque où il met une grenade sur le disque, il descend, et juste avant qu'elle explose, il se bouche les oreilles, c'est un petit clin d'œil au spectateur. Ça change de le voir aussi le Delon, un côté un peu moins grave. Là au moins, par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort, quand le film se veut être drôle, eh ben il est drôle. On rigole de Delon et de sa parodie ou de sa caricature, mais on rigole. Tandis que l'autre côté, pour Ne réveillez pas un flic qui dort, ben, on a ce manque de fun qui gâche ou qui fait échouer le film dans son intention. Donc pour la suite, là aussi, il y a un véritable suspense pour savoir qui est le grand patron derrière la milice. Bon, on a la réponse 30 minutes avant la fin du film, mais c'est pour permettre justement de voir après le cheminement du méchant. Il y a aussi la musique de Pino Marchese, qui est plus variée que dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Il y a certes ces nappes de synthé qui sont pas très heureuses, mais sinon, ça, d'autres musiques, d'autres passages passent et gâchent un peu moins le film. Ensuite, on a Dominique Valera, qui était champion de karaté, qui est employé et exploité à sa juste valeur dans le film. Dans Ne réveillez pas un flic, il est présent, mais aucunement exploité pour ses capacités. Alors même si, là aussi, dans le parole de flic, il a une mort, entre guillemets, une mort à la con. Hein, en théorie, bruit, il peut faire facilement tomber de long. Par contre, Ferrara, c'est pas forcément visible, là, il était boxeur, pas forcément visible ici, ses dons ne sont pas forcément exploités. Il y a quelques idées de mise en scène qui peuvent être un peu extravagantes, mais qui, pareil, participent au fun du film. La cascade au ralenti sur du Wagner, le jeu sur les ombres de Delon qui sont projetées sur les murs avec un Delon géant qui est repompé sur un justicier dans la ville 2. Mais bon, ça le fait, c'est marrant de voir cette référence. Le plan à la con avec la grenade dans la discothèque, là aussi, quelle idée, bon, ça peut causer des morts éventuellement, parce que la grenade est sur le tourne-disque, ça tourne, pourquoi pas tomber, et puis tomber à l'étage en dessous. Et enfin, les extravagances avec le personnage de Delon, que ce soit le montage, forcément un peu à la Rocky, où il pulvérise le sac de boxe, ou tout le début du film, qui tourne en Afrique, et qui va justifier d'avoir un Delon bronzé, avec un teint hâlé tout au long du film. Là aussi, c'est une astuce, je suppose quand même, reprise à Belmondo dans Le Professionnel, où là aussi, il revient tout bronzé, parce que forcément, ayant été prisonnier en Afrique, il a un teint plus hâlé. Donc voilà pour mon ressenti personnel sur Parole de flic, un film donc fun, à condition qu'on le regarde quand même avec un second degré, le fait qu'on est quand même content de voir Delon qui s'amuse, Delon qui va en mettre plein la vue, mais on s'amuse de et avec Delon. Contrairement peut-être à Ne réveillez pas un flic qui dort, où son côté parfait sur tous les points peut quand même assez irriter. Et puis notamment le film qui est un ensemble de caricatures assez malaisantes au bout d'un moment, où encore une fois, on regarde le film pas forcément pour des bonnes raisons. Pour la suite, ce que je peux donner en plus comme information dans les avis, etc., tout ce qui a pu être dit. Alors tout d'abord, le fait que Parole de flic donc a représenté pour Alain Delon un retour aux sources, alors qu'à la base, après notre histoire, mais qui a connu un échec commercial, il devait enchaîner avec un film d'André Deschinets, où il avait un rôle à peu près similaire à celui de notre histoire, c'est-à-dire un homme complètement détruit par une femme, qui sera l'adaptation de Lune de Fiel, plus tard par Polanski. C'est ce que Delon dit, je suis donc revenu à un Delon, pas forcément plus classique, mais à l'opposé en tout cas de celui de notre histoire. Il me fallait casser net cette image et refaire tout de suite un film d'action et d'aventure, le Delon que, je crois, les spectateurs ont envie de voir. Donc on voit, c'est une envie commerciale de revenir, de retrouver les faveurs du grand public, et c'est comme ça qu'il faut interpréter ce côté over the top de Paroles de flic, à savoir en mettre vraiment plein les yeux aux spectateurs. Pour les critiques, je vais essayer de faire varier et dire à peu près tout ce qui a été dit, tout ce qui peut être dit sur ce film. Alors je commence par Nanarland, qui avait classé une sorte de même dualité entre guillemets ces deux films, Parole de flic et Ne réveillez pas un flic qui dort. À savoir donc que le film est entièrement pensé comme un écrin à la gloire de Delon, débarrassé de tout ce qui peut amener à se décentrer de la star, un réalisateur qui est un yes man, pas de contre-star entre guillemets, à part pour mettre la star en valeur, pour mettre Delon en valeur. Le flic interprété par Delon, c'est forcément le meilleur. Il est idolâtré par les autochtones de sa ville en Afrique, à savoir donc il est appelé patron par les hommes. Les femmes du village se battent pour avoir ses faveurs, donc c'est le côté le discours un peu colonialiste. Des passages assez what the fuck avec une bagarre entre guillemets amusante au début contre un gros mastar noir, où en pleine bagarre, Delon lèche le visage de son adversaire. Ensuite, le côté aussi, alors ça c'est autre chose, mais voilà, même quand Delon n'est pas dans les scènes, on parle de lui. Alors Fiona Gila qui joue l'inspectrice, qui surveille de loin l'enterrement de sa fille, l'enterrement de la fille de Delon, qui dit à son partenaire Vincent Lindon, il est beau ce mec. Ensuite, on a quelque chose, un film très années 80, avec des filtres bleutés, des nappes de synthé, un saxophone pleurnichard durant les scènes d'amour, et aussi une vision très caricaturale de la banlieue. Et c'est un film qui est conçu véritablement comme un vrai cadeau d'anniversaire pour la star. On a d'autres sites à part Nanarland. On a Avoir à lire qui nous dit donc que Delon avait besoin de rajeunir son image après deux échecs relatifs. Il y a un renouvellement intégral de ses collaborateurs habituels avec des jeunes talents, donc Sedbon au scénar, Pinero à la réal, qui a donc pour but de rajeunir l'image de la star, donc qui torse nu la moitié du film, musclé mais que l'âge fait quand même son effet, il est en jean, plus la scène au gymnase qui amène cela. Par contre, la musique de Pino Marchese qui est composée avec des moufles sur un bon tant pis. Critique de Objectif Cinéma qui titrait donc Dernière rafale pour Delon, qui nous dit, enfin j'ai rajouté simplement ici à sa sortie, Parole de flic était déjà un film daté, il est dans le ton d'un polar bis italien dans sa forme, il aurait pu être réalisé par Castellari, Enzo Castellari, et la crédibilité de la scène de cirque finale est discutable, mais a le mérite d'être audacieuse. Ensuite, vite fait pour Allociné, où le film est noté 2,6 sur 5 pour 105 notes. Là aussi, on a, bon, pareil, j'ai un peu résumé ce qui n'avait pas déjà été dit. Donc, un film énorme. Ici, avec la fliquette, par exemple, donc jouée par Fiona Gelin, qui survit à un coup de fusil à pompe tiré à bout portant. On nous dit aussi un film curieux, qui est à la fois un polar ultra-violent, à moitié parodique. Un humour donc qui manque à Ne réveillez pas un flic qui dort. Un film qui n'apporte rien de nouveau, et qui se laisse suivre agréablement. D'autres critiques par rapport au look, avec Delon qui est voilà, habillé en jean, avec un Bombers ou avec des Converse. Et un film donc à voir au second degré ou au premier degré si on est fan absolu d'Alain Delon. Je finis sur ça juste pour les critiques sur IMDb ou IMDb. Alors le film, il a donc 5,8 sur 10 pour 820 notes. On a par exemple un commentaire d'Allemagne, alors par un pseudonyme Parole de flic, donc vraiment quelqu'un qui est à fond dans ce film-là. Un commentaire de 2003 qui met 10 sur 10 au film. Le critique est estomaqué avec un Delon qui a fait un travail physique important, qui fait ses cascades lui-même. Un film très violent qui a été coupé en Allemagne. Donc voilà, il le conseille dans sa version intégrale, bon, la version que nous on connaît. Ensuite, il y a un Britannique, Aldosterone, voilà, il s'appelle comme ça, qui fait une critique en 2015, qui met 3 sur 10 au film. Le titre c'est donc, de sa critique, c'est un film qui n'a pas bien vieilli. Et en gros, ce qu'il dit, c'est que ce film essaie de tirer le filon du polar des années 60-70. Le scénario est plat et prévisible, donc ennuyeux, et que c'est un énième dérivé du Justicier dans la ville, mais en moins bon. Voilà, si on résume la critique, ça donne à peu près ça. Deux dernières critiques, mais très rapides. Une qui nous vient de Roumanie, alors Kirpia Nouskous, de juillet 2017. Voilà comme quoi ce film donc continue à susciter des critiques. Alors le titre, c'est quelque chose comme On ne fait rien de neuf. Un film qui est loin d'être le meilleur Delon, qui est plat. Un film qui est prétexte à étaler le physique de Delon et qui est bourré de clichés. Donc ça, c'est si je résume la critique. Et enfin, Blanche 2 ou Blanche 2, donc une américaine ou un américain, pareil aussi en 2017, qui met 7 sur 10. En gros, pour faire très simple, tout est bon dans le film, mais il ou elle n'est pas impartial puisqu'elle est fan absolu. Oui, il est fan absolu d'Alain Delon. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire de Parole de flic. Et je tenais quand même à passer un peu plus de temps dessus, encore une fois, pour faire le contrepoint par rapport à Ne réveillez pas un flic qui dort. C'est, entre guillemets, s'il y avait eu le vrai supplément, ça aurait été celui-ci. D'ailleurs, j'avais même pensé faire vraiment un épisode total, un épisode spécial Parole de flic, pour dire de me concentrer que sur ça. Mais bon, ça a pris une autre orientation. Donc pourquoi pas dans le futur, éventuellement, mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc pour la suite, j'avais pas prévu spécialement de parler du passage. D'ailleurs, je ne l'ai pas revu pour le bonus. Mais il y a quand même quelques aiguillages qui peuvent être donnés par une analyse rapide. Je suis tombé sur un des textes des films de Delon, dont le passage. C'est un film qui est antérieur à Ne réveillez pas un flic qui dort. C'est ce qui a été tourné juste avant. Et en plus, ce n'est pas un échec public, puisqu'il y a eu quand même 2 millions d'entrées. Alors c'est peut-être plus un échec critique. Ça, c'est encore autre chose. Et puis même avec le temps, le film a mal vieilli. Mais il y a quand même quelques clés qui peuvent nous être données par le passage que je vais vous lire. C'est une biographie, donc l'auteur c'est Roberto Chiesa. J'ai puisé même pour les autres films quelques passages intéressants sur ces films. Il y a parfois des bonnes analyses et même le moment où ça vient dans la vie de Delon, c'est plutôt pas mal. Aussi l'idée ou l'angle avec lequel Delon les a abordés. Donc si je lis l'extrait qui porte sur le passage, il nous est dit donc que le passage semble être né en réaction au succès de Parole de flic. En effet, le film de Pinero s'apparentait à un western urbain sinistre, exaltant ceux qui font justice eux-mêmes. Celui de Manzor, donc René Manzor, est au contraire une fable pacifiste et fantastique, condamnant la violence sous toutes ses formes. L'affiche elle-même souligne cette opposition. Celle du policier de 1985 agrandissait l'image d'un Delon avec un sourire assassin, une grenade à la main. Celle de 86 montre au contraire une minuscule silhouette qui avance sur un fond clair, le tout ressortant sur l'obscurité profonde. En outre, le film, probablement selon la volonté de l'acteur-producteur, adoucissait son image en la dépouillant de l'habituel aspect ténébreux et dur qui était à l'origine de son succès. Malheureusement, c'est précisément ce dépouillement, ce recours à un sentimentalisme banal, par exemple la course finale sur la plage, qui constitue les limites du film de Manzor. La narration du film bute souvent sur des naïvetés qui n'ont malheureusement pas la grâce, l'attrait, le mystère des fables. On ne trouve pas non plus de second degré de lecture. Les scènes d'animation sont elles aussi restées modestes et même ridicules. La figure de la mort n'est qu'un pantin dérisoire. Les personnages secondaires restent inexistants. Et le personnage de Delon, c'est-à-dire celui de Jean Diaz, auquel Delon justement parvient à donner une certaine densité, par exemple dans la scène du pacte avec la mort, mais qui ne parvient hélas pas à éviter quelques fausses notes vers la fin. Ce personnage se montre beaucoup trop conventionnel et proche de la personnalité de l'acteur pour en faire un personnage autonome. La critique attaqua férocement le film, qui connut pourtant un certain succès auprès des enfants. Aujourd'hui encore, Le Passage est le dernier succès cinématographique important de Delon en France, avec presque 2 millions de spectateurs. Donc pour rappeler les choses et vite fait le résumé, donc c'est Jean Diaz, joué par Delon, qui réalise dans le film des films d'animation, qui entreprend, à la demande de la mort, la conception d'un film pamphlet contre la violence d'un monde qui le révolte. Donc peu après, son fils David tombe dans le coma. Jean signe alors un pacte avec la mort qui ramènera David à la vie une fois le film achevé. Le réalisateur comprend peu à peu les noirs desseins de la mort anéantir la planète. Dès lors, Jean met tout en œuvre pour déjouer ses plans et sauver sa propre vie et celle de son fils. Donc voilà pour le résumé. Alors c'est vrai que c'est un film qui peut sembler aujourd'hui gnangnan. Alors il faut encore une fois, et c'est important, parce que ça va revenir quasiment tout le temps durant ce bonus, l'idée que Delon va être partagé entre d'un côté retrouver une envie d'acteur, une envie de projet, une envie de trouver quelqu'un qui a une vision, de trouver des adversaires, en fait c'est plus ça l'idée, de trouver dans le réalisateur ici qu'il a en face un adversaire, quelqu'un qui lui propose quelque chose, par qui justement il peut se laisser guider. Et c'est justement ce côté-là, il va chercher des projets où on ne l'attend pas forcément. Le Passage en est un exemple, puisque c'est quand même une incursion dans le fantastique pour Delon. Et à la limite, il attend de ses projets, non pas forcément si ça marche, tant mieux, mais surtout qu'on lui propose justement autre chose. En disant, bah voilà, Delon a prouvé qu'il pouvait jouer dans tel ou tel film, ce qu'il ne faisait pas forcément avant, pourquoi pas lui proposer d'autres choses. Donc il y a aussi ce côté-là qui arrive, à savoir que Delon va tenter des expériences en espérant capitaliser pour l'avenir, qu'on lui proposera d'autres choses. Et c'est peut-être ça qui va poser problème, c'est à un certain moment que des demandes ne viendront pas et qu'il va un peu se rabattre sur ce qu'on lui propose à l'époque et qu'il ne va pas forcément le contenter et qu'il ne contentera pas forcément le public. Et donc, avant de passer au cas de la mini-série cinéma que Delon a tourné pour TF1 en 1988, je vous passe un extrait de son interview au journal d'Antenne 2 à l'époque, par Claude Sérillon, où il parle du passage. Ça permet de voir que le recul, quelle vision il avait directement sur ses projets, notamment pourquoi est-ce qu'il est accepté, et le rôle qu'il se donnait, à savoir acteur, producteur, et le rôle justement d'un producteur. Il y a quelques petites choses intéressantes à grappiller dedans. Alain Delon, bonsoir. Il faut citer pour ce film Christine Boisson, Jean-Luc Moreau, Alain Musy, le petit garçon qui est tout à fait étonnant, puis le réalisateur René Manzor et les frères Lalanne. Qu'est-ce qui s'est passé chez Alain Delon là? Qu'est-ce qui vous a poussé? Je disais c'était inattendu, c'est émouvant, c'est complètement surprenant. Est-ce que ça tient du fantastique, de la psychologie? Non, je vois pas dans quel sens vous me demandez ce qui s'est passé. C'est rien passé. J'ai trouvé un sujet absolument exceptionnel, une équipe fabuleuse, l'équipe des frères Lalanne et dont le réalisateur René. Et puis j'ai plongé, j'ai décidé de faire ce film. Il s'est rien passé d'autre. Mais qu'est-ce qui vous a charmé dans cette histoire qui, encore une fois, tient du fantastique? Je ne peux pas vous dire ce qui m'a charmé. Il n'y a pas de fantastique. Le film est fantastique. Vous avez l'air fasciné parce que vous l'avez vu. Non, mais c'est complètement surprenant. C'est complètement surprenant. Oui, c'est surprenant. C'est parce que c'est surprenant et fantastique qu'il ne faut pas le dire et il ne faut pas le dévoiler. C'est un film que je ne vous raconterai pas au risque de vous décevoir de m'avoir invité parce que c'est un film qui ne se raconte pas. C'est un film qui va se voir et c'est un film qui se reçoit. Et je crois que c'est un film bouleversant. Qui se reçoit pas. Il y a des gens qui vont être complètement réticents parce qu'il faut rentrer dans cette histoire, dans ce domaine. C'est bon, je crois que chacun y trouvera son compte et chacun, je veux dire, y trouvera sa partie et son besoin et à la fois d'expression et de réception. Moi, personnellement, si vous voulez, j'espère que la comparaison ne choquera pas certains, je crois que ce film, je l'ai reçu et beaucoup de gens me l'ont dit, exactement comme un récital de Brel. Vous voyez, la comparaison est énorme. C'est-à-dire qu'on en sort complètement brisé, abattu, mais tellement heureux, tellement plein de joie, tellement plein de foi en l'avenir, tellement plein de bonheur et tellement plein de tout cela. Il y a beaucoup de choses très personnelles dans ce film. Oui, dans tous mes films, il y a des choses personnelles. Parce que c'est dédié à mon fils, à mon père. Et il y a toute l'histoire des relations entre un père et un fils. Alors c'est... Oui, parce que c'est une merveilleuse histoire d'amour entre un père et son fils, et entre son fils et son père. Et si j'ai dédié ce film, vous savez que j'ai pour principe, ou pour habitude, pour envie, de dédier tous mes films. Et j'ai dédié ce film à mon fils parce que c'est une histoire que j'aurais souhaité vivre avec mon fils. Et je l'ai dédié à mon père parce que c'est une histoire que j'aurais aimé vivre avec mon père. Et je crois que tous les pères et tous les enfants du monde s'identifieront et se retrouveront dans cette histoire absolument Je vous le dis, dans le microcosme des projections privées qui ont eu lieu, c'est déjà le film événement. Je m'en réjouis. J'attends la suite. Il y a une phrase, Alain Delon, mettre en une seule image, un seul dessin, toute la violence du monde. Ça peut, j'ai retenu ça de tête. C'est un peu ce que dit le héros que vous incarnez. Oui, parce vous que avez c'est envie, un héros. Quelquefois, effectivement, quand vous regardez la télévision, quand vous regardez des journaux d'actualité comme ça, de rassembler toutes les images de violence. Absolument. De façon à les comprimer, puis à parler et à penser à autre chose. C'est vrai, justement, et surtout à penser à autre chose, surtout à éviter la violence et surtout à expliquer pourquoi on a assez de violence et qu'il y a d'autres choses de plus belles et de plus intéressantes dans le monde que la violence, si ce n'est du moins se faire violence pour éviter la violence. Alors là, vous êtes coproducteur, vous oui. avez donc décidé de mettre beaucoup d'argent sur oui. un jeune réalisateur, il a 25 ans, c'est son premier film. Oui. Vous avez complètement renoncé à être seulement interprète avec un metteur en scène. Non, donc, absolument pas. Non, je suis en général, si vous voulez, coproducteur parce que c'est plus facile à monter les affaires, mais lorsque je fais par exemple Notre Histoire, je ne suis qu'interprète et je ne me considère que comme un interprète. Là, j'étais beaucoup plus concerné parce que là, j'étais entouré d'une équipe jeune qui avait besoin, si vous voulez, de profiter de certaines de mes expériences parce que j'ai quand même une certaine expérience du métier. Donc, c'est un travail en commun, c'est un travail d'équipe et qui a donné ce que vous avez vu, Claude, et je sais que vous l'avez apprécié. Et vous êtes assez content, hein ? Vous avez l'impression que vous allez. Je suis pas content, je suis heureux. Parce que ce film sera reçu comme il sera reçu, il plaira à certains, comme il dit moins à d'autres, mais je sais que de toute façon, c'est un film qui fera date et de toute façon, c'est un film événement et qui tombe, je crois, au bon moment. Et c'est un film qui bouleversera quoi qu'il arrive. Merci Alain Delon d'avoir été notre invité. Tous les jours, c'est en préparant ce bonus que j'ai appris, excusez mon inculture, qu'Alain Delon avait tourné une mini-série en 1988 qui s'appelait donc Cinéma et qui n'est pas sans importance puisque, surtout à l'époque, il y avait un certain mépris peut-être, ou un côté un peu plus hautain du cinéma envers la télévision. C'est ce qu'avance par exemple Philippe Durand qui a écrit le livre notamment Delon Belmondo Destin Croisé, ou si je cite le passage qui porte sur Cinéma, il nous dit donc en 1988. Alain Delon effectua une entrée fracassante avec sa participation à une mini-série de 4 épisodes produite par TF1. Une star à la télévision, cela ne s'était encore pratiquement jamais vu. Cela fut mal perçu et mal vu par certains. En général, quand un grand nom du 7e art se commet à la télévision, c'est parce qu'il est en perte de vitesse. Manière raffinée de dire qu'elle est has-been, hors de course. Or, Delon n'avait pas connu de vrai succès depuis Parole de flic. Bon, je peux rajouter aussi depuis Passage. Cela a-t-il été une prise de conscience ? A-t-il voulu effectuer un revirement par rapport à la télévision qu'il ne tenait jusque-là pas dans son cœur ? La mini-série est un succès d'audience. Le public cinéphile a-t-il fait payer à Delon cette trahison ? En effet, on peut se le demander, car tous ses films suivants furent des échecs. On peut donc logiquement se demander ce qui a poussé Delon à accepter le tournage de cette mini-série, de passer à la télé. Finalement, cette mini-série est très peu documentée. En cherchant, on tombe sur peu de choses. Alors là aussi, je me réfère à ce qui est dans une des biographies de Delon, à savoir Roberto Chiesa. Et on a un des éléments de réponse, c'est que finalement, Delon ne trouvait plus son compte dans les réalisateurs qui ont fait sa gloire passée. On a une déclaration qui est faite peu avant 1988, à savoir « Où sont les Clément ? Où sont les Lozé ? Où sont les Visconti ? Peut-être que quelqu'un a pris leur place. Non, il n'y a plus de metteurs en scène comme eux. » et le cinéma ne m'excite plus, ne m'émeut plus. Pour moi, ce qui compte, ce sont les émotions. Je les cherche donc ailleurs, je préfère faire autre chose, en dehors du cinéma. Donc voici pour quelques explications et l'angle sous lequel Delon avait abordé le tournage de cinéma. Avant de vous donner mes observations personnelles après le visionnage des 4 épisodes d'une heure et demie de la série, comme c'est vraiment très peu documenté, je n'ai à disposition que le passage que consacre donc Roberto Chiesa à cette mini-série. C'est un peu long, mais en même temps, il n'y a pas des masses de choses, donc je vous en fais lecture. En janvier 1988, Delon accepte pour la première fois de jouer dans une mini-série télévisée au budget très élevé, comportant 4 épisodes d'une heure et demie chacun. Cinéma, c'est le nom de la mini-série, s'appuie en effet sur un budget de 60 millions de francs. Ça correspond à peu près à 9 millions d'euros, un peu plus de 9 millions d'euros. La série a été écrite exprès pour Delon par Jean-Pierre Petrolacci, un auteur de séries télévisées largement diffusées, qui meurt avant la fin du tournage. Les chaînes télévisées de 4 pays décident de coproduire la mini-série. TF1, Rai Uno en Italie, TVE en Espagne et la RTBF en Belgique, ainsi qu'une participation canadienne. Et c'est Philippe Lefebvre, auteur d'un honnête film noir engagé, Le Juge, en 1984, avec Jacques Perrin, Richard Bourringer, Daniel Duval, qui en signe la réalisation. Le protagoniste, dont la personnalité est calquée sur celle de l'acteur, est une grande star de cinéma, qui a pour nom Julien Mandat. L'histoire raconte la lutte qu'il mène pour réhabiliter sa mère Marguerite, interprétée par Edwige Feuillère, qui fut déjà la partenaire de Delon plus de 30 ans avant dans « Quand la femme s'en mêle », le film des débuts de Delon au cinéma. Et donc dans cinéma, Marguerite est une pianiste célèbre qui a été accusée d'avoir collaboré durant la Seconde Guerre mondiale. L'un des dialogues de Mandat dit « C'est Lulu, j'ai jamais voulu être acteur. Je l'ai fait comme ça par hasard parce que je savais rien faire d'autre. Puis j'avais des parents qui étaient des stars, chacun dans leur genre. Mais je déteste ce milieu. J'aime que jouer à la comédie. Tout le reste, je déteste. Les producteurs, les metteurs en scène, tous les autres acteurs. Tous ces gens qui vous sucent la moelle, le sang. Je déteste. » Cet éclat de Mandat pourrait très bien être attribué à l'acteur Delon, qui d'ailleurs avoue se reconnaître en plusieurs points dans le personnage, mis à part naturellement l'histoire de sa mère. Le défaut majeur de cette mini-série réside malheureusement dans son sujet, qui est en trop de points semblable à celui d'un médiocre feuilleton au coup de théâtre sentimentaux. On y trouve tous les éléments caractéristiques des productions de Petrolacci, comme par exemple Le cœur au ventre avec Guy Marchand, Le mystérieux Docteur Cornelius avec Jean Bouise de 84, ou encore, ce qui est plus connu certainement, c'est Château Vallon avec Chantal Nobel et Raymond Pellegrin. Donc c'est-à-dire des situations dramatiques sans nuances, des décors sans grâce, des effets télévisuels convenus. La série a tout de même le mérite de dénoncer en quelques traits incisifs le milieu du cinéma, chose peu courante dans une superproduction de ce type. On y voit un milieu cruel, une véritable jungle où règnent le cynisme et l'opportunisme, un monde avec lequel l'acteur Delon semble d'ailleurs régler quelques comptes. Dans cet autoportrait, Delon semble avoir introduit de plus grandes nuances par rapport aux personnages de Julien Dandieu et de Pierre Niox, à savoir les personnages respectivement de La race des seigneurs et de L'homme pressé. Par moments, il en fait un peu trop, se complaisant dans le cabotinage qui donne surtout une image désagréable de la star, même aux personnes présentes sur les plateaux de télé. On se souvient de la terrible crise de nerfs dont Mandat est victime lors de la discussion téléphonique avec un producteur. Delon n'hésite pas à revenir avec ironie sur ses choix cinématographiques malheureux des années précédentes. En effet, lors d'un dialogue avec un producteur italien, il justifie son empressement à tourner un film par ces mots. « Le temps passe, à quoi ressemblerai-je en 10 ans ?» Mais la scène la plus significative est peut-être celle où il reçoit dans son bureau deux producteurs américains de l'imaginaire American Film Company. Cette scène surprenante pour une série télévisée, en début de soirée, n'est pas des plus heureuses. En effet, on y voit les deux producteurs adresser la parole à Delon avec arrogance, lui reprochant de leur avoir fait perdre 300 000 dollars dans un film qu'il a interprété. La conversation dégénère rapidement et Delon les congédie brutalement. L'opposition entre une étrange propension au masochisme et la revendication orgueilleuse d'un caractère sauvage et rebelle donne à la mini-série une vitalité imprévue, même si, encore une fois, le texte dessert la performance de Delon. Seules quelques scènes sortent du lot, notamment celle avec Edwige Feuillère, celle aussi avec Jean-Pierre Aumont, avec lequel il a une discussion très touchante à l'hôpital. Lorsque TF1 programma cinéma fin octobre 1988, donc 2 mois avant la sortie de Ne réveillez pas un flic qui dort, la série eut peu de succès. Alors, c'est-à-dire que c'est très nuancé, c'est-à-dire que malgré un audimat favorable, les sondages montrèrent que les résultats étaient en deçà des prévisions. Et donc, pendant l'été, l'acteur, producteur, revient sur la scène avec un nouveau polar, celui que vous connaissez bien maintenant, Ne réveillez pas un flic qui dort. Alors pour ma part, après le visionnage des 4 épisodes d'une heure et demie, le premier constat c'est que oui, le visionnage fait que ça fait remonter dans le temps. Une image en 4 tiers, un générique avec des effets, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui un peu movie maker, avec le générique, enfin le mot cinéma, les lettres, etc. qui passent, et entre les deux on a le visage en plan fixe de Delon qui parsème les différentes images du générique. On a une musique un petit peu saga de l'été, hein, faite par Jean-Marie Seigna qui est un habitué des productions de télé, d'ailleurs il exerce encore notamment pour le sang de la vigne sur France 3 avec Pierre Arditi. La première scène montre un peu le ton, hein, on voit Delon qui arrive en Mercedes avec chauffeur, donc ça sera son homme de main, son homme à tout faire, Rocco, joué par Sergio Castellitto, qui est quand même assez prestigieux pour l'époque, surtout qu'on verra un petit peu la carrière qu'il fera après en Italie, où c'est quand même un nom assez important. Alors il arrive à l'hôpital psychiatrique, où sa mère, Marguerite, interprétée par Edwige Feuillère, est placée. Et donc dès qu'il entre dans l'hôpital, les infirmières sont émerveillées aux petits soins avec lui, et ça donne l'impression, l'idée de, pour le spectateur, on a la chance d'avoir Delon à la télé, comme pour les infirmières, le sentiment d'avoir un acteur célèbre en vrai et accessible juste auprès d'eux. D'ailleurs, on a une petite phrase comme ça où il demande, voilà, si je peux avoir une bière, donc c'est le côté proche, le côté, voilà, je suis acteur, mais là, je suis la vraie personne, le vrai, donc dans la série, le vrai Julien Mandat. Et d'ailleurs, on voit une jeune infirmière qui vient d'arriver, qui prend des photos de lui alors qu'il est dos, qui veut lui demander un autographe. Et on a des petites réflexions aussi de la part des infirmières plus expérimentées. Il fait moins jeune, par exemple, si il fait moins jeune que dans ses films. Cela se donne un côté vraiment, voilà, c'est bien que Delon soit à la télé, mais va-t-il trouver des gens en face pour lui donner du répondant, notamment les seconds rôles. Et on verra que ça sera en partie le cas grâce à une distribution européenne pour contenter les pays producteurs. Et on aura donc des autres acteurs ici, allemands, luxembourgeois, espagnols, italiens, pour donner du répondant à Delon. Et d'ailleurs, c'est le côté un peu appréciable. On voit Delon qui joue avec détachement et décontraction, ce qui rend vraiment agréable et appréciable le visionnage de la série. Il y a même, pour exemple, une scène, donc c'est dans le dernier épisode, dans le quatrième, où on a une scène dans une discothèque où Delon danse entre guillemets à slow viril, quoi. Voilà, ici avec Jean-Claude Dreyfus, qui joue le nouvel amant d'une ancienne amie de Delon, et qui est réputé pour être bisexuel, le Jean-Claude Dreyfus dedans. Donc c'est une scène assez originale. On n'a pas l'habitude de voir Delon forcément dans ce type de situation. Et d'ailleurs, on voit aussi, toujours pour Delon, qu'il a un véritable plaisir à tourner les scènes avec Edith Feuillère. Pour le coup, il a dû avoir une sensation de véritable retour aux sources, car c'est l'actrice avec laquelle il a débuté. C'est l'actrice même qui l'a vu débuter en tant qu'acteur. On retrouve toujours ce qui ne quitte pas Delon dans ses films aussi, le personnage qui est conscient de son pouvoir de séduction auprès de la gente féminine. La première scène, c'est auprès des infirmières, et on voit d'ailleurs la jeune infirmière Colette qui arrive pour lui donner donc sa bière, qui lui renverse dessus, qui gêné part en courant, qui perd même une chaussure. Ensuite, on voit qu'il a un rapport complice avec sa mère, il y a un véritable attachement qui peut être source de complications ou léger malaise plus tard, si on a l'esprit, on va dire, mal tourné, mais je vais y revenir tout de suite. Ce qui peut relever de la taquinerie, comme par exemple, la première fois qu'on les voit ensemble, c'est le jour où le nouveau film de Julien Mandat sort sur les écrans, et elle lui dit, bah voilà, j'ai lu dans les journaux, ton nouveau film, c'est un navet de plus. Donc ce qui peut relever de la taquinerie, ça peut aussi être interprété comme, bon, sans forcément aller jusque-là, mais comme de la castration, ou une mère jamais satisfaite de son fils. Dans ce qui peut être interprété comme étant typiquement delonien dans cette mini-série, on a plusieurs choses. D'un côté, l'idée d'un acteur qui a réussi, qui a plein d'argent. D'ailleurs, il y a plusieurs choses ici, plusieurs éléments dans la série qui peuvent avancer car il a de l'argent. Par exemple, son appart, il a un immense appart qu'il n'arrête pas de faire repeindre et réaménager sans cesse pour avoir l'impression de ne pas être chez lui. Il n'y a pas de meubles, par exemple. Et on apprend que son père était pareil, le père de Mandat. Il avait, son père ici, un appartement juste en face de l'appartement familial pour dire de n'être jamais chez lui. Ensuite, pour satisfaire, on suppose la ménagère et des plans de Delon torse nu, des plans de Delon dans son bain. Il y a toujours l'idée, le questionnement de l'âge. On avait peut-être pu voir ça avec le supplément de William Emergy, quand Delon va lui dire « une star ne vieillit pas ». Voilà, on a cette question de l'âge aussi. Puisque dans la mini-série, il y a l'idée que le personnage, tout le monde croit qu'il est né en 1942, mais en fait il est né en 1938, Donc ce qui fait que le personnage aurait 50 ans au lieu de 46 ans, mais même Delon, lui, il a 53 dans la réalité. Donc on a toujours ce mythe de voilà, la jeunesse, ou de retarder le vieillissement, ou d'être à la recherche de la jeunesse. C'est quelque chose aussi qui est très rémanent dans cette période-là de Delon. On a d'autres choses qui peuvent arriver aussi. Le fait que, pour faire le remake donc, du film qui lui tient à cœur, à savoir Les Pianos de Berlin, qui d'ailleurs aurait peut-être été un meilleur titre, ça c'est une parenthèse, mais que cinéma tout court, qui est un peu vague, comme beaucoup de choses tournent autour de ce film-là, de récupérer les négatifs, de le refaire, faire le remake. Alors, y a l'idée aussi que le personnage du jeune réalisateur choisi par Delon, c'est vraiment un yes man. C'est vraiment un mandat qui téléguide tout, que soit entre producteurs, c'est lui qui va tout financer, il va jouer dedans, le rôle de son père, et aussi il est attentif au scénario, à l'évolution, etc. Donc vraiment, on pourrait avoir quelque chose qui est proche du Delon qu'on connaît. Et puis ensuite, il y a une sorte de mise en abîme avec un acteur, donc Manda, dont la vie est filmée par les caméras de surveillance qu'il a chez lui. C'est un duplex, on suppose. Dans sa chambre, il a les télévisions qui diffusent ce que filment les caméras de surveillance dans son salon. Et enfin, on a des scènes un peu over the top, genre Delon qui poursuit et qui fait arrêter un jet privé avec sa voiture, par exemple. Ensuite, on a beaucoup de références parsemées par-ci par-là de sa filmographie. Alors, c'est assez léger. Par exemple, le fait qu'il débarque chez un ancien ami producteur italien et qu'il arrive en voiture au bord de sa piscine, donc la référence à la piscine, c'est une allusion plus ou moins directe, c'est pas encore flagrant. Il y a aussi éventuellement deux autres allusions. Dans le tout dernier épisode et vers la fin, la dernière demi-heure, le fait que Delon se fasse interroger par l'inspecteur joué par Guy Marchand, l'inspecteur Jacobi. D'ailleurs, c'est un des bons points positifs aussi, le face-à-face de Delon-Guy Marchand, c'est toujours agréable de les voir jouer. Ben, l'inspecteur qui est joué par Guy Marchand, on sent qu'il est fan du travail de Julien Manda, et il y a une allusion, alors dans la série, au film Les Fauves, avec Jane Fonda, mais qui, en fait, dans la réalité, bien sûr, c'est Les Félins de René Clément, où Delon jouait avec. Et on a aussi ce mythe, voilà, où l'inspecteur demande si les rumeurs sont vraies, à savoir que l'ambiance était mauvaise entre l'acteur et l'actrice, et l'acteur va dire bah non, pas du tout, ça s'est bien passé. Qui plus est, elle était enceinte à l'époque sur le tournage, ce qui a empêché, entre guillemets, les cascades. Dans la réalité, Jane Fonda avait déclaré en 2010 que le tournage s'était très bien passé, que Delon était très gentil, qu'il ne s'occupait pas peut-être de la charmer, puisqu'il était très amoureux de celle qu'il allait épouser à l'époque. Donc plein de petites références. Il y a une référence éventuelle au Samouraï ou à Borsalino ou les deux, lorsque Delon, avant de tourner la dernière scène où il interprète son père, met un chapeau dans un costume assez classique, et ça peut faire penser, en effet, la façon, le geste qu'il fait, ça peut nous rappeler le Samouraï. Donc ce sont des références toujours bienvenues. Il y a d'autres petites choses sympathiques, alors mis à part le fait de voir les scènes entre Delon et Edwige Feuillère, qui rappelle donc son premier rôle au cinéma, on croise parfois de second rôle, des autres personnages qui font des clins d'œil aussi à Delon lui-même. Alors le plus évident, ça serait le personnage du producteur italien, son ami. Dans la mini-série, il s'appelle Arturo Dupuis, et en fait dans la mini-série, il est joué par Adolfo Marsillac. Alors c'est un acteur espagnol que Delon avait déjà croisé dans La Tulipe Noire, où Adolfo Marsillac jouait le rôle du baron Lamouche, qui est quand même le rôle principal après celui de Delon. Les autres seconds rôles, alors justement c'est pour satisfaire un peu tout le monde, on voit qu'il y a quand même une distribution de choix. Alors soit ce sont des acteurs de télé, alors celle qui joue Caroline DeVitt, c'est Sonny Méliès, qui, si on pense à la filmographie, bon, c'est surtout de la télévision allemande, avec, alors c'est une actrice luxembourgeoise, mais elle a fait beaucoup de les séries allemandes habituelles, hein, tout ce qui est d'Eric Tatort, etc. Pareil pour son frère, joué par Oliver Lenz, qui a fait tout ce qui est Kling de la Forêt Noire, Tatort. Et dans ce qui est intéressant, c'est aussi beaucoup de citations. Les grands acteurs ne font pas les grands films, ça se saurait. Donc là aussi, c'est peut-être pour pas forcément excuser ses choix de carrière ou des choses comme ça, mais l'idée que même lui, s'il est bon acteur, il n'a pas forcément fait tout le temps des grands films. Il y a aussi des scènes assez spécifiques. Alors, elle est déjà évoquée dans le résumé que je vous avais lu juste avant, mais par exemple, si en effet la scène où Manda rencontre les producteurs américains pour réaliser le remake des Pianos de Berlin, et on voit qu'il est prêt à faire beaucoup de concessions pour pouvoir faire le film, donc Manda, les producteurs américains lui demandent 50% des droits, etc. Et devant le désintérêt, c'est-à-dire que, oui, enfin, en gros, l'idée que bah, je m'en fous tant que je fais le film, il y a une réflexion d'un producteur américain qui va lui dire bah, pourquoi vous n'aimez pas le fric ? Et enfin, pour finir avec ça, il y a des très bons, je le répète, des très bons second rôles du côté français. Par exemple, il y a donc Jean-Pierre Aumont qui joue Henri Marquet, un ancien amant de Marguerite, de la mère de Delon, un prétendant. Les scènes sont souvent intéressantes. C'est vraiment des scènes de grande camaraderie entre Delon et lui. Et ensuite, il y a aussi le personnage du banquier Carlin, Guy Tréjean, qui a joué beaucoup de second rôle dans Pouic Pouic, dans Joe, avec Louis de Funès, dans Violence et Passion, des Torrescola, dans La Triche, ou encore plus tard dans La Connue dans la Maison avec Belmondo. Donc là aussi, qui joue sur un personnage de banquier qui mène les négociations. Ça aussi, c'est un peu spécial pour montrer la grandeur du banquier. Il y a beaucoup de choses positives à en tirer pour quelque chose qui relève de la télé. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont être convenues. Et si je finis sur les points négatifs, alors là, j'en ai quand même marqué quelques-uns. Le principal problème, alors c'est peut-être dans l'écriture ou des maladresses, c'est le personnage principal qui va être celui de Lulu. Alors Lulu, c'est à la base une spectatrice d'un des films de Manda qu'il rencontre dans la rue. Ce personnage est interprété par Ingrid Held, qui a un parcours assez spécial, c'est-à-dire qu'elle a joué par exemple en 86 dans un film de Benoît Jacquot qui s'appelle Corps et Bien, avec Lambert Wilson. Elle a joué dans Ennemis Intimes de Denis Amar en 87 avec Michel Serrault, et dans La Maison Assassinée de Georges Lautner avec Patrick Bruel en 88. Et elle a arrêté sa carrière au tout début des années 90 pour se reconvertir en tant qu'institutrice, historienne de l'art et guide des monuments parisiens. Pour ce personnage, il fait 13 années 80 et c'est franchement un personnage ex machina. C'est-à-dire que vraiment, ce personnage, il a 100% de chance durant tout le récit. Ça pose problème. Par exemple, la rencontre avec Lulu. C'est Manda qui est préoccupé par le nombre d'entrées que fait son dernier film et qui non seulement appelle le matin même les cinémas pour savoir le nombre d'entrées de la première séance, et va même faire les files d'attente, alors en voiture, mais voilà, regardez un petit peu si les files d'attente sont longues devant les salles qui projettent son film. Il est avec Rocco, son homme de main, joué par Sergio Caselito, et il y a dans toutes les files d'attente, alors qu'ils sont loin, une femme qui attire son regard. Rocco quitte un peu son homme à tout faire, rameute donc justement cette femme, qui se laisse embarquer, un peu insouciante. Déjà, la rencontre, c'est du hasard. Plus on avance, plus il y a des choses un peu bizarres. L'idée que Lulu joue du piano, comme Marguerite, qu'au départ elle est amoureuse de Rocco, qui va lui dire « tu finiras de toute façon par tomber dans les bras de Manda ». Il y a aussi le cliché de l'Onien qui finit avec une femme deux fois moins âgée que lui. Ensuite, des scènes qui font avancer d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi. Voilà, une scène où Manda loge Lulu. Il débarque d'un seul coup dans la salle de bain. Elle est en train de prendre son bain, alors pas de souci. Il la fait descendre au salon devant tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des peintres qui refont l'appartement, les cuisinières. Il lui offre un piano de 1849. Elle commence à en jouer merveilleusement devant un public attentif et souriant en peignoir de bain. Et pendant qu'elle joue, elle fait une déclaration à Manda qui sort un peu de nulle part. Pareil, quand Manda cherche une actrice pour jouer sa mère dans le remake des Pianos de Berlin, elle fait un bout d'essai par hasard pour la doublure de lumière. Alors qu'elle n'est pas actrice du tout, elle remporte le rôle, il n'y a pas de problème. Elle devance même une actrice qui devait tourner la semaine d'après avec De Niro. Le rapprochement Lulu-Manda qui, bien qu'annoncé, tombe un peu, encore une fois, comme un cheveu sur la soupe. Ce qui va faire changer Lulu, qui dit « je veux pas de Manda, je veux quelqu'un de calme, qui ne casse pas tout sur son passage, quelqu'un de vrai », justement, c'est quand il parle vrai qu'elle tombe amoureuse de lui. Et pareil pour lui, on sent que le personnage de Delon est jaloux de la relation entre Rocco et Lulu au début, mais il a d'autres sollicitations, Caroline De Witt, des call girls. Il a normalement de quoi se contenter, donc pourquoi est-ce qu'il va devenir accro à Lulu? Il y a des raisons, et elles sont pas forcément très, très jolies, entre guillemets. Et c'est là où il va y avoir un problème. Là, j'ai peut-être l'esprit tordu, mais il y a quand même quelques pistes à creuser par là, un côté un peu freudien, un côté complexe d'Oedipe qui est sous-jacent et dérangeant, avec un Manda qui tombe amoureux d'une femme qui ressemble à sa mère jeune, le fait qu'il veuille interpréter le rôle de son père, même si c'est pas forcément pour des scènes chaudes. Marguerite, donc Edith Feuillère, sa mère qu'elle a perdu la mémoire quand Lulu vient lui rendre visite dans le parc de l'hôpital, elle donne son consentement, à savoir je serai présente à votre mariage alors qu'il n'y a encore rien de fait, c'est-à-dire que Lulu et Manda ne sont pas ensemble du tout. C'est un côté fatalité, on ne sait pas pourquoi. Autre point négatif, ça peut être des passages trop soap-opéra. Alors que ce soit que le personnage de Caroline De Witt, qui est la fille de Léopold De Witt, qui était l'ancien amant de Marguerite, son secrétaire, qui l'a ruiné et qui a produit les pianos de Berlin. Et pour se venger, en effet, il n'a pas montré le bon côté de Marguerite, ce qui l'a fait passer pour une collabo. Donc là aussi, tout le côté sentimental, il sent trop le côté effet télévisuel convenu et situation dramatique sans nuance. Donc là, c'est le côté un peu trop télé, le côté roman photo, malheureusement. Donc là aussi, ça peut poser problème avec parfois des réactions de personnages qu'on ne comprend pas, à la limite du vraisemblable. J'ai noté une dernière chose, c'est l'aspect un peu gros de certaines situations, à savoir que la réponse à quasiment tous les problèmes de l'intrigue se trouve dans un carton à chapeau qui est en évidence, c'est-à-dire que c'est même pas caché, c'est même pas après une longue enquête, donc c'est marqué années 40 dessus, que Marguerite ne veut pas ouvrir, et finalement il y a toute la résolution des énigmes, elle était sous les yeux, c'était évident. Donc là ça fait un peu gros. Donc mis à part ça, quand j'ai reçu les DVD, en deux jours c'était vu, ça se suit facilement. Bon après, ça ne demande pas forcément une grande attention, mais il y a quand même quelques petites choses intéressantes à voir. C'est surprenant de voir justement un Delon à la télé. C'est aussi peut-être pour Jean-Michel Petrolatti qui avait écrit ce scénario rien que pour lui, que Petrolatti est mort. Peut-être qu'il y avait une volonté de Delon de lui rendre hommage. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. À chaque coup, quasiment les films de Delon sont dédiés à quelqu'un dès le départ. Et là, c'est marqué dédié à Petro, donc Petrolatti. Donc là aussi peut-être pour honorer, peut-être pas une promesse, mais faire plaisir. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit pour cinéma, il y aurait d'autres choses à dire certainement, c'est clair, mais il y a eu mine de rien une importance par rapport à l'image que ça a pu donner auprès du grand public de Delon, à savoir quelqu'un qui certes s'est rendu accessible en étant à la télé, alors qu'il était quand même encore quasiment en pleine gloire, même si c'était plus forcément celle des années 70, il avait encore un écho au cinéma, avec Parole de flic, avec Le Passage, des gens se déplaçaient pour voir ses films quand même. Le fait d'avoir voulu faire un break ou d'avoir eu l'idée, l'envie de se frotter aux médias télévisuels, parce qu'il y avait quand même des moyens, il y avait des personnes, il y avait toute une équipe qui avait un projet qui se tenait à peu près, ça a peut-être donné une image en effet un peu amoindrie, un peu écornée de Delon. Et finalement, même si dedans il est bon, même s'il apporte beaucoup et une plus-value certaine à la production de cinéma, il en ressort quand même que peut-être les aspects plus négatifs, notamment ceux que j'ai soulignés, ont dû certainement l'impacter d'une façon ou d'une autre. Et il y a ce côté-là aussi où il faut rappeler que, alors je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet, mais le fait que la mini-série soit diffusée en octobre 1988, on suppose pendant un mois, et ça fait finir début novembre, et un mois et demi après, il est sur les écrans avec Ne réveillez pas un flic qui dort, donc les gens n'ont peut-être pas eu le temps d'oublier Delon, parce qu'ils l'ont vu à la télé un mois auparavant, et il n'y a peut-être pas une envie ou un besoin irrépressible d'aller voir son dernier film. C'est peut-être aussi ce qui a expliqué. Bien sûr, tout l'épisode de Pellicule et Pourriturnum montre les gros défauts du film, et pas que cet épisode-là, il y a aussi la réputation du film en général. Il y a certainement aussi le bouche à oreille qui a dû jouer. Mais finalement, peut-être que cette série qui, sur le moment, a dû faire plaisir à Delon à tourner, etc., ça lui a peut-être amené plus de mal qu'autre chose. Et mine de rien, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Pour la suite, je ne reviens pas sur Ne réveillez pas un flic qui dort, vous avez tout l'épisode pour comprendre l'étendue du problème. On passe au film suivant, c'est-à-dire que après Ne réveillez pas un flic qui dort, on revoit aussi Delon qui veut se reposer auprès d'un réalisateur. Alors c'est un défi, c'est un challenge, donc le repos est subjectif, mais Delon va avoir une envie de se confronter avec un des réalisateurs phares de la Nouvelle Vague, Godard, et ce sera justement pour le film Nouvelle Vague que nous allons évoquer tout de suite. Mais c'est un récit que je voulais faire. Et je le veux encore. De l'extérieur, rien ne vient distraire ma mémoire. C'est tout juste si j'entends, de loin en loin, la terre gémir doucement, dont un rayon déchire la surface. Et l'ombre me suffit, un seul peuplier debout derrière moi, dans son deuil. Thank you. Donc après Ne réveillez pas un flic qui dort, est-ce qu'on peut considérer comme son échec? Nous avons donc un Alain Delon qui est assez perdu. D'ailleurs, avant d'entamer Nouvelle Vague de Godard, on a à peu près cette déclaration qu'il nous fait, à savoir donc « Mon instinct me dit de lever le pied, de ralentir. Je suis fatigué. Je n'ai plus de repères. Je sens que tout est brouillé. Je ne vois plus rien. Je suis pris dans une tornade. Tout tourne dans ma tête. J'ai besoin de retrouver mes marques. Ça va trop vite et j'ai besoin de m'arrêter. » C'est donc l'opportunité de tourner avec Godard qui manquait à son palmarès et surtout l'enthousiasme d'entamer une nouvelle expérience de tournage qui a dû le pousser justement à entamer le tournage de Nouvelle Vague. Il reconnaît cependant que Godard n'a jamais fait partie de sa famille et lui-même n'a jamais fait partie de la Nouvelle Vague. Il n'a jamais pris le mouvement. Lui, il a été plutôt dans ce qui était considéré comme à l'époque le cinéma de papa, en tournant plutôt avec Allégret. Et en effet, ce qu'il dit, sa folie, la folie de Godard manquait à mon classicisme. Et par contre, il s'est mis en condition, c'est-à-dire que pour que ça marche, pour que le film marche, il faut, c'est ce qu'il s'est dit lui-même, il faut que tu te libères, que tu te mettes entièrement à la disposition de Godard. En 95, 5 ans après le film, il y a une interview que Delon avait donnée à Gala et où on lui parlait notamment de Nouvelle Vague. Il persistait à adorer le film, c'est ce qu'il dit. Ouais, j'adore le film, je n'y comprends pas grand-chose, mais j'adore. Avoir Godard sur sa carte de visite, ça compte. Et en effet, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'il s'est laissé totalement partir, justement pour être totalement à disposition de Godard, si bien que sur le moment, et c'est ce qu'il va dire lors d'une interview, je vais la passer parce qu'elle est très importante, à savoir que Delon arrive à la conclusion que Godard n'a l'idée finale du film qu'au montage. Lui tourne des bribes qui vont être réarrangées par le réalisateur. Donc il a, et c'est ce qui va ressortir dans la presse et même dans les commentaires, on tourne un film de Godard. Donc Delon n'est qu'un des éléments, il se met totalement à disposition, contrairement à avant, et il se laisse diriger. C'est ce qu'il recherchait aussi, il y avait une volonté de ce côté-là, et pour lui, il a conscience que c'est en partie un virage qu'il entame, ou du moins un abandon, une nouvelle façon de voir sa carrière d'acteur. Et d'ailleurs, juste avant d'entamer ce tournage, il avait écrit une sorte de petit journal pour un magazine de l'époque. Voici à peu près ce qu'il dit juste avant de se rendre sur le plateau. Mais c'est vraiment quelques heures avant le premier jour. Comme à l'aube d'une grande bataille, j'ai passé ma veillée d'armes dans mon PC, dans ce bureau habité de souvenirs. 32 ans de cinéma. Sur la cheminée, au mur, des photos de ceux que j'aime ou ai aimé. Beaucoup ont disparu. Demain, je commence mon 70e film, avec Jean-Luc Godard, ça me fait sourire. Quand Truffaut, Chabrol et bien sûr Godard ont inventé la nouvelle vague, ils m'ont mis à l'adex. Je représentais trop ce cinéma qu'ils boycottaient. J'étais alors l'enfant chéri de Clément, Visconti, Lozé, Melville, Antonioni. Et demain, je tourne avec Godard. C'est drôle la vie. Godard n'est pas simple à suivre, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais je connais bien ce type de cinéaste. C'est d'abord un auteur. Il faut le laisser dire, le laisser faire, le suivre dans ses fantasmes, s'adapter à son écriture. Je me fais instrument. Je redeviens caméléon. Je crois avoir compris la première phase du jeu. Demain, la deuxième, le tournage, va commencer. Celle-là, je ne la connais pas encore. Il entame donc le tournage entre le 4 septembre et le fin octobre 1990 au bord du lac Léman et dans les petites villes de Suisse. Pour faire suite, je vous passe donc cette fameuse interview qui a eu lieu dans l'émission Ciné-Cinéma sur Antenne 2 à l'époque, qui avait lieu donc sur le tournage et où Alain Delon livre beaucoup d'informations aussi bien sur la façon de travailler avec Godard que sur sa carrière et son envie de nouveaux projets. Plein de propos très intéressants donc que je vous passe tout de suite. J'ai dit, soyez mon carréane, je serai votre instrument, parce que c'est comme ça que j'étais dirigé et que je souhaite être dirigé. Et je crois que Jean-Luc Godard l'a très bien compris et je lui ai dit, dirigez-moi comme un instrument, je vous donnerai la mélodie, je la jouerai, et puis à partir de là, donnez-moi de plus d'aigu, plus de grave, plus de vibrato. Et c'est comme ça que je souhaite et que j'aime être dirigé, c'est comme ça que j'ai toujours été dirigé par les plus grands, comme un instrument, dans les mains du metteur en scène. Alors c'est vraiment un carréane? Ah, c'est un grand directeur d'acteur, oui. C'est avant tout un grand auteur et c'est un écrivain, comme je l'ai déclaré. C'est plus un écrivain qu'un cinéaste. Et je crois qu'il se sert de sa caméra, c'est pour ça qu'il a une écriture cinématographique certaine, il sert de sa caméra comme d'un stylo, mais moins bien que de son stylo. Moi, je trouve les dialogues du film, comme dans tous ses films, sont tout à fait particuliers, lui ressemblent bien et sont absolument excellents. Voilà. Je crois que c'est un auteur, et comme j'expliquais, c'est un auteur qui... Il attend toujours le dernier moment pour vous dire ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, parce qu'il fait des rayures, il fait des ratures sur son brouillon. Et évidemment, quand on tourne avec une caméra, on ne peut pas faire de brouillon, c'est direct. Et là, dans le fond, jusqu'au dernier moment, il fait des ratures et il recommence, et il change constamment, il se renouvelle, et il demande à l'acteur d'être totalement caméléon et de se renouveler sans instant. Et c'est ça qui est intéressant, qui est passionnant, tout de moins, c'est nouveau. Alors, vous voyez vraiment professionnellement les pieds dans les pantoufles, c'est-à-dire certains rails, avec des exceptions pourtant. En quoi il vous déstabilise, il vous surprend et il vous irrite? Parce qu'un rapport acteur-metteur en scène, non, je m'imagine qu'avec Visconti, qu'avec Clément, il y avait bien des moments de tension, sinon on ne fait pas du travail constructif. Oui, mais il n'y a pas de déstabilisation de sa part en ce qui me concerne. Ce qui pourrait m'irriter, c'est justement cette conscience professionnelle d'acteur que j'ai et de toujours attendre le dernier moment pour savoir exactement ce que je fais. Parce qu'il y a cette communication quand même innée entre nous, je le comprends très bien, il me comprend sans parler comme il l'a dit, mais il y a des choses qu'il me livre au dernier moment, et ça par moments ça m'irrite, parce que chacun a sa manière de se préparer, moi comme certains autres, nous devons penser avant à ce que nous avons à faire, nous devons faire un espèce de schéma dans notre tête, et avec lui il n'y a pas possibilité de répéter en soi, il n'y a pas possibilité de schéma, puisqu'au dernier moment il est capable de faire tout à fait machine arrière. Et ça, c'est une chose qui, moi, ne me déstabilise pas, qui est un travail, demande un travail tout à fait particulier, mais qui, par moments, m'irrite parce que j'aime savoir avant, pour penser avant à ce que je vais faire. Et là, j'ai pas le temps de penser, parce que j'ai pas le temps de savoir. Si on veut voler quelque chose en vous, faut pas vous laisser le temps de vous armer, c'est peut-être bon, sa méthode. Est-ce que vous pensez? Oui, mais c'est quand même sur une... Il y a quand même une base, il y a quand même un dialogue de base, il y a quand même une scène, il y a quand même un personnage, il y a un soupçon de synopsis. Hein. Ouais. Quand je dis un soupçon, c'est parce qu'il ne se livre pas, il ne livre jamais son histoire, il ne livre pas son film. Je le soupçonne d'ailleurs de faire son film réellement, un peu comme Clément, c'est-à-dire au montage. Je crois qu'il a tout son film dans sa tête, il a ses personnages, il a son histoire, il a son liant. Et je pense personnellement que c'est au montage, une fois qu'il aura tous ses éléments, qu'il fera réellement son film tel qu'il le conçoit et tel qu'il l'a dans sa tête, qu'il l'a dans son esprit, je crois qu'il l'a dans son cœur et dans son ventre. Je pense que c'est moi qui serais peut-être plus surpris en voyant le film à la fin, une fois sorti. Mais c'est pas un problème parce qu'il aura fait le film qu'il a souhaité. Il aura fait le film qu'il aura voulu faire. Et lorsque j'ai accepté de tourner avec Godard, c'était justement pas pour faire un film de Delon ou un de plus, mais pour justement faire un film de Godard. C'est ça qui est exceptionnel, c'est ça qui m'a excité, c'est ça qui m'a attiré, c'est ça qui est nouveau pour moi. Et d'arriver, si vous voulez, à... Je déteste le mot tournant, le mot bilan ou virage, je dirais bien, à un certain moment de ma carrière. Je crois que les choses sont dans l'air, les choses sont dans le destin. Il était important que je fasse ce film avec Godard et que je fasse un film de Godard. C'est un espèce de moment charnière, je dirais, de la carrière de l'acteur. D'autant que ça donnera peut-être l'idée à certains autres avec lesquels peut-être vous auriez espéré travailler en disant, tiens, ben, on peut travailler avec Delon. Hein. Vous voulez me les citer, c'est certains autres? Donc, je sais pas, moi je pense qu'il y a peut-être des gens qui auraient des idées de vous, qui auraient eu peut-être la pensée de vous proposer un film et qui disent, oh mais non, ça va pas l'intéresser. Oui, mais il faudrait qu'ils se dépêchent alors. Ouais. Oui, bon, il y a peu de temps. C'est une réflexion que j'ai entendue là quand j'ai tourné aussi des fois il y a quelques années avec, lorsque j'ai fait Le Passage ou lorsque j'ai tourné. J'ai dit, ça donnera peut-être des idées. Je crois que finalement ça donnait peut-être une idée à Godard, mais je crois que c'est son idée il y a longtemps. Je crois que Godard avait sûrement longtemps l'idée de travailler, de me faire travailler, et qu'il attendait le moment qu'il pensait ou qu'il jugeait lui le bon. Mais ça n'a pas vraiment donné d'idée à d'autres, hein. J'ai pas de propositions précises de ceux que vous ne m'avez pas cités. Wait and see. En tous les cas, pour l'un et l'autre, c'est un formidable coup médiatique, ça, indépendamment de toute autre chose. Hein. C'est vrai que la rencontre... C'est pas pour ça que c'était fait. Hein. Mais ça serait une bonne raison. Oui, ce serait une bonne raison, mais de toute façon, nous allons en profiter. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Mais il ne faut pas se priver de l'utile et de l'agréable. Bon. Vous avez l'impression quand même qu'ils vous volent quelque chose, parce que tous les grands qui ont travaillé avec vous ont volé des intériorités d'Alain Delon. Vous avez l'impression qu'il va arriver à ça. Les pessimistes disent que vous avez tellement donné qu'il n'y a peut-être plus rien à prendre. Je crois qu'on peut toujours donner, parce qu'on ne donne pas tout à quelqu'un. On donne différemment à des êtres tout à fait différents. Je crois que, de toute façon, on se recharge, on se reconstruit, on se réemplit, on se réapprovisionne. C'est vrai que j'ai donné, mais je ne suis pas un acteur je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de donner, mais j'ai besoin aussi que l'on me prenne. Je crois que chaque grand metteur en scène vraiment que j'ai connu m'ont pris d'une façon différente, à des moments différents de ma vie, des choses essentielles de l'acteur que je suis, enfin que je pense, que j'espère que être. Alors vous savez que tout le milieu professionnel attend comme un combat de boxe un championnat du monde, domaine que vous connaissez bien pour en avoir organisé, le premier KO, mais moi j'ai l'impression que vous êtes condamnés l'un et l'autre à aller jusqu'au bout, quoi. Et on n'est pas condamné d'abord parce que c'est un plaisir. Travailler dans ces conditions, c'est formidable. Maintenant, vous savez, les hypothèses de certains, comme vous dites, une partie de la profession ou la profession, ce que les autres pensent, disent ou attendent, c'est pas vraiment ce qui nous empêche de dormir. C'est pas vraiment ce qui nous concerne ici. Je crois, vous savez, qu'il y a beaucoup de gens qui dans ce métier qui ne font pas grand chose et qui attendent toujours que quelque chose se passe ailleurs. Je crois que ce qui serait important, c'est qu'il se passe quelque chose dans leur vie ou dans leur carrière. Ça leur éviterait de penser aux autres. En tous les cas, il y a une chose frappante, je ne sais pas quel sera le film, mais vous n'avez pas l'air de vous ennuyer. Alors, quant à la jeune, on ne s'ennuie jamais pas, c'est déjà beaucoup. Mais vous savez, on ne peut pas s'ennuyer quand on fait quelque chose qu'on aime. Déjà, bon, moi, je suis quelqu'un de privilégié dans ma vie, parce que j'ai toujours fait dans ma carrière, dans ma vie, ce que j'ai souhaité faire, ce que j'ai voulu. J'ai un petit peu forcé, j'ai donné l'orientation, mais je fais ce que je veux. Bah, donc, je ne vois pas pourquoi on serait malheureux. Là, je fais un film formidable, qui me procure des émotions tout à fait nouvelles et qui me procure une excitation très, très forte. Pourquoi je ne serais pas heureux? Je suis très, très heureux, parce que c'est une chose importante dans ma vie, importante dans ma carrière. Mais on va attendre le résultat. Peut-être. Mais le résultat ne se fera pas attendre. Des propos qui sont donc très cinglants, très utiles et très complets. On voit donc un Delon qui se laisse complètement diriger et qui se repose sur Godard. Pour Delon, c'est une opération sans risque, dans le sens où bon, il a quand même sa réputation d'acteur à jouer, mais que c'est un film de Godard. Donc dans ce cas-là, c'est vrai que c'est toujours Godard qui va être exposé. Beaucoup pensent que cette réunion a lieu 30 ans trop tard, que la nouvelle vague, quand sort le film, est déjà une antiquité, et Godard une relique. Ensuite, on a quand même quelques déclarations sur les deux, pourquoi cette rencontre. Godard qui va dire que Delon peut à la fois être et avoir été, il peut donc jouer un double rôle, ce qu'il fera dans le film, j'y reviendrai, et il porte en lui sa propre tragédie. Delon, lui, de son côté, va dire « J'accepte, parce que vous êtes Godard, parce que je suis Delon, dans ma carrière, au point où j'en suis, seules les expériences extraordinaires m'intéressent. Avec nos caractères, ce sera une merde ou un chef-d'œuvre. » C'est ce qu'on voit donc pour Delon, et il y a aussi ça dans le témoignage, je le dis, je le répète, la volonté de montrer un panel plus fort, plus étendu que ce qu'il a fait jusque-là, de le réduire à un stéréotype, à une caricature. Alors, malgré tout, on ne peut pas totalement le dédouaner. Il est en partie responsable de cette caricature, ne serait-ce aussi que par l'intervention qu'il a dans les scénarios où il est la star et où il s'implique toujours pour aiguiller ou donner un angle plus delonien à ses personnages. Par contre, là, pour le scénario, le synopsis de Godard, c'est totalement différent. Certes, Godard va inclure du Delon dans les deux personnages qu'il a à jouer. Pour ce qui est du résumé, c'est un peu difficile. Le film n'est pas linéaire, ou la narration est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un film très, par cela même, très clivant. Donc à savoir le point de départ, ou si on va un petit peu plus loin. Ça nous raconte l'histoire d'une comtesse italienne, Elena Torlato Faurini, qui est jouée par Domiziana Giordano, qui donc secourt un homme sur le bord de la route, qui sera donc Roger Lennox, alors qui est un Alain Delon divisé en deux, hein, ça sera un film miroir. Dans cette première partie, il est faible, mou, lointain, il est complètement détaché des affaires, et lors d'une balade en bateau, il ne sait pas nager, il tombe à l'eau, il se noie. Puis, donc, on passe sous silence cette mort, mais à la surprise générale, il y a donc un Richard Lennox, qui se présente comme le frère jumeau de Roger, qui a assisté à la noyade et menace de faire scandale. Il décide de prendre une bonne partie des entreprises d'Elena. Et donc là, par contre, on voit que lui, Richard Lennox, il est décidé sur de lui conquérant. Delon est coiffé autrement, il est coiffé, voilà, les cheveux en arrière, alors qu'il était grisonnant, avec un pull, vieilli. D'ailleurs, quand on lui demande qu'est-ce qu'il fait là, bah, il dit « je fais pitié ». Et donc, on voit que Richard est beaucoup plus énergique, qu'il prend les affaires en main. Et à la fin du film, on a donc une nouvelle scène de bateau. Cette fois, c'est Elena qui est sur le point de se noyer et c'est Richard qui la sauve. Et ça a l'air simpliste comme ça, comme synopsis. Ça, c'est le synopsis de base, mais il faut voir qu'il est habillé de citations, de dialogues, avec parfois des acteurs qui ne sont pas présents à l'écran qui les disent, des plans contemplatifs sur la nature. Ce qui fait que c'est un film vraiment de Godard, on ne peut pas dire autrement. Dans les personnages qu'on peut retrouver, dans la partie où c'est Roger, le entre guillemets le mou, on retrouve un peu plus du Delon de notre histoire d'oublier. Par contre, pour ce qui est de Richard Lennox, on a vraiment la star Delon, première chose. Ensuite, on a du Monsieur Klein, du Plein Soleil, forcément, le Tom Ripley, et aussi éventuellement de la piscine. Donc, on voit quand même Godard qui utilise la star Delon, même si, voilà, encore une fois, c'est clair que le film est estampillé Godard. Il n'y a pas trop à chercher là-dessus. On peut le voir à plusieurs choses, le décalage entre l'image et le son, des dialogues qui sont tirés de citations, alors on a du Jules Renard, du Faulkner, du Rivarol, du Marie Shelley, du Rousseau, du Marx, Schlinzer qu'on retrouvera avec le retour de Casanova. C'est donc ici un puzzle fascinant mais très ésotérique et difficile à suivre. Delon dira lui-même que c'est comme un tableau abstrait, un jet direct de la pensée sur la toile, on aime ou on n'aime pas. Alors il faut rappeler que le film a fait le Festival de Cannes, que ça donnait lieu à une revanche, double revanche pour Delon, d'un côté de revenir à Cannes après Le Guépard, donc c'était 1963, là on est en 1990, son blason est quand même redoré, et ça peut apporter aussi un succès relatif à Godard. Le film plaît aux amateurs de Godard, à la critique aussi. Par contre, c'est clair que c'est clairement pas un succès grand public. Beaucoup admirent la performance intellectuelle de l'acteur. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, il met le ton, même si il comprend pas forcément ce qu'il joue ou ce à quoi ça va aboutir. Il le dit lui-même, hein. Il risque d'être surpris par le résultat final. Le film ne repart avec rien, comme prix. Sa carrière en salle se limite à 140 000 spectateurs. Encore une fois, il a des bonnes critiques, hein. Pour Delon, il s'en sort bien. Comme je l'ai dit, c'était une opération sans risque, à part le fait que ce soit vraiment un challenge. Faut pas le minorer, loin de là. C'est pas juste je fais un Godard, je me plaque derrière, si ça se plante, tant pis. Alors par contre, c'est clair que c'est un film clivant. Si on présente ça au grand public, ils vont vraiment se demander ce qu'on leur présente. Alors si je prends les différentes critiques, sur le ciné, le film obtient 2,4 sur 5 avec 66 notes. 42% des notes, c'est entre 0 et 1. Sens critique, il y a par contre 6,3 sur 10 et IMDb 7,1 sur 10 pour 1140 votes à peu près. Là aussi, on voit des choses très, très différentes. Si je prends l'ensemble des critiques qui sont à droite et à gauche, on a par exemple le fait de dire que ce film est un assemblage de scènes sur fond de texte lu. Il est agréable à regarder, une belle photographie, mais il est difficile à suivre pour le grand public. Il faut être échauffé au cinéma de Godard et à son langage avant d'aborder ce film. C'est donc un film pour les puristes et les fans du réalisateur. On a des critiques pour l'époque qui sont dans la presse divisées. On a d'un côté, par exemple, le quotidien de Paris qui va dire que... Le journaliste va dire qu'il est, il est les deux, en fait. Il est à la fois conquis et sceptique, rasséréné et perdu. Dans l'humanité, on a par exemple le fait que le film soit un véritable poème plastique et symphonique qui embrasse l'art de filmer comme un tout organique. Dans Dylan François, le film est un crime contre le cinéma. Donc on aura Godard qui devant la presse dira « Si vous voyez mon film sans la bande-son, il est meilleur. Mais si vous ne voyez que la bande-son sans les images, il sera encore meilleur. » Donc on voit clairement Godard qui fait le show, comme à son habitude. Et donc beaucoup vont dire que c'est un film sur la seconde chance, sur le pardon, sur le retour du refoulé, un film sur le même et le passé, sur l'image qui se cache sous l'image, sur l'œil neuf pour faire perdurer l'amour. D'autres vont dire que c'est un foutage de gueule paresseux, un film hyper clivant, un film qui n'est pas destiné à être aimé de tous, qui cumule tous les clichés du film pseudo-intello chiant, mais qui est cependant d'inintérêt. Le film ne contient pas une absence d'action, mais une hyperaction dans l'absence. Et bref, un effet miroir, le film qui comporte un effet miroir pour revenir sur les erreurs du passé, un fantasme de les gommer, ou faut-il se renier, ou être comme l'autre aimerait que l'on soit. Pour ce qui est de IMDb, si on prend les différentes critiques, il y en a des très intéressantes. Donc Michael 339 de Chicago, qui en 2000 a mis un 10 sur 10 au film, qui a titré donc « Godard propose avec audace une nouvelle relation entre le son et l'image ». Il note donc un très bon point, c'est l'inversion, donc enfin l'effet miroir avec l'inversion des rôles dominés-dominants, les oppositions différentes, c'est-à-dire hommes-femmes, les oppositions Europe-USA, notamment au niveau de l'art, l'art et le commerce, le son et l'image, les riches et les pauvres. Donc il trouve que c'est un magnifique travail artistique sur la faisabilité d'un amour dans le monde moderne, donc le monde des années 90, et une nouvelle poésie du cinéma, un adieu curieux et optimiste au socialisme. Bon, ça c'est pour Michael 339. Il y a un Chilien, Juan Ignacio Corces, qui en 2004 donc a mis un 9 sur 10 au film. Il a titré ça « Redécouvrir la poésie ». Il salue le génie de Godard qui arrive à filmer l'air et à voir le présent à travers le passé. Donc c'est un film sur les sensations. Mais ça c'est clair, il faut montrer une certaine sensibilité. Il y a aussi la critique d'un Grec, Chaos Rampant, en 2011. Delon s'est aventuré avec distraction et étonnement dans ce film. C'est une transfiguration de la nouvelle vague, qui oppose par exemple la froideur des affaires contre la chair des sentiments. Et il a trouvé une des phrases du film la plus magnifique. Ça doit donner quelque chose comme « Tout ce qui n'est pas résolu par l'amour reste en suspens ». Et il y a aussi une critique de Blanche 2, celle où on l'avait déjà vue pour Parole de flic, pareil de 2017, donc elle est toujours américaine, ou américain, je sais pas, qui a mis 6 sur 10, et qui fait un parallèle intéressant, à savoir que Elena, la comtesse, représenterait l'industrie cinématographique, que Lennox représente d'abord le film, donc Roger, à savoir le mou, le faible, le plus faible, représente d'abord le film et ses créateurs, qui ont été nourris par l'industrie cinématographique, mais qui finissent par mourir, et Richard, donc Delon aussi, qui représente en fait un film rebelle dans la nouvelle vague, où les cinéastes possèdent donc une connaissance de l'histoire du film, mais peuvent le manipuler à leur propre fin pour pouvoir le faire. Il y a aussi un article du Soir, du 24 octobre 1990, par Luc Honoré, à savoir donc dans ce film, Delon est filmé à égalité avec un brin d'herbe, et que les meilleures scènes ne sont pas forcément pour lui, mais pour le personnage du jardinier. Enfin, d'autres critiques, comme celle de Télérama, où on trouve que Nouvelle Vague est une somme, une rencontre de la peinture et du cinéma. Des paysages dignes de Turner succèdent à la Maya nue de Goya. Ce qui est émouvant, c'est la tension constante qui anime Nouvelle Vague et la volonté de Godard d'atteindre l'essentiel. Dans Première, on a une autre critique. Ce que Godard met en scène, c'est le plaisir du cinéma. Ce qu'il montre, c'est une habileté diabolique à associer les images, les mots et les sons. Il y a quelque chose de magistral dans cet art de surprendre à chaque plan, de mêler la citation d'auteur au jeu de mots blagueur, de s'attarder sur la beauté d'un ciel d'orage pour enchaîner aussitôt avec le chassé-croisé burlesque d'un homme et d'une femme dans une chambre. Pour la suite, donc, si on va très vite, on peut conclure en disant que, au même moment, le public donc a infligé un désaveu complet à cette œuvre, difficilement compréhensible et constamment ennuyeuse, si on prend le grand public. Un produit sans doute construit pour les esthètes ou pour une clique d'intellectuels se gargarisant d'obscurantisme. Pas d'histoire, mais des images, pas de jeu d'acteur, mais des statues figées, balisant un interminable parcours vers l'ennui. Si Nouvelle Vague apporta quelque chose à Alain Delon, sur le plan personnel, confronter sa manière de jouer à celle de filmer de Godard, cela ne lui apporta strictement rien sur le plan cinématographique, et hélas ne put contenir la comparaison avec À bout de souffle. C'est une critique un peu simpliste, on a vu pour Delon c'était beaucoup plus enrichissant, et que c'était même une demande de sa part, une volonté, et c'est quelque chose qui l'habite vraiment de se confronter à des expériences inconnues, ou du moins des nouveaux tons. Et après cette respiration artistique offerte par Jean-Luc Godard à Alain Delon, il fallait donc pour l'acteur repasser à un cinéma plus commercial. C'est ce qu'il va faire en se lançant dans le tournage de Dancing Machine de Gilles Béat. Donc si l'on prend Dancing Machine, dont le pitch peut être résumé par une série de crimes endeuille le cours de danse du charismatique et handicapé car boiteux Alan Wolfe, l'inspecteur Éparvier mène l'enquête. Voilà pour ce qui est du pitch par Allociné. Si je prends les compliments qui nous sont donnés par Box Office Story, il nous est dit que Dancing Machine marquait le retour aux affaires de Delon dans un film plus commercial après un Godard qui ne pouvait rencontrer un succès grand public, mais qui était une réussite critique assez prononcée, même si le film était plus un Godard qu'à Delon, ça on l'a déjà dit, d'ailleurs Delon qui ne l'a pas produit. Il y avait donc pour Delon cette question qui va le hanter pour le reste de sa carrière dans les années 90, à savoir trouver une recette commerciale un peu différente de ce qu'il faisait avant, à savoir les polars, puisque avec Ne réveillez pas un flic qui dort, on voyait que le public ne répondait plus aussi présent qu'auparavant. Donc là, avec Dancing Machine, il y a l'idée peut-être du thriller jeune pour capter un public dont il a constaté que les goûts étaient changeants. Mais dès le départ, il y a un souci, car l'équipe à la tête de ce projet est très hétéroclite. Il y a 5 noms, donc Delon lui-même qui participera au scénario. Paulus Ulitzer, dont on connaît voilà, le côté homme d'affaires, le côté écrivain, mais avec la réputation que ses livres sont écrits par des autres. Mark Serron, le musicien, qui est connu pour Supernature, par exemple, son morceau qui est le plus connu. Lou Durand, qui avait fait beaucoup pour la télé, par exemple Les Brigades du Tigre. Et aussi Didier Decoin, qui a quand même une bonne filmographie au niveau scénario, puisqu'il avait signé les scénarios d'Icom Icar, par exemple, de Verneuil avec Montand, de L'Indique, de Serge Leroy, avec Daniel Auteuil, Thierry Lhermitte et Bernard-Pierre Donnadieu. Et plus tard, l'adaptation de Jacob le Menteur avec Robin Williams, par Peter Kassovitz. Et ensuite, il finira notamment la télé avec tout ce qui sera réalisé par José Dayan, Le Comte de Monte Cristo, Balzac, Les Misérables, le Napoléon de télé également, ou encore Faubourg 36 de Baratier, si on prend pour le cinéma. Une équipe assez hétéroclite demandait ce que ça pouvait bien donner. Alors le film, il est bâti autour du duo Alain Delon-Claude Brasseur, qui était déjà réuni dans le film Les Saints de Glace de Lautner en 1974. Et Patrick Dupont, Danseur étoile, dont Dancing Machine marque les premiers pas au cinéma, il fera une seconde incursion dans les grandes bouches de Bernie Bonvoisin en 99. Il venait d'être nommé directeur du ballet de l'Opéra National de Paris, poste qu'il occupera jusqu'en 95. Box Office Story est frappé surtout par le manque de cohérence du final pour ce qui va être des mobiles du tueur. Alors j'y reviendrai bien sûr, comme vous l'avez remarqué dans Pellicule et pourriture noble, les spoilers sont de mise. Bon, c'est des films quand même assez anciens. Là aussi vous serez prévenu que je vais spoiler la fin de Dancing Machine, ce que ne fait pas Nanarland. Il y a aussi un second manque de cohérence, c'est sur le but que Delon, enfin Alan Wolff, a de cacher sa mobilité, puisqu'il va se faire passer pour boiteux. Bon, désolé de spoiler. Bon, mis à part ça, on constate une envie de Delon de se confronter à d'autres terrains, d'autres genres, comme on ne lui propose rien d'autre. Et finalement, c'est ce qu'on a déjà dit auparavant avec Le Passage, avec Godard, même si là, le but, c'est quand même de retrouver un public plus large et plus commercial. Et finalement, le résultat box-office, le film va avoir moins de 600 000 entrées, à savoir 583 000 entrées. Il souffrira de la concurrence alors de Pretty Woman. Pour ce qui est de mes notes personnelles lors du visionnage, ce qui m'avait frappé, première chose, en effet, c'est ce scénar avec Paul Utzulitzer et Serron aux commandes. On voit ça sur une idée de Mark Serron, qui d'ailleurs en profite pour placer ses musiques. Tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable. Bon, ensuite, je vais remarquer vite fait la présence de Consuela de Havilland dans le rôle de Lise Wagner. C'est la première femme qui mourra devant les yeux de Delon en dansant. On l'avait vu dans le rôle de Corinne, la secrétaire du directeur Casalière dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Donc elle n'a pas fait beaucoup d'incursions au cinéma, mais Dancing Machine, c'est la deuxième rencontre avec Delon. Ensuite, tout ce qui va concerner Delon lui-même, parce que comme c'est un peu le centre d'études et le sujet central du bonus, il y avait ça qui était intéressant à voir. J'avais noté qu'il était en mode, entre guillemets, économie d'énergie, puisqu'il est boiteux, mais qu'il va prendre plusieurs accessoires ou attitudes pour garder de sa superbe. C'est quand même Alain Delon. Il a une petite barbe de 3 jours, il a un cigare, il a sa canne, il joue, si c'est de sa mobilité, de son charisme. Là, il se fait appeler maître par les membres de la manufacture, de l'école de danse. Il est tellement charismatique qu'il peut se permettre de se balader dans les vestiaires féminins, les femmes sont nues, elles ne s'offusquent pas à aucun moment que le maître, entre guillemets, les voit nues, ça fait vraiment un gourou. Et ensuite, c'est ce qui sera noté dans Nanarland aussi, le côté séduction de la jeunesse. Alors ça, c'est ce qui revient souvent dans les Delon, à savoir ici s'attirer les faveurs d'une femme beaucoup plus jeune que lui. Lui, il a 50 ans. Et la prétendante Daphné Danielli, qui est la sœur de son ancienne élève et amante, Melissa Danielli, elle a 18 ans. Elle est jouée par Tonya Kissinger, qui est connue pour Sous le Soleil, qui montre ses capacités au niveau de la danse. Le personnage de Tonya Kissinger, Daphné, qui vient chez Wolf, qui est nu pour déjeuner chez lui, et lui qui reste imperturbable face à la nudité. D'ailleurs, ça se fait sur un fond de musique classique, pour faire chic. Une des scènes les plus flagrantes, c'est quand ils font l'acte pour la première fois et on voit un Delon qui est allongé, qui a les mains sur sa propre poitrine et qui a les yeux un peu au loin, qui est impassible aussi durant l'acte alors que sa partenaire se donne à lui. Et d'ailleurs, une fois le coït fini, il s'en va. Et donc le constat final, pour ce qui concerne Delon, c'est qu'il a baissé son niveau de jeu, pas au niveau de l'acting, c'est-à-dire s'il a un jeu plus rentré. Je dis pas qu'il joue mal, mais son personnage va être charismatique aux yeux des autres, ce qui fait que les autres vont beaucoup parler de lui comme quelqu'un de grand, ce qui fait que lui ne va pas avoir à en rajouter. Il n'est pas obligé d'étaler ou de crâner, puisque les autres le font pour lui, sa légende parle pour lui. Et finalement, c'est aussi là où la légende de Delon revient aussi. D'ailleurs, ça va se retrouver dans plusieurs dialogues. Et finalement, on voit que c'est un échec sur les deux plans. le fait de chercher la recette de faire une intrigue policière mais qui ne va pas tenir vraiment debout, le fait d'être plus humble aussi, ça ne va pas forcément payer si on décompose le film. Il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus gênantes. Alors voilà pour ce qui était de Delon. Ce que j'ai noté d'autre, si on se penche un petit peu sur Claude Brasseur, il a un rôle un peu à la Columbo du pauvre, on pourrait dire comme ça. Un côté un peu harceleur, le côté pas net, le côté obsédé. Il s'informe sur Nijinsky, dont Delon, dont Wolf a une photo. Un détective qui vit tout seul, qui vit avec un ménate, qui ne lui parle pas. Et par contre, par rapport à Ne rêvez pas un flic qui dort, il y a beaucoup de rencontres entre Delon et Brasseur. La première se fait au bout de 30 minutes, puis après 5 minutes après, puis 10 minutes, puis après 20 minutes. Donc il y a quand même ce qu'on voit ici, 1, 2, 3, 4... Et si on compte le final, 5 rencontres. Là, il y a une vraie rencontre. Après, Brasseur fait avec ce qu'on lui donne à défendre comme personnage. Une bonne surprise, et c'est ce qui est ressorti dans beaucoup de commentaires, c'est la performance assez correcte de Patrick Dupont en tant qu'acteur. Pourtant, ce sont ses premiers pas devant la caméra. Et il y a donc cette chose qui revient beaucoup chez Delon, c'est d'employer des gens qui ont d'autres talents que celui de la comédie ou d'être acteur pour les faire briller. Alors, ce qui fait que Dupont va danser plusieurs fois. Et donc, on a d'un côté, on a Delon qui joue et Dupont qui danse. Les deux parties sont très bien séparées. Par contre, le constat que j'ai aussi lu dans la critique de Nanarland, à savoir donc que les scènes de danse sont trop présentes, trop importantes. À un moment donné, parce que le film fait 1h45 quand même, vers 1h je pense, si de mémoire, on se prend un gros tunnel quasi continu de scènes de danse. Alors certes, c'est pour justifier le salaire de Patrick Dupont et de Reda qui a fait les chorégraphies, mais c'est trop long et ça gâche le plaisir du film. Et pourtant, quelques talents techniques sont réunis dans l'équipe du film, à savoir par exemple le directeur photo d'Almodovar, José Luis Alcaine. Il y a quelque chose qui revient tout le temps, je le dis vite fait, c'est le cadre des Hauts-de-Seine. Il y a beaucoup de films de Delon qui se passent dans les Hauts-de-Seine, donc là en l'occurrence c'est Boulogne-Billancourt. Et enfin, on en vient à ce qui pose le plus problème, c'est la fin du film, la résolution de l'enquête, la résolution du mystère, de ces morts dans le cours de danse. Plus d'autres morts, là je vous laisserai voir. Alors que pendant tout le film, on pense que c'est Delon, Wolf, le coupable. Eh bien, on s'aperçoit à la fin que c'est Éparvier, c'est-à-dire Claude Brasseur, qui est le tueur. Mais ça intervient vraiment comme un deus ex machina, à savoir que c'est l'intuition d'Étienne Chicot, qui joue le commissaire Le Guélec. Il a un coup de génie de constater que c'est Éparvier le responsable, parce qu'il a fait des recherches. Et qui constate qu'il est fou, qu'il consulte chez le psy, qu'il a une obsession vis-à-vis de Wolf pour lui faire porter le chapeau sur ses propres crimes. Mais sans ça, sans cet acharnement ou cette intuition de Le Guélec, Éparvier est passé au travers et c'est Wolf qui aurait porté le chapeau pour les crimes. Là, on a un problème par rapport au motif. Voilà, il est fou, point, on n'en sait pas plus. C'est vraiment très léger, ça sort comme d'un chapeau. Pareil, le fait que Wolf saute au-dessus des toits, on voit donc que ça a été un faux boiteux durant tout le film. Il fait son Nijinsky qui donne une sorte de métaphore comme quoi la carrière de Delon n'est pas finie, qu'il y a toujours sa superbe. On peut faire un parallèle entre Nijinsky et Delon, il y a quand même des choses assez flagrantes. Et Delon d'ailleurs qui va expliquer son caractère hautain et acharné à faire danser Daphné sans cesse jusqu'à l'épuisement par l'amour. Je passerai ce dialogue-là. Avant de passer à la chronique de Nanarland et quelques avis Allociné, juste dire une dernière remarque sur le fait que le film parle, et c'est très Delonien aussi, des idéaux ou des personnes qui n'existent plus mais qui perdurent dans les esprits. C'est lors d'une scène où Daphné, donc Tonya Kissinger, a dansé très longtemps pour être reprise dans l'école de danse. Elle a dansé donc devant Wolf en beaucoup, beaucoup d'heures. Elle est recroquevillée dans la douche et Chico, donc Patrick Dupont, vient la voir. Et c'est là où on a des exemples, des dialogues qui mettent en valeur Delon sans qu'il soit là. Je vous passe tout de suite ce dialogue. Allez Daphné, sors de là. T'es malade ou quoi? Mais t'es glacé en fait. Tiens. Tu veux que je te dise? Arrête. Tu sais, je l'ai connue, ta sœur. Pas longtemps, mais suffisamment pour comprendre. Elle était pas comme les autres. Bah non. Aucune des filles qui viennent ici n'arriveront jamais à la cheville. C'est comme Alan. Personne peut être comme Alan. enfin. Comme Alan aurait pu être. Moi, j'aimerais bien être comme Alan. Toi, t'aimerais bien être comme ta sœur Mélissa. Mais rien à faire, Daphné. C'est pas grave puisqu'ils existent. Ils n'existent plus, Chico. Mélissa est morte. Alan boite. Ils ne danseront plus jamais. Si. Là-dedans. Donc ce dialogue pour dire que les légendes continuent à vivre, même quand elles sont diminuées, absentes. C'est un motif très delonien et on voit l'idée de Delon absent de cette scène, mais qui est présent, avec notamment Patrick Dupont ou Chico, qui veut lui ressembler, qui voudrait être lui, mais il sait qu'il ne sera jamais à son niveau, à sa hauteur. Si on poursuit sur les critiques, là je sors de mes notes personnelles, pour ce qui est donc de la chronique de Nanarland, il est noté que le film donc est un film astute. En belge, c'est un film à problème, en dialecte bruxellois, un film avec un truc, c'est-à-dire un film où on croyait connaître le méchant pendant tout le film, jusqu'à ce qu'on s'aperçoit au dernier moment que c'était un autre, que le méchant était un autre. Et c'est aussi un film où on nous cache une chose qui va tout changer au dernier moment. Pour Nanarland, Alain Delon a l'air de se faire chier et de mépriser tout le monde dans le film. Brasseur joue ce qu'on lui donne, c'est-à-dire des dialogues à base d'oiseaux et autres volatiles. Il y a aussi le ronflement entre chaque réplique de Etienne Chico, c'est-à-dire que oui, il dit une parole, et puis il y a une sorte de entre chaque réplique. Nanarland s'étonne qu'il se soit mis à 5 personnes pour pondre ce scénario, qui tient sur le verso d'un ticket d'entrée pour Le Massacre du Printemps de Jean-Claude Béjart, le neveu de Maurice. Bon, ça c'est une de leurs blagues. Et d'ailleurs, ils ont retrouvé ce fameux ticket d'entrée. Alors, le scénario, ça donnerait quelque chose comme une fille danse sur la musique de Céron. Le directeur de son école de danse a l'air méchant, mais en fait, il est gentil à la fin. Et ne pas oublier les scènes de douche. Là aussi, on note beaucoup trop de scènes de danse. Avec Skeeton, c'est vraiment des gens qui sont parfaits. Personne ne perd le rythme. Ils ont une mémoire de fou pour se souvenir de tous les pas de chorégraphie sans problème. Après, une note des dialogues débiles et pompeux. Je vais passer certainement celui qui est un des plus flagrants. Alors, Delon joue bien, mais pareil. Il joue ce qu'on lui donne à jouer. Et donc, notamment, c'est cette scène où Daphné va être reprise dans l'école de danse et qu'elle doit montrer sa volonté. Et d'ailleurs, elle ne va pas s'arrêter de danser. Et donc, ça donne lieu à ce dialogue de Delon. Je vous le passe tout de suite. Si vous le souhaitez, Daphné, vous pouvez vous arrêter quand vous le voulez. Non. Alors, si vous continuez, il faut vous arracher de votre corps dans une sorte d'extase à en mourir. Chaque attitude, chaque mouvement, chaque geste, même le plus infime, doivent être aussi intenses, aussi définitifs que l'entrée dans la mort. Donc un dialogue qui est souvent repris comme un classique du nanar. J'en profite aussi pour passer le dialogue d'ouverture du film où on a clairement un parallèle entre Delon et Nagyski et qui veut montrer qu'autant Nagyski était le roi de la danse, autant Delon est le roi du cinéma. Même si on parle du personnage d'Alan Wolf, on a ce dialogue d'ouverture qui annonce le ton du film. On dit qu'il a été le plus grand des danseurs. Je crois qu'il était plus qu'un danseur. C'était un oiseau. En scène, il ne le sautait pas, il s'envolait. Naturellement, c'était aussi un homme, et après s'être envolé, il retombait. Mais les gens qui l'ont vu n'ont gardé que le souvenir de ses envols. Pour eux, il est toujours là-haut, entre la poussière de la scène et la lumière des projecteurs. Vous voyez, je connais Nijinsky mieux que vous. On peut donc facilement faire le parallèle avec le Delon acteur, comme je vous l'ai dit. Voilà pour ce qui était de la chronique de Nanarland, si on l'a résumé. Juste vite fait quelques petits points sur Allociné et sur IMDB. Alors IMDB, très rapidement, je ne dirais que la moyenne du film, à savoir 4,1 sur 10 pour 263 votes. Pour la moyenne Allociné, on est dans les mêmes tendances puisque le film obtient la moyenne de 2,1 sur 5 pour 62 notes. Dans les critiques, alors, le point positif, c'est des acteurs qui généralement jouent bien, avec un Patrick Dupont notamment qui est surprenant, mais des acteurs qui jouent trop sérieusement par rapport à l'ambiance du film et par rapport aux incohérences. Ce qui fait qu'ils jouent sérieusement des situations qui peuvent paraître absurdes, et ce qui augmente le malaise ou l'aspect nanar du film. Pour les points négatifs, on a des critiques comme film incroyablement prétentieux à tous les niveaux et qui se plante tellement royalement dans ses ambitions démesurées qu'il en devient un cas d'école. Il y a aussi la mise en scène. Alors, faut rappeler aussi, donc celui qui met en scène, c'est Gilles Béat, réalisateur, comme on l'a dit, de Rue Barbare et d'Urgence, par exemple, et qui là livre, d'après ce qui est marqué, une mise en scène paresseuse qui détruit toute crédibilité. Comme autre critique, on a des idées débiles, des situations grotesques, des dialogues à se pisser dessus tellement ils sont boursouflés. Beaucoup, en effet, critiquent ou soulignent la scène mythique que j'ai évoquée, à savoir la scène d'amour où Delon est allongé sans bouger, sans broncher, regardant ailleurs pendant que sa partenaire se donne à fond. Là aussi, beaucoup critiquent la part trop grande donnée à la danse dans le film. Il y a encore une fois la réalisation qui est molle, un film médiocre, un film affligeant. Il y a aussi une observation, il n'y a pas de miracle, de bons acteurs servis par un scénario minable, ça ne peut pas faire des étincelles. Ça rappelle une des citations de Delon dans la mini-série cinéma, il suffit pas de grands acteurs pour faire de bons films, ça se saurait. Et enfin, certains sont choqués en effet par le final qui est incohérent, invraisemblable, donc non seulement Claude Brasseur en meurtrier, et aussi la raison pour laquelle Delon a été aussi hautain durant tout le film avec Daphné, parce qu'il est amoureux d'elle. Et d'ailleurs, j'en profitais pour vous passer le dialogue final. Vous avez passé le dialogue du début où, justement, Wolf révèle son amour à Daphné. Un dialogue qui va être bien joué par Delon, mais qui retombe comme un soufflet après qu'on ait subi l'intrigue invraisemblable du film. Pourquoi tu t'intéresses à moi, alors? Parce que tu payes pour ça. Et parce que je t'aime. Pas pour faire de toi une grande danseuse que je me suis acharné sur toi. Non, ça, je m'en fous. C'était pour te dégoûter de moi. Je t'aime. Je t'aime. Et j'ai tout essayé pour te faire horreur. Tu trouves pas ça très logique, hein? Mais ce qui est pas très logique, c'est de vouloir associer tes 18 ans avec 50 piges. Ça donnera quoi dans 20 ans? Je serai où, moi? Je ferai quoi? Tu sais, c'est pas toujours facile de se faire aimer. Mais se faire haïr, tu sais ce que c'est, vache? C'est comme la danse. Faut forcer à mort. Voilà, je t'aime. Je sais pas où ça va nous mener. Allez, viens. Tu as dû perdre beaucoup de sang. J'ai surtout perdu beaucoup de temps. Donc on voit encore pour Delon le rôle d'un homme blessé, d'un homme vulnérable au final, et qui a caché cette vulnérabilité derrière une dureté de façade. Cependant, il n'a pas été servi par l'intrigue, encore une fois, certainement aussi un bouche-à-oreille défavorable, puisque le film a assez vite perdu des entrées par rapport à la première semaine. Et donc Delon qui va devoir chercher ailleurs une recette pour ramener le public dans les salles. Ce n'est pas avec Dancing Machine qu'il y est parvenu, donc il va se diriger vers l'image du vieux beau sur le retour, à savoir le retour de Casanova dont on va parler de suite. We'll be right back. retrouver une nouvelle fois les faveurs du public, Delon avait misé sur l'angle de sa légende de séducteur de femmes. Et quel plus judicieux personnage à incarner pour cela que Casanova, qui se trouve sur le déclin, qui se trouve au sort de sa vie, qui se trouve à un moment charnière de son existence, où il doit soit demeurer un personnage légendaire, ou continuer à vivre sa vie et essayer de construire et faire perdurer son mythe. Pour cela, Delon se base sur le roman de Schlitzer, Le retour de Casanova, donc un roman de 1918. Il avait quelques années auparavant refusé ce rôle, puis en 91, il sentait le moment venu de répondre présent à la proposition d'Alain Sard et de jouer le séducteur sur le déclin. Ce sera la dernière production de Delon, cette fois sans passer par sa société la Leda, qui était le nouveau nom d'Adèle, qui a cessé toute activité après la production de Dancing Machine. La réalisation en est confiée à Edouard Niermans, qui avait réalisé Anthracite, une évocation assez crue de la vie d'un internat en 1980, avec des acteurs comme Bruno Kremer et Jean Bouise, et aussi Poussière d'ange en 1987, un polar assez onirique avec Bernard Giraudot, Fanny Contenson, et scénarisé par Jacques Audiard. Voici d'ailleurs sa note d'intention lors d'une interview qu'il donne à France 3 en plein durant le tournage du Retour de Casanova. C'est le thème qui m'intéressait, je suis pas non plus un tout jeune homme, enfin je ne suis plus un tout jeune homme, et je trouvais que parler de l'inquiétude qu'il y a à s'apercevoir que d'un seul coup dans le regard des femmes il n'y a plus la même lumière qu'avant, enfin cette chose qui arrive à tous les hommes qui vieillissent, je trouvais que c'était un thème universel et tout à fait formidable. Cela dit, ce sujet grave est raconté d'une manière très légère dans le film, c'est ça le projet du film pour moi, c'est de parler de choses extrêmement graves avec un ton très léger et à la limite très drôle. Et après coup, c'est certainement par cela que le film pêchera, à savoir que la base du roman de Schlitzer est très noire et aurait pu amener Delon dans ce personnage solitaire qu'on suppose qu'il est dans la vie privée, un personnage assez noir dans ses réflexions, dans ses propos, dans ses émotions. Et finalement, Jean-Claude Carrière et Niermans, quand ils vont adapter ce roman de Schlitzer, ils vont peut-être commettre une erreur, certainement la plus grave dans le film, qui est d'en faire une adaptation peu fidèle et d'avoir justement, c'est ce qui va être dit dans l'interview de Jean-Claude Carrière, je vais vous en passer un extrait assez rapide, l'invention du personnage qui va être interprété par Fabrice Luchini, celui de Camille, qui va non seulement gommer la solitude de Casanova et lui enlever son côté taciturne. Ce côté, on le retrouvera seulement quand Casanova sera dans des scènes sans Camille. Je vous fais écouter l'interview rapide sur ce point de Jean-Claude Carrière qui a scénarisé le film. Un roman, et la teinte du livre est très sombre, très noire. C'est un des récits d'Arthur Schlitzer les plus sombres. Alors il a fallu donner de l'étoffe, inventer un personnage totalement, qui est celui qui est interprété par Fabrice Luchini, et tout resituer dans le midi de la France. Oui, il y a eu un gros travail d'adaptation, mais je crois, comme toujours, ce que j'essaie de faire, c'est en changeant la lettre, souvent, de l'œuvre originale, d'en garder l'esprit. Alors ce n'est pas que le personnage de Camille ou l'interprétation de Luchini soit à blâmer, au contraire. Au visionnage, le film est agréable à regarder, il est léger. Luchini apporte toute sa vitalité et sa truculence au dialogue. Mais c'est vrai qu'après coup, on peut se demander si, plutôt que d'être vu comme un simple divertissement, Delon aurait pu retrouver le ton noir qu'on lui connaissait dans les années 70 surtout. Et ça aurait pu rehausser le film et lui donner un aspect un peu plus pérenne pour devenir un classique. Là, encore une fois, je ne devais pas visionner ce film, je l'avais pas sous la main, j'ai pu me le procurer au final, donc je l'ai fait, mais c'est vrai qu'il se regarde de façon plaisante. Mais toujours pareil, on aurait pu avoir un autre film qui aurait pu explorer des côtés plus sombres. Après, il est vrai que dans l'esprit des producteurs, ce côté était certainement répulsif et peu attractif, et qu'il fallait s'en éloigner le plus possible. Il fallait apporter plus de légèreté, donc on peut pas blâmer forcément les scénaristes, mais on est peut-être passé à côté d'un grand film. Là, on a un métrage gentiment divertissant et bien interprété, et qui est très riche, encore une fois, si on arrive à lire entre les lignes. Par exemple, dans le livre de Roberto Chiesa, ce qui est reproché, avec ce côté léger, c'est que dans le roman, des monologues superbes et angoissants du libertin, qui dévoilait son tourment d'avoir perdu son pouvoir de séduction, ainsi que son obsession de séduire Marcolina à tout prix, qui sera jouée par Elsa dans le film, sont édulcorés et banalisés en dialogues ironiques et caustiques. Ce qui est blâmé une fois de plus, c'est d'avoir transformé un drame crépusculaire en comédie ou en farce, alors que Delon, encore une fois, avait cette caractéristique en privé, mais comme certainement il y avait une envie de reconquérir le public, il y a eu un compromis, mais qui n'a pas été concluant, puisque le film a fait 357 000 entrées. L'une des scènes qui montre ce que le film aurait pu être est celle de la déclaration de Casanova à Marcolina, où il se montre tel qu'il est, et non pas tel qu'on le suppose ou dans le rôle dans lequel on veut l'enfermer, à savoir un séducteur, riche, que l'ancienne génération, que la génération de Casanova lui fait croire qu'il est toujours celui qu'il a été, ainsi que dans la scène du jeu de cartes qui conclut quasiment le film, et où on sent une certaine tension. Tout comme dans le film, le roman se conclut par un duel final entre Casanova et Lorenzi, mis à part que dans le roman, ce duel final a lieu dans la pénombre. Casanova est nu, puisqu'il a été tiré du lit après son stratagème par Lorenzi. Et il y a donc le duel entre son corps nu et Decati contre celui jeune et athlétique de Lorenzi. Le film fonctionne donc quand Delon n'hésite pas à se vieillir pour le rôle, reprenant du poids, en se grimant de façon grotesque et pathétique, où il se maquille comme une femme en tentant de se rajeunir. Ce sont tous ces passages qui amènent des regrets dans le sens où le film aurait pu prendre un axe différent s'il avait assumé son côté noir. Je reviens à ce que dit Chiesa, à savoir que les situations comiques de la première partie du film montrent un jeu scénique parfois un peu chargé, désinvolte et ironique, mais l'interprétation de Delon atteint une grande profondeur dans la deuxième partie du film, lorsque Marcolina le repousse et qu'il souffre, tant physiquement que moralement. Ces humiliations l'amènent à affronter la condamnation de vieillir et la peur d'être fini. Le regard perdu, le corps affaibli, la voix brisée, l'acteur rompt ici encore avec l'image traditionnelle de ses personnages, comme il l'avait déjà fait dans notre histoire de Blier. On regrette seulement que le film n'ait pas su exploiter avec sagacité la sensibilité dramatique de Delon, c'est ce que je viens à peu près de dire. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pause rapide pour proposer le dialogue entre Casanova et Marcolina quand celui-ci se livre pleinement. Il n'est pas arrivé à la séduire de suite, et donc sur les conseils de Camille, Fabrice Lucchini, qui lui conseille d'être sincère, il ouvre son cœur et se présente tel qu'il est, à savoir ruiné, moins grand que la légende ne le dit à l'heure où il parle, et il pense ainsi pouvoir gagner le cœur de Marcolina, qui va se refuser à lui. C'est en effet une des plus belles scènes du film, entre Delon et Elsa, entre Casanova et Marcolina, je vous la passe tout de suite, et on reparle après de ce qu'on a à dire du film. Marcolina, accordez-moi l'instant, il faut que je vous parle. Je suis occupée, vous voyez bien. Ce sera vite dit, après je vous laisserai tranquille. Je vous ai trompé, Marcolina. Je ne suis pas l'homme que je vous ai dit, loin de là. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas l'ami des grands de ce monde. Je l'ai été peut-être autrefois, mais je ne le suis plus. Aujourd'hui, je suis fatigué et pauvre. Je suis expulsé de partout. On me permet de rentrer chez moi qu'au prix d'une infamie que je ne peux pas accepter. Il ne me reste rien. Que vous. Vous êtes ma seule lumière, mon seul espoir, ma seule chance de vivre. Je n'ai jamais dit chose pareille à quelqu'un. Jamais. Il faut me croire. Maintenant, je n'ai plus rien. Pourtant, avec vous, je pourrais revivre. Avec vous seul. Ce serait le couronnement de ma vie. Voulez-vous tenir ma femme ? Je ne peux pas vous épouser. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Je ne peux pas vous épouser parce que vous me répugnez physiquement. Il faut bien que je vous le dise. Et puis je vous trouve vieux et ennuyeux. Je n'aime pas votre esprit qui me paraît futile et égoïste. Vous ne savez parler que de vous. Parfois, quand vous parlez, vous sentez mauvais de la bouche. Vous vous maquillez comme il y a un siècle. Vous appartenez à un monde que je n'aime pas et qui va bientôt disparaître. Je le souhaite en tout cas. Laissez-moi maintenant. Avant de poursuivre avec mes notes personnelles, je voulais d'abord lire un pour et un contre qui avait été publié dans Télérama, avec une journaliste qui avait aimé, l'autre moins. À savoir que, vite fait, dans ce qui est des remarques pour le film, on souligne le jeu serré, calme et convaincant de Delon, mais cependant le film est vain et lisse du fait d'une mise en scène trop conventionnelle. Et ensuite, ça se poursuit avec deux avis. D'un côté, pour, on a Isabelle Danel, qui a titré sa critique « Hommage au désespoir », où elle souligne que le film traite de la lutte contre la menace de la vieillesse imminente et de la douleur qui l'accompagne. Chez Slinzer, Casanova est un vieux loup solitaire qui s'abîme en son propre naufrage. Si Camille, qui est le gardien de la flamme, j'y reviendrai aussi, inventé par Carrière et Niermans, donc si Camille n'était pas là, Casanova serait moins à la hauteur de sa réputation. Il y a cependant un manque de fluidité chez Niermans, alors qu'il en avait avant, mais le thème de la passation de pouvoir, de l'onde qui voyage d'un être à l'autre, sont présents. Il avait déjà fait ça dans ses autres films. Les héros cherchent la lumière désespérément dans le regard des autres. L'once d'amour, un signe qu'ils existent. Casanova traque sa jeunesse enfuie à travers la dévotion que Camille lui porte, à travers le corps de Marcolina et à travers le visage du lieutenant Lorenzi qui était le sien 20 ans auparavant. C'était donc la critique favorable au retour de Casanova. Celle négative est écrite par Marie-Elisabeth Rouchy qui dit qu'on attendait la résurrection de Delon. Mais aujourd'hui, Delon, star avant d'être comédien, homme d'affaires et producteur avant d'être acteur, elle nous dit que Delon triche, que Delon sait se déguiser et donc joue le faux vieillissement, un vieillissement outrancier pour garder une image normale. Il nous livre une caricature de vieux. Le Casanova de Schlinzer était beaucoup plus tourmenté alors que Delon se contente d'apparence. Il se risque à montrer le poids du temps qui passe mais refuse d'en livrer les émotions. Cela est dû aussi à l'angle du scénario qui s'est voulu plus léger que grave comme l'était le roman. Il en résulte donc des images plates et lourdes, des mouvements sans grâce et une adaptation bradée. Voilà pour ces critiques de Télérama. Je tenais aussi, avant de livrer mes notes, de livrer le témoignage d'Alain Delon, parce que le retour de Casanova a été projeté lors du festival de Cannes 1992. Il est interviewé par Paul Lamar le matin de la projection et il livre en exclusivité ses réactions et sa vision du rôle, comme d'habitude. Et ce témoignage livre aussi des informations sur le moment où le film est reçu. On en discute après. Quant à l'acteur, s'est-il identifié à ce vieux séducteur devenu humble et fragile tout à coup? Sa réponse dans l'entretien qu'il nous a accordé tout à l'heure. Vous savez, je crois que dans la vie d'un homme, comme dans la vie d'un acteur, il y a des moments, il y a des rencontres qui arrivent bien. Et je crois que c'était peut-être le moment que je rencontre Casanova devant la caméra de Niermans. Je crois qu'il y a sûrement un phénomène d'osmose, c'est vrai. C'est vrai aussi que j'ai l'âge du personnage. On n'est plus au XVIIIe siècle, bientôt au XXIe, mais quand même. C'est vrai qu'il y a peut-être eu, une espèce de mariage comme ça, ou de superposition de deux images. Le film d'Edouard Niermans est intéressant dans la mesure où il y a un ton fin, subtil, mais critique sur les relations humaines, sur la comédie humaine. C'est Schnitzler. Celle du séducteur menteur que vous êtes dans le film, celle du prêtre qui joue au poker, celle des femmes adultères, on va le dire, et des hommes lâches. Oui, mais tout ça, je veux dire, ça n'est que le roman de Schnitzler. J'ai dit comédie humaine, on peut dire hypocrisie, on peut dire aussi solitude. Oui, mais la comédie humaine est pleine d'hypocrisie et pleine de solitude, évidemment. Mais là, c'est un thème que je connais bien, et bon, c'est vrai que j'aime vivre dans la solitude, et que Casanova, dans l'œuvre de Schnitzler, est un personnage on ne peut plus solitaire, même au milieu de toutes ces femmes, même au milieu de tous ces succès féminins, plus là où on va le découvrir ce soir, mais c'est une forme de solitude, bien sûr. On quitte un instant Casanova. Je vous en prie. Au XXe siècle, à propos de solitude et à propos de communication ou de non-communication. Vous étiez absent ce matin à la conférence de presse et j'avoue que votre absence a suscité des remarques, des critiques. Alors je vais vous dire, j'étais absent simplement par sympathie et par déférence vis-à-vis du metteur en scène et de mes partenaires et du producteur. Parce que je sais, pardonnez-moi, c'est pas une fausse modestie, je sais que lorsque j'arrive dans ce genre de conférence de presse, j'accapare les microphones, j'accapare les caméras et c'est ce que je ne voulais pas. Maintenant, ce qu'on en dit et ce qu'on en pense, ça m'est complètement égal et indifférent. Ce qui compte, c'est ce que je dis moi parce que c'est la vérité. Vous n'avez pas pu voir, vous n'étiez pas là, le film d'ouverture, Basic Instinct, de Paul Verhoeven avec Michael Douglas. On m'a dit que c'était un film pour le festival de Deauville. Nous sommes à Cannes. Oui, je sais. Et moi, j'ai festival de Deauville américain, je le dis. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ouais. Pour le, oui, c'est ça. Le festival de Deauville américain. Non, alors dites-moi. Alors, bah, que pensez-vous du choix? Je ne dis pas du film, puisque vous ne l'avez pas vu. Ah, mais le choix, je ne le critique pas, je ne le juge pas. Le choix appartient au délégué général du festival, donc je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Maintenant, si je vois le film, peut-être que j'aurai une autre critique à formuler. Il y avait une critique implicite dans le festival de Deauville, c'est clair. Donc, vous regrettez un peu le choix d'un film américain. Ben, c'est ce qui m'a semblé, si vous voulez, à l'écoute ce matin, les gens avaient l'air un peu déçus en me disant que ce n'était pas le film qu'on aurait souhaité voir à l'ouverture d'un festival de Cannes. D'abord, parce que c'est quand même... Il faudrait de temps en temps que le festival de Cannes soit ouvert par un film français, un grand film français. Moi, personnellement, ça me ferait très plaisir. Vous auriez souhaité que ce fût par le vôtre ? Mais, il en avait été question, mais on m'a toujours expliqué que le film d'ouverture ne pouvait pas être en compétition. Et là, on me dit que le film américain est en compétition. Il est, voilà. J'ai l'impression que ça change tout le temps, c'est Alvolo, quoi. Cet entretien, je le rappelle, est enregistré, puisque au moment même de sa diffusion dans le 19-20, vous êtes, si j'ose dire, dans la salle. Oui. Du Grand Palais. Oui. En train de regarder votre film. Oui. Avec autour de vous tout le monde, quoi, les membres du jury. Oui, qu'est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là? Je ne vais penser qu'à la sortie. C'est-à-dire, je vais penser à leur réaction et comment vont-ils sortir. Ça veut dire, vont-ils aimer, vont-ils apprécier. C'est la première fois que je vais le voir entouré de milliers de personnes, dont 75% des professionnels. Donc la réaction est très importante pour moi et je vais penser à leur réaction finale. Et la réaction finale, vous savez, vous la connaissez déjà à la fin, parce qu'il va se produire, applaudissements ou pas applaudissements, il y a différentes nuances d'applaudissements, et puis aussi parce que Melville appelait la qualité des silences. J'attache une grande importance à la qualité des silences pendant la projection du film. Vous attendez le prix d'interprétation ? J'attends rien du tout, moi. J'attends simplement que les gens soient conscients qu'on a fait un beau, un grand film, que ce film plaise et fasse le maximum d'entrées, parce que le cinéma a besoin de ça, surtout le cinéma français, pour pouvoir se battre contre le cinéma américain. Donc niveau promotion, Delon fit une importante tournée pour ce film. Ça prévoyait donc bon nombre d'interviews pour les magazines, les quotidiens, les périodiques. La présentation du film au Festival de Cannes en mai 92 constitua donc le point culminant de cette campagne, mais le film y fut délibérément ignoré et même méprisé. Lorsqu'il sortit en salle, quelques jours plus tard, très largement distribué, il fut extrêmement mal accueilli. À peine plus de la moitié des spectateurs de Dancing Machine, c'est pour dire. La maison de distribution, AMLF, en imputa la cause à des déclarations inopportunes de Delon. Il avait dit à un journaliste, par simple provocation, qu'il préférait le suicide à la décrépitude, et le journaliste avait amplifié ses propos et d'autres encore. Cependant, il est plus probable que l'échec du film soit dû à l'identification caricaturale de Delon à Casanova, de la réputation légendaire du personnage à celle de l'acteur, et cet amalgame devait peser lourdement sur ce dernier. Le public désapprouva le choix audacieux de Delon qui, bien qu'il ne soit pas parvenu à montrer véritablement une décrépitude physique, son libertin reste tout de même trop fascinant pour rendre crédible le dégoût qu'éprouve Marcolina. Il avait exposé son image à l'ingrat registre pathétique. En effet, à Cannes, les critiques furent mi-figue mi-raisin. En salle, il y eut la concurrence à l'époque de Basic Instinct, si on le fait en français. Et l'année 92 est une des années les plus basses au niveau de la fréquentation en salle, avec 121 millions de spectateurs. En 2016, on a 213 millions, donc quasiment plus de 90 millions de personnes en plus. Et cet échec, avec le recul, est d'autant plus injuste que le film est fort réussi et à redécouvrir. C'est ce qu'il est dit, c'est pas faux, même si on sait encore une fois à côté de quel film nous sommes passés. Pour ce qui est de mes notes personnelles avant de passer aux remarques d'Allociné et de IMDb, pour ma part, j'ai pu noter donc qu'on a encore une fois, et je ne vais pas passer le dialogue qui ouvre le film, on a encore une fois cette technique de faire décrire la légende de Delon alors qu'il n'est pas présent à l'écran par un personnage tiers. Là, en l'occurrence, c'est le personnage de Camille joué par Lucchini qui, dans une sorte de pension où se trouve Casanova, lui c'est son valet, décrit donc ce dernier comme une légende alors qu'il est encore vivant. Et cela dans tous les domaines. Il est encore riche, il est homme de lettres, il écrit ses mémoires, et surtout il est connu pour ses prouesses galopines, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, sa réputation le précède et même perdure, puisque des cris de jouissance vont être entendus dans toute la pension où il se trouve, lorsqu'il honore la tenancière pour pouvoir payer son loyer en nature. On a une allégorie très fine, une métaphore très fine, puisque la scène se finit par un plan sur un cheval, voilà, on voit un petit peu l'idée ou le parallèle. On a donc un Casanova qui attend que son honneur soit redoré à Venise, un peu comme l'acteur Delon qui attend que son blason soit redoré après des années un peu plus difficiles. J'ai noté aussi vite fait qu'on ne voit plus au tout début le Alain Delon présente, ce qui était le cas avant. On peut voir ensuite que les femmes qui ont connu Casanova dans sa jeunesse, à son apogée, sont encore en pâmoison devant lui et sont même prêtes à souffrir pour lui. De même, les hommes, de sa génération aussi, sont respectueux envers lui et sont limite à lui donner leur femme comme un cadeau. Ils font mine de croire qu'il est encore celui qu'il était auparavant, séducteur, riche, influent et puissant. Ce qui n'est pas le cas des plus jeunes hommes comme Lorenzi qui est toujours à le défier. Ensuite, il y a donc le personnage de Marcolina, où il y a quand même des choses très importantes à dire, puisque c'est quasiment le cœur de la quête de Casanova. Donc elle est jouée par Elsa, qui avait 19 ans à l'époque, qui est une femme donc jeune, sérieuse, séduisante. Ça change aussi par rapport aux autres films de Delon, on avait plutôt, on va dire simplement les choses, plutôt des potiches ou des faire-valoir. Là, on a quelqu'un qui, face à Casanova, face à Delon, a du répondant. C'est une fille des Lumières, une fille du Nouveau Monde qui s'annonce, qui cite Voltaire, qui cite Rousseau, auquel Casanova est opposé. Elle représente vraiment, on l'a entendu dans le dialogue qu'on a passé, vraiment le dernier défi que Casanova se fixe. Et il finira donc d'ailleurs par la répugner en tant qu'homme d'un autre temps, qui arrive à la borne d'une époque de sa vie qu'il ne veut pas passer. Un homme qui est décadent physiquement, on le voit aussi par le côté, vous avez mauvaise haleine. Alors que pour la première fois de sa vie, il est sincère, il s'est livré. C'est une autre forme de séduction. Toujours pour séduire, mais il est obligé d'avoir des stratagèmes ou des procédés plus humiliants pour lui, pour pouvoir se livrer et normalement arriver à ses fins, ce à quoi il n'arrive pas tout de suite. Et c'est donc tout simplement ce que j'ai pu noter, c'est pas très original, mais c'est un film assez direct sur le pouvoir de séduction de Delon, c'est de la carte qui a été choisie pour attirer éventuellement un nouveau public. Il y a aussi un questionnement sur le vieillissement et on a une opposition entre son ancienne amante qui lui dira « Tu n'as pas vieilli, pas d'un jour, devant lui », tandis qu'une servante, Casanova n'est pas devant elle, mais dira « Sa viande se gâte ». On voit aussi que Casanova est un métrosexuel, c'est un terme qui n'était pas forcément employé à l'époque, mais il se maquille, il met des beaux accoutrements et des belles parures, il essaye de se rajeunir, et on voit un de ses secrets qui est de ne pas hésiter à écouter sa part féminine pour devenir ce que les autres considèrent comme un expert de l'amour et des femmes. Et par là même, il essaye aussi de séduire les hommes. Autrement, on voit ça notamment dans le duel final avec Lorenzi, où il se voit lui-même jeune, une sorte de miroir, un miroir qu'il n'ose plus affronter. En effet, donc, il va, de par son combat, tuer la jeunesse, Marcolina par la ruse, puisqu'il va finir par la voir, mais par un stratagème où il n'est pas exposé directement et sans le consentement plein de Marcolina, et il tue Lorenzi par la force avec un baiser de la mort. On voit que derrière la belle enveloppe, ou ce qui reste de la belle enveloppe, l'intérieur est cassé et brisé. Enfin, j'ai pu noter, et j'ai fini sur ça pour ce qui est de mes remarques personnelles, Casanova donc a triple défi à relever dans le film. Lutter contre son propre vieillissement, ou à l'inverse, courir après sa propre jeunesse pour faire perdurer sa légende et son prestige. Donc ça, c'est le premier défi. Il a aussi un défi avec la jeunesse. D'un côté, avec la compétition par Lorenzi, et de l'autre, la compétition amoureuse avec Marcolina. Il y a aussi Casanova qui doit faire face à une paternité lointaine, puisqu'il a fait une fille à Amélie, donc, qui est une ancienne amante, alors qu'ils n'ont couché qu'une seule fois ensemble. Et on voit que être père, c'est un signe de vieillissement. Il ne dit pas à la jeune fille qu'il est son père pour pouvoir garder une forme de jeunesse et ne pas mûrir, ne serait-ce que par ses responsabilités parentales, qu'il fuit comme la peste. Donc voilà pour ce qui est de mes remarques personnelles. Je vais juste très rapidement finir avec les remarques de Allociné et de IMDb. Donc pour Allociné, le film est noté 2,8 sur 5 pour 59 notes. IMDb, ça sera pareil, c'est-à-dire qu'on sera à 5,9 sur 10 pour 435 notes. Pour ce qui est d'Allociné, dans les différentes remarques qui n'ont pas été dites peut-être, ce film est un des témoignages des injustices réservées à certaines œuvres. Beaucoup sont passés à côté de la beauté d'un film crépusculaire et très subtil. Il y a aussi, comme autre critique, la description clinique d'un homme déchu qui lance un ultime défi à l'amour. Et enfin, pour une autre marque, un film où Delon a joué, sans aucun doute, de la meilleure façon dans toute sa filmographie. Alors pour IMDb, il y a juste deux remarques, à savoir celle de Galina, qui nous vient de l'état de Virginie aux États-Unis, qui a mis un 8 sur 10 au film en 2005. Le titre de son avis est « Un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme tant qu'il ne l'aime pas ». Ce film est une réelle surprise. Il n'en attendait rien de spécial, mais il avait tort. Bien sûr, on ne joue pas sur le même terrain que Kubrick ou Fellini par rapport à Barry Lyndon ou Casanova de Fellini. Casanova aurait dû se rappeler cette règle, donc celle qui vient en titre, un homme peut être heureux avec n'importe quelle femme tant qu'il ne l'aime pas, et en l'oubliant, il se trouve humilié. Donc voilà pour ce premier avis. Il y en a un deuxième, celui de Skiral ou Skiral, qui nous vient donc d'Istanbul et qui a donné cet avis en 2003, titrait « Un adieu grandiose au Delon séducteur ». Alors il fait la remarque comme quoi Delon était le beau gosse ultime des années 70, que le moule est cassé, on ne pourra pas en faire d'autres. Mais le temps passe et il n'est plus le séducteur ultime qu'il était dans les années 70. Son regard est moins pénétrant qu'avant, son visage se ride, la vivacité de ses yeux s'efface comme tout le monde. Mais il n'a pas eu recours à la chirurgie esthétique, bon voilà, c'est une bonne remarque, aux cheveux teints pour le faire artificiellement plus jeune. Il assume son âge. Skiral regrette qu'on se prive d'un tel acteur sur grand écran. C'est un film qui correspond bien à Delon. Il aurait pu jouer Casanova jeune dans les années 60-70, quand il était au top physiquement. Il y a des beaux décors, une belle interprétation de Delon. Le seul point faible, c'est la musique, non pas qu'elle soit mauvaise, mais la production aurait dû prendre des chefs-d'œuvre, des morceaux classiques d'époque, pour faire encore plus vrai et faire une sorte de Barry Lyndon. Le film aurait gagné sur ce point-là. Donc voici quelques critiques, voici ce qu'on pouvait dire sur le retour de Casanova. Encore une fois, c'est dommage, il manquait quelque chose pour en faire un grand film. Encore une fois, ce n'est pas un mauvais film. Moi, pour ma part, je n'attendais pas grand-chose non plus. J'ai été agréablement surpris, ça se laisse suivre assez facilement. Mais c'est vrai que quand on connaît et quand on voit un petit peu ce que le film aurait pu être, la solution n'était pas loin. Mais le but, ce n'est pas de faire l'inspecteur des travaux finis, c'est juste donner des indications sur ce qu'aurait pu être, en effet, tel ou tel film et ce qui aurait pu le grandir. D'ailleurs, on peut tout de suite en parler pour ce qui sera du film suivant dans la filmographie de Delon, à savoir Un crime, où il retrouve le réalisateur de La piscine et de Borsalino, Jacques Deray. On en parle tout de suite. En 93, il s'agit d'un vieux projet de Jacques Deray qu'il a écrit avec Jean Curtelin, qui est un scénariste assez prolifique. Il a participé au scénario de Dupont la Joie, quelques films de Kayat comme À chacun son enfer ou La raison d'état, au scénario du Prix du danger, à celui de L'addition de Denis Amar, et enfin L'ours en peluche qui sera son dernier scénario ou co-scénario qu'on traitera juste après. Il s'agit de l'adaptation du roman Le dérapage de Gilles Perrault, donc il date de 87, et Perrault désavouera cette adaptation. Ce film put prendre forme lorsque Delon accepta d'y participer, aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que producteur exécutif. Cela nous est décrit comme une belle histoire ambiguë sur la vérité insaisissable relative aux secrets farouchement scellés. Dans le film, tout se déroule derrière des volets. C'est une structure en huis clos. C'est une adaptation très libre, mais c'est ce qui a valu notamment plusieurs critiques de Perrault, selon lui, Doré a négligé l'essentiel du roman qui prenait appui sur les dialogues, ce qui crée une fabuleuse tension dramatique, et selon lui notamment, les dialogues du film sont creux et vides et assez banals, d'où une perte de profondeur et une mise en scène faible, notamment du fait de flashbacks maladroits. Un des points forts est l'évocation d'atmosphères ambiguës et équivoques, mais il y a une non-maîtrise des clairs-obscurs psychologiques, contrairement à La piscine, dans Un papillon sur l'épaule ou aussi dans On ne meurt que deux fois. Il y a cependant remarqué une virtuosité d'Alain Delon dans son personnage de l'avocat Charles Dunant, un personnage qui nous est décrit comme étant dans la tradition de Gabin, entre rationalité et fermeté, contre Manuel Blanc, qui était auréolé de son César du meilleur espoir en 92 pour J'embrasse pas de Téchiné, qui lui transcrit bien la stupeur et l'inquiétude. Le film était prêt à sortir à l'hiver 1992. Il n'a pas plu du tout à AMLF, la maison de production, qui a décidé de le sortir début août 93, à l'arrache, dans un circuit très faible de salles, 86 copies. Si bien que Doré a dû, in extremis, venir faire la promotion du film sur le plateau du journal de France 2, alors que Delon était sur un projet avec Wim Wenders qui a été finalement annulé. D'où un résultat catastrophique, puisque le mois d'août n'est pas favorable à la grosse fréquentation de salles, et le film termine sa carrière à un peu moins de 67 000 entrées. C'est un échec cruel, mais qui a été voulu par la production. Donc, je vous passe tout de suite l'interview que Doré a donnée au journal de France 2, et qui comprend beaucoup d'informations, aussi bien sur la production, ses rapports avec Delon, et le film en lui-même. Le cinéma maintenant avec un film qui sort mercredi, un film qui s'appelle Un crime. C'est un film avec Alain Delon, Emmanuel Blanc à l'affiche. C'est un film signé Jacques Doré, qui est notre invité. Bonsoir Jacques Doré. Bonsoir. Alors, si je dis que c'est un face-à-face pendant une nuit entre un avocat, c'est Alain Delon, et son client, c'est un jeune, Emmanuel Blanc, un jeune qui vient d'être acquitté du crime de parricide. Double parricide. Double parricide même. Alors, ces deux hommes, l'avocat, le client, se retrouvent pendant une nuit. Pourquoi ? Eh bien, à la recherche de la vérité. Justement, c'est une sorte d'enquête entre cet avocat qui veut en savoir plus. Parce qu'il doute de ce que oui, de la non, culpabilité il ou de la. Non, il doute pas, mais quand même, il veut connaître la vérité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est entre ces deux personnages une sorte d'enquête. Le jeune fils de famille lyonnais a envie peut-être de s'exorciser de son crime ou de son non-crime, et l'avocat, qui est un maître du barreau de Lyon, a envie, soit par goût de la justice, soit par curiosité, soit par orgueil, de connaître à fond la vérité. Alors, ça passe, je dis, entre les deux comédiens, et si vous voulez bien, on va voir un extrait tout de suite d'Un crime, qui est un extrait justement où sont face à face Manuel Blanc et Mais pas Alain dans Delon. Un tribunal, dans l'appartement des voilà. victimes. Alors tout de même, Jacques Doré, c'est votre huitième film avec Alain Delon, mais ça mérite quelques explications, parce que entre le septième et le huitième, il s'est passé drôlement de temps. Il s'est passé plus de 10 ans, ouais. Oui, où nos chemins se sont séparés. Mais je pense que... Fâché ? Non, pas du tout. Je pense qu'on avait besoin l'un et l'autre d'un peu d'oxygène, que chacun... On avait envie de faire un certain genre de film, et finalement, on s'est retrouvés pour un film noir, pour un crime. Je lui ai proposé ce rôle, il a eu envie de le jouer, de l'interpréter, et on a lancé l'aventure avec Alain Sarde. Ce sont des retrouvailles, mais lorsque je me suis retrouvé sur le plateau avec lui, j'avais l'impression de l'avoir quitté la veille. Alors la question que tout le monde se pose, et que tous les journalistes ont envie de vous poser, évidemment, c'est quels sont vos rapports avec Alain Delon sur le tournage, bien sûr, parce que d'autres metteurs en scène précédents ont dit que c'était pas très très facile. Oui, je crois que des personnalités comme Alain Delon entraînent des rumeurs, entraînent des agacements, entraînent des légendes. Moi, l'acteur m'intéresse, l'acteur me fascine, et il y a une vraie complicité, il y a une vraie harmonie entre nous, et on l'a prouvé puisqu'on a fait un parcours tout à fait positif, et j'espère qu'on continuera. Mais il met son grain de sel partout, si je puis dire? Non, pas du tout. Je pense qu'à partir du moment où on décide de donner un rôle, de proposer un rôle à un acteur comme Delon, qui a une filmographie exceptionnelle, eh bien, c'est certain qu'on on a une discussion, mais avant le film, sur la structure, sur le personnage. Et d'ailleurs, il a co-signé le scénario. Oui, parce que c'est une sorte de complicité interne entre nous, mais je crois que Delon, une fois que le film est précis dans nos têtes, c'est-à-dire le style, le genre, bon, c'est à lui d'organiser et de construire son personnage, son rôle, comme il sait les construire lorsqu'il a un rôle à défendre. Jacques Deray, l'autre écueil de ce film, c'était le face-à-face. Donc, parce que d'un côté, il y avait Alain Delon, comédien très chevronné, et en face, un jeune. Et vous avez choisi Manuel Blanc, qu'on avait vu qu'une fois au cinéma. C'est vrai qu'il avait récolté un César du meilleur espoir pour ça. C'était le film J'embrasse pas. Mais tout de même, c'était risqué, ça. C'était un défi. C'est un défi de mettre en face d'Alain Delon un jeune débutant, mais c'est aussi l'histoire. Et Manuel représente pour moi la jeune génération, mais représente aussi l'ambiguïté, la non-transparence, et puis cette force des jeunes qui arrivent sur un plateau avec sans complexe, au contraire, très discret, très humble, mais c'est très bien. Je suis la co-vedette avec Alain Delon, c'est parfait. Et je trouve ça sympathique, en plus sympathique dans le regard de Delon, qui a une sorte de regard généreux et un regard d'aîné. Et Manuel Blanc est formidable. Merci beaucoup Jacques Deray, merci d'avoir été notre invité dans ce journal. Donc beaucoup de choses sont expliquées par Deray, aussi bien les relations qu'il a avec Delon et l'ambiance sur le plateau. Pour ce qui est de mes notes personnelles, j'ai pu noter, un peu comme Delon l'avait fait pour Parole de flic avec la scène finale où il est en clown, et en même temps on avait Belmondo qui la même année était à l'affiche de Hold Up où il incarnait aussi un clown. On a à cette même période, enfin un peu de temps auparavant, Bébel qui fait l'inconnu dans la maison avec Georges Lautner où il fait l'avocat l'oursa. Là on a Delon qui fait aussi un avocat, Charles Dunant. Une des premières remarques que j'ai pu me faire tout simplement, c'est que ce film, il a une forme classique, limite téléfilm. Là aussi, on voit Delon qui est un avocat prestigieux, qui est capable de retourner n'importe quel jury. Donc l'idée qu'il est toujours le meilleur dans son domaine, qu'il est imperturbable puisqu'il y a un délibéré de 5 heures où il y a un vrai suspense et lui est calme. Il fait des mots croisés en attendant que le verdict arrive. Et c'est là où il sauve la tête de son client, accusé donc, comme on l'a entendu, d'un double parricide. Mais avant de partir, son client, donc Manuel Blanc, lui dit qu'il ne sait plus s'il est coupable ou innocent, qu'il a un trou de mémoire. C'est ce qui va amener cette course à la vérité dans la nuit qui va suivre entre Dunant et Frédéric Chaplin-Tourvel, c'est le nom du personnage de Manuel Blanc. Pour une fois, j'ai noté ça, Delon n'est pas marié à un canon ou à une jeune femme. Dans le film, sa femme, c'est Francine Berger, qui dans la vie a 3 ans de moins que Delon, et non pas 2 fois moins. En plus, dans le film, on entend que ça fait 25 ans qu'ils sont mariés. Donc, par la force des choses, Delon ne pouvait pas avoir une femme de 25 ans. Ce qui m'a paru aussi sympathique, c'est de retrouver Maxime Leroux, l'acteur, qu'on avait vu dans Cross, dans le rôle de Sandro. Là, il est dans le rôle du concierge, Lucien Butard, qui est l'unique témoin de la présence de quelqu'un lors de la nuit du double parricide, et l'unique accusateur de Manuel Blanc, ou de Frédéric Chaplin. Et on voit l'importance pour le personnage de Delon, pour Dunant, de savoir la vérité, puisqu'il y a non seulement son orgueil qui est en jeu, l'orgueil de s'être trompé, puisqu'on avait vu que peu de temps auparavant, pour lui, il avait la certitude que son client était innocent. Et en effet, il y a un double risque pour lui, soit un risque que Frédéric Chaplin fasse des aveux publics, dans ce cas-là, Dunant ou Delon passerait pour un imbécile auprès de l'opinion publique, soit il passe aussi pour un malhonnête, en ayant défendu quelqu'un pour ses affaires, pour sa réputation, au risque de travestir la vérité. Autre remarque, qui rejoint un petit peu celle de la vidéo début, avec une forme classique qui s'apparente au téléfilm, ça s'apparente aussi au théâtre filmé, hein, ce côté huis clos, qui rappelle ce que Belmondo fera également en 95-96, à savoir reprendre Désiré, la pièce de théâtre qui est devenue le film de Sacha Guitry, comme quoi les parcours se rejoignent. Autre chose que je me suis fait comme remarque, c'est que Delon, encore une fois, joue bien dans le film, mais que le film est classique et peu ambitieux. Notamment, il y a quelques scènes qu'il défend bien. Je vais en passer juste une. C'est une scène au milieu du film où il cherche à aider son client et à connaître la vérité, encore une fois, et dénouer un traumatisme que son client aurait eu à l'âge de 12 ans. Je vous passe l'extrait tout de suite. Vous pensez que j'ai réellement voulu me tuer ? Je pense que t'as simulé un accident. Avec habileté, je reconnais. Qu'est-ce qui vous fait croire ça ? T'as pas assez envie de vivre pour avoir envie de mourir. C'est ça ton drame, ton mystère. Tu refuses tout. Tu refuses d'être innocent, c'est-à-dire d'être libre. Et tu refuses d'être coupable. Et de retourner. prison. Il y a un poison dans tes veines qui t'empêche d'exister, d'être normal. D'où il vient, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand t'avais 12 ans, Frédéric? C'est ça qu'il faut que tu me racontes. Au départ, t'étais un enfant parfait. Et quand t'as eu 12 ans, tout a basculé. Du jour au lendemain. Jamais je vous en parlerai, ça vous regarde pas. T'es un personnage de tragédie, Frédéric. T'es venu au monde pour y avoir un destin de victime. Mais le destin, ça se contourne. Alors contentez-vous du dernier acte. Je les ai tués. Je suis sorti. Le gardien a raison. Je me suis précipité dans une cabine. J'ai appelé Franca pour lui demander d'affirmer que j'avais passé la nuit chez elle. Comme j'en avais l'habitude depuis des mois. Voilà pour cette scène. Vous m'excuserez, j'ai fait un peu de coupe pour dire d'accélérer le rythme. Il y a aussi d'autres choses qui sortent un peu de l'ordinaire et qui étonnent. Notamment Delon qui, comme ça, d'un seul coup, sort une blague complètement random à base d'homards à l'américaine. C'est une bizarrerie, une surprise en plein milieu, on sait pas pourquoi. Allez, d'ailleurs, si c'était pas prévu, je le fais alors que je suis en train de faire le montage. Je suis allé vous rechercher la blague. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rire avec un Delon, donc allons-y gaiement. Ah, vous tombez bien, vous. Vous allez au Breton. Et vous nous ramenez champagne, vodka, saumon fumé et caviar. J'ai apporté votre café, monsieur Frédéric. Et un homard. Depuis 15 mois que je suis en taule à cause de vous, je rêve d'un homard. Ça vous convient? Ah, très bien, oui. Une américaine s'inquiétait quant à la façon de faire cuire son homard. Mais si nous remettions ça plus tard, dit le homard, à l'américaine. Non, pas plus tard. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà. À la fin, ce qui est dommage, c'est de finir le film sur une des phrases que Delon avait citées sur la justice en début de film, à savoir celui-ci. Une plaidoirie, c'est d'abord une conviction qu'il faut vivre avant de vouloir la faire partager. Le talent devrait être parfaitement exclu du débat. Dissimuler trop de tendresse pour être l'auteur d'un crime aussi abject. Et si la cour le condamne, elle remettra en cellule l'innocent qu'il est. Et qu'à mes yeux, il restera. La justice, il suffit de la fréquenter pour savoir qu'elle n'existe pas. Et il y a si longtemps que je la côtoie. Alors, au final, c'est un film court, c'est un avantage, classique. Un film qui, malheureusement, de mon point de vue, ne s'envole jamais. Un film peu dynamique, mais un film qui reste honorable. Par rapport à ce à quoi je m'attendais, avec notamment l'enchaînement de l'ours en peluche, eh bien c'est ce que j'avais dit en introduction, à savoir que le visionnage de l'ours en peluche a réévalué ce crime, enfin voilà, de Jacques Deray. Et finalement, c'est pas si mal. C'est même bien, ça se laisse suivre. Après, il faut accepter la structure du film, le huis clos, le côté théâtre filmé. Après, c'est bien joué, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est dommage que le film ait connu cette carrière et ce pépin. Et puis surtout pour l'image de Delon, peut-être l'idée que, alors malgré le fait que ce soit pas lui qui soit responsable de la faible distribution du film et du peu d'entrée en salle, ça a peut-être donné l'image pour les Français de Delon qui n'attire plus dans les salles. Juste pour ce qui est des critiques, alors par exemple j'ai celle sous les yeux de Télé 7 jours qui nous dit qu'avec ses hautes maisons bourgeoises, Lyon plante le climat inquiétant de ce huis clos psychologique. Égal à lui-même dans un rôle dramatique qui lui va comme un gant, Alain Delon retrouve son complice Jacques Deray, spécialiste du film noir. Très classiquement réalisé, Un crime permet à Manuel Blanc de confirmer son César de meilleur espoir masculin 1992. Il y a aussi donc Avoir à lire qui va dénoncer le côté vieillot du film, un film qui est sans rythme, qui est bavard, alors que justement on voit que les dialogues peut-être auraient dû être plus présents. Il rappelle le côté jeune espoir qui n'a jamais vraiment percé Manuel Blanc. Et enfin, n'est pas Chabrol qui veut. Je finis pour ce qui est d'Allociné et de IMDb. Donc pour Allociné et IMDb, on a à peu près les mêmes notes, à savoir Allociné 2,5 sur 5 pour 39 notes et IMDb 5,6 sur 10 pour 327 notes. Pour Allociné, les plus, ça sera donc le bon duo de Long Blanc, une histoire prenante, un film rondement mené, le très bon jeu de Delon, un bon début mais une fin décevante, le jeu d'acteur qui sauve la baraque, bien à voir mais une fois, finalement je rejoins ce constat. Pour ce qui est des points négatifs, un jeu repoussant de Manuel Blanc, qui manque de spontanéité, qui joue avec dédain, qui paraît fade, ou qui ne fait pas le poids face à Delon. Un film assez ennuyeux, joué comme une pièce de théâtre, d'où l'aspect téléfilm, un film mou. Voilà pour ce qui est d'Hallociné. Enfin, IMDb, deux critiques, une de Ms. Rose, qui met 6 sur 10 au film, donc c'est un Américain, en 2014, qui va dire que c'est un film solide, Delon y est très expressif, plus libéré dans son jeu, Manuel Blanc est bien casté pour le rôle, bref, un film satisfaisant. Et on a aussi Raymond 106, un Australien, qui en 2010 a mis 7 sur 10 au film. Il le décrit comme un thriller tendu, avec un casting excellent, un jeu en retenue de Delon. Et pour lui, Manuel Blanc est la star du film. Il a une performance intéressante, un peu effrayante, mais convaincante. Donc voilà pour ce crime de Jacques Deray. Tout est dit à peu près, un film qui se laisse suivre, mais qui peut-être manque d'ambition, où Delon fait le taf. Il n'y a pas de souci, mais qui reste trop classique par rapport à l'époque. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles Delon n'a pas retrouvé le public en salle, c'est justement cet aspect où il a pris ce qu'on lui proposait, il avait des envies aussi de retrouver le cinéma d'avant, et parmi ceux qui restaient vivants, il n'y avait plus Clément, il n'y avait plus Lozé, il n'y avait plus Visconti, mais il y avait Deray. Donc, par amitié aussi, il a certainement accepté et ce crime, et celui qu'on va traiter tout de suite, à savoir L'Ours en peluche, qui est une autre affaire. Pour L'Ours en peluche, c'est une autre histoire, puisque Delon tenait à cette adaptation d'un Georges Simenon, alors qui a été réélaborée par Dardano Sacchetti, par Filippo Ascione et Jean Curtelin, qu'on a déjà évoqué pour Un crime. Delon passe aussi par là pour le scénario, mais il n'est pas crédité. Au départ, ça devait être Pierre Granier de Fer qui devait réaliser, mais il y renonce du fait de sa santé fragile à l'époque. C'est donc Jacques Deray qui va prendre la relève une nouvelle fois après Un crime. Mais, et on va le ressentir au visionnage du film, la coproduction franco-italienne devient majoritairement italienne. Ça se sent cruellement dans l'ambiance du film, avec les accents, les doublages, etc. Et aussi dans le casting. Le film est aussi un exemple de tout ce que ne doit pas être une adaptation d'un texte littéraire. Les éléments, les personnages, le sens même du roman ont été complètement transfigurés, banalisés, et il ne reste finalement qu'un vulgaire pastiche de l'histoire originelle. En effet, si je prends le résumé d'Hallociné, le film nous raconte l'histoire de Jean Rivière, qui est un médecin à la tête d'une prospère clinique de Bruxelles, et qui se voit accusé par un coup de fil anonyme d'un crime dont on l'accuse d'être coupable. Après avoir échappé à un chauffard en se rendant au travail, Jean reçoit un ours en peluche qui lui rappelle immédiatement une aventure avec une infirmière. Le médecin décide donc de mener l'enquête. Ça, c'est pour le résumé du film. Mais si on prend le roman original de Simenon, on a une histoire complètement différente. Première chose, donc ce médecin, Jean Rivière, il a l'apparence d'avoir réussi socialement, mais sa vie privée est catastrophique. Sa fille lui est complètement indifférente. Alors que dans le film, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est Delon qui constate qu'il a été trop indifférent, trop absent par rapport à sa fille et il essaye de se faire pardonner auprès d'elle. De même dans le roman, la femme de Rivière, Jean Rivière, est infidèle. Alors que là, c'est l'inverse. C'est lui qui est infidèle, qui la trompe, et elle qui reste à la maison dans l'espoir un jour de le récupérer. On voit aussi le ressentiment dans le roman de ses amis. Là, pour le film, c'est vrai pour l'un de ses amis, mais pour l'autre, non. D'ailleurs, je passerai un des extraits, puisque c'est quasiment un des meilleurs passages du film, et qui est bien joué, celui-là. Dans le roman, autre point, il a une maîtresse qui le trahit. Là, dans le film, c'est vrai et faux, dans le sens où la maîtresse, qui est la bimbo, elle lui est dévouée, même si on suppose qu'elle va quand même voir ailleurs. Et à la fin du roman, il ne se suicide pas, mais il fait feu sur l'amant de sa femme. Là, sa femme, ne le trompons pas, il n'y a pas d'amant. Il tire sur le frère de l'infirmière qui l'accuse. Je vais vous économiser le suspense. Il fait feu sur l'amant dans le roman, puis il retrouve sa vie d'antan et se rapproche de sa fille, ça c'est dans le roman. Bref, tout semblait pourtant réuni pour offrir un très grand rôle à Delon. Mais au final, on arrive avec un film froid, sans enjeu ni tension, un téléfilm moyen, faute à un scénario italien d'une platitude lamentable, on est loin de l'âge d'or italien, avec un Delon qui semble s'ennuyer et une bimbo italienne qui est placée là, Francesca De Lara, qui est peu talentueuse. Et le face-à-face tranche. On a Delon qui joue bien face à une extravagante bimbo. Donc Francesca De Lara qui jouera surtout pour Tinto Brass dans Vice et Caprice par exemple en 87, dans La chair de Marco Ferreri en 91. Et donc elle se retrouve en tête d'affiche de L'ours en peluche. Et finalement elle aura par la suite très peu d'autres rôles puisqu'elle fera seulement deux téléfilms pour la télévision italienne. Là aussi la sortie est massacrée, c'est-à-dire que personne ne voulait de ce film. Ce film était tourné, mais il ne trouvait pas preneur. Il y a une maison de production éphémère, Rousse Movie, qui en acquiert les droits, qui sort le film. Au départ, c'est prévu pour le 27 août 1994, mais finalement, c'est avancé au 10 août, au dernier moment, donc 15 jours avant, ce qui fait que le film fait très peu d'entrées. Un peu moins de 11 000, c'est le score le plus bas que Delon fera. Pour ce qui est de mes notes personnelles durant le visionnage, un film dont je me suis aperçu qu'il était beaucoup moins sauvable qu'un crime, comme quoi le fait de faire un film avec à peu près la même équipe en peu de temps d'intervalle n'est pas en faveur du second pour ce qui est de Delon, on l'avait vu avec Parole de flic et Ne réveillez pas un flic qui dort. L'équipe est clairement italienne, ça c'est peut-être le fait que Delon et Doré ont été échaudés par les précédents producteurs à MLF qui les ont lâchés pour la distribution d'un crime. On a vraiment l'impression de se trouver face à un téléfilm, ce qui m'a amené une adaptation de l'œil avec lequel j'ai regardé le film. J'ai donc revu mes attentes à la baisse. Alors tout de suite ce qu'on voit, là aussi, comme pour un crime où on voyait que Delon c'était le meilleur avocat qui existait, et bien là on se retrouve à Bruxelles, où ce Jean Rivière donc, est un gynécologue à la réputation internationale, il a sa clinique donc les Tilleuls, on voit Delon au début qui parle à des patientes de toute nation, il passe de l'italien avec la femme de l'ambassadeur, au français, bon ça c'est normal, à l'anglais, ça montre la grandeur du personnage. Ce qui est handicapant pour le film, c'est qu'il n'a pas vraiment de partenaire de poids pour lui donner la réplique. De plus, il y a des scènes embarrassantes, par exemple celle de la discothèque, où on fait connaissance avec la bimbo qui vraiment joue mal, qui en plus se prend pour Audrey Hepburn. Il y a une scène d'amour qui suit qui est assez ridicule, du moins c'est mon jugement. Le point de départ principal de l'intrigue, c'est quand Jean Rivière reçoit un soir un coup de fil lui annonçant qu'il mourra sous peu, qu'il est coupable d'un meurtre sans le savoir. Peu à peu, on voit aussi qu'il manque de se faire écraser, qu'il reçoit une enveloppe avec justement l'ours en peluche dedans, qui lui rappelle tout de suite, alors ça c'est un flashback, une infirmière qui a 20 ans, qui est intérimaire, qui était là un mois auparavant, et par qui il a été charmé. Ils ont fait l'acte, et ça lui a fait vraiment découvrir l'amour à cette jeune infirmière, donc qui s'appelle Spinelli, Claudia Spinelli. Et là aussi on voit, elle a été touchée par la grâce de l'onienne. Elle s'est suicidée par désespoir, vu qu'il ne lui prêtait plus aucune attention, qu'il était reparti dans son monde, mais qu'elle n'avait jamais quitté cette chambre de clinique où ils ont fait l'amour. Dans ce film aussi, on a vraiment les femmes qui se disputent de long. Il y a une vraie rivalité, que ce soit la secrétaire, dont on suppose qu'ils ont une aventure. Il y a une autre femme médecin aussi qui est jalouse. La femme de Delon elle-même qui en veut à sa maîtresse, puisqu'il est moins dispersé qu'auparavant, il est plus accaparé par une seule et même femme. La maîtresse elle-même, donc qui est trop maquillée, on l'a dit, un décolleté béant, qui est trop spontanée, impulsive, vraiment une caricature. Et ce qui manque aussi à ce film, c'est qu'on passe de personnage en personnage. Alors, on a Delon, on sait bien que c'est Jean Rivière. Et pour les autres personnages, on les situe à peu près par rapport à lui dans les rôles qu'ils ont, mais on ne les nomme quasiment jamais. Donc, on a du mal à s'attacher à eux, ou ne serait-ce que avoir du lien avec eux, savoir qui ils sont, savoir leur motivation. Et donc, si on prend les différents moments du film, à part, on va dire, les 10 premières minutes, c'est-à-dire avant la scène de discothèque, où il y a quand même une ambiance qui commence à s'installer, on va dire que l'enquête piétine, mais vraiment, c'est un rythme pas très agréable à suivre, surtout pour l'une des raisons dont je viens de vous parler, à savoir qu'on passe de personnage en personnage sans forcément qu'il nous soit présenté, ou vraiment très succinctement. Et c'est à peu près dans la dernière demi-heure que le film commence, un tant soit peu, à être légèrement plus intéressant, notamment une bonne scène entre Alain Delon et Paolo Bonaccelli qui joue le rôle de Novacek. Enfin, ça, c'est parce que j'ai l'affiche devant moi, sinon on ne sait pas qui s'appelle Novacek. Alors, c'est un ami de Delon. L'acteur, donc Paolo Bonaccelli, c'est une figure quand même assez connue puisqu'il a joué dans Salò ou Les 120 jours de Sodome de Pasolini en 75, le rôle du Duc, dans Cadavre exquis de Rossi, dans Minette Express, dans Le Christ s'est arrêté à Eboli, dans Caligula de Tinto Brass, dans Le Guignolo, dans Mission Impossible 3 et aussi dans The American avec George Clooney. C'est une assez bonne scène avec notamment l'idée du bilan, que l'on n'a pas fait forcément que des bonnes choses, c'est un peu simpliste. Mais cette scène rehausse quand même largement le niveau du film, elle est très bien jouée. Et cette scène vient après que le frère de Claudia ait mis sa menace à exécution et qu'il avertit Jean Rivière, Delon, qu'il le tuera le lendemain matin. Ce qui fait que le personnage traverse une nuit bilan qui va être traitée en 20 minutes, mais ça donne une belle descente. Malheureusement, elle sera gâchée par la fin du film. En attendant, je vous passe l'extrait justement de cette scène entre Delon et Paolo Bonaccelli, qui est, par rapport au niveau du film général qui n'est pas très haut, qui est un des moments sauvables. Tu sais, Jean, chaque jour, on commet des petites saloperies. C'est la fonction principale d'un être humain. Mais hélas, elles obéissent à des codes d'influence qui nous échappent. Ah. Une belle saloperie énorme nous conduit aux honneurs. Une petite saleté de rien du tout nous emmène dans une tragédie. Où sont les verres ? C'est ce qui t'est arrivé, Jean. Tu n'es pas responsable. Tu as gratté une allumette. Cette fille a mis le feu. Et tu n'y es pour rien. Regarde. Viens voir. Tu n'as pas envie de la partager avec moi? Comme à l'époque où on faisait nos études tous les deux. Oublie cette connerie et continue ta vie. Sois heureux. Les gens malheureux ont un défaut. Ils ne font le bonheur de personne. Allez, bois un coup. Tu as 2 ans de plus que moi. Et j'ai l'air d'être ton grand-père. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi? Parce que je suis un médecin raté et que tu as réussi? Non. Ça n'est pas la raison. On ne peut rester jeune qu'en se flattant soi-même, en s'admirant. Si un matin, on ne croit plus aux compliments qu'on avait l'habitude de s'adresser, alors ce jour-là, on est vieux. À jamais. Si à cause de cette gamine tu doutes de toi, tu es foutu. Tu vas me ressembler. Il faut que tu continues de croire en toi. Même si tu es un peu mégalomane, c'est encore mieux. Rien, personne ne doit changer ta vie. Si tu t'installes en ménage avec un remords, vous serez deux. C'est lui qui décidera ta place. Et puis merde. Tes travaux sont indispensables à la médecine. La môme, tu es sûr qu'elle n'a pas parlé de cette histoire avec sa famille, ses frangins, ses tantes, ses sœurs? J'ai essayé de ne pas trop changer le rythme, de ne pas trop couper dans les dialogues pour vous montrer un petit peu la lenteur. C'est vrai qu'à la réécoute, bon, c'est pas brillant, mais c'est quasiment ce que le film a de mieux à proposer. La scène est bien jouée. Après, pour les dialogues, c'est pas très mirobolant. Il y a aussi juste après donc une bonne scène avec Madeleine Robinson. Mais c'est au bout d'1h10, donc il reste un quart d'heure de film, qui joue donc le rôle de la mère de Delon, qui le ruine au casino. C'est une bonne scène ici, mais prétexte, puisque à part le fait de faire le bilan de sa vie avant, pense-t-on, qu'il meure au petit matin, ça donne un bon moment de cinéma, mais ça retombera comme un soufflet du fait de la fin. Cette scène est située dans la bonne partie du film, si on peut dire ça comme ça. Et donc, avant que la scène finale arrive et cache tout, on peut croire que dans un contexte un peu méta, le film donne l'image d'un acteur qui s'est perdu dans sa filmographie. Il aura un dialogue avec sa femme qui lui dira « Tu n'en peux plus, Jean, tu as mal. » Et lui dira « On est bientôt arrivé au bout. » Et on s'attend à ce qu'il soit tué pour qu'il soit libéré de ses péchés ou de sa vie de perdition. Où il ne trouve pas finalement sa place, un peu comme Delon dans les derniers temps de sa carrière. Après avoir fait ses amis avec plus ou moins de succès, il fait le tour des femmes qui l'entourent avant son départ. Et finalement, le départ n'en est pas un, puisque à la fin du film, le frère donc de Claudia Spinelli fonce sur Alain Delon avec sa superbe Peugeot 205. Et Delon avait pris un pistolet, lui tire dessus. Puis il retourne à sa vie en assistant au premier concert de sa fille qui est pianiste. Et le film se clôt sur cette scène. Ce qui fait que ça gâche complètement le film. En gros, la fin tombe complètement comme un cheveu dans la soupe. On se demande pour lui s'il ne va pas être finalement dénoncé, puisque ce meurtre a lieu près du bar où la tenancière l'a vu avec le frère de Claudia. Encore plus, il le tue avec son arme. On suppose quand même qu'il va avoir certainement des problèmes. Mais là, non, pas du tout. Il retourne à sa vie normale. Donc après une sorte de montée en tension, le film finit comme un soufflet. Déjà que c'était pas très engageant, on avait passé la première heure à s'ennuyer assez ferme. Il y avait eu un petit intérêt qui remontait, et là ça tombe vraiment comme un soufflet, c'est ce que je viens de dire. Pour ce qui est des avis, avant de passer à Allociné et à IMDb, dans Télérama, on a comme remarque que le scénar est pépère, que la plupart des scènes sont ridicules, les dialogues sont d'une niaiserie de roman photo, et que la mise en scène est à pleurer. Pour Sens Critique, je prendrai juste un avis de 2015 de P3I qui nous dit que donc Delon n'est pas crédible en bourgeois et en médecin. Et P3I s'indigne donc du fait que c'est forcément un grand médecin, un gynécologue de renommée internationale, ça ne pouvait pas en être autrement. Pour Allociné et IMDb, on a donc la note de 2,1 sur 5 pour Allociné avec 33 notes, et la note de 5,2 sur 10 pour 198 notes, assez surprenant pour IMDb. Alors pour Allociné, on a comme avis un AV haut de gamme, 1h25, qui a été la plus longue 1h25 du monde pour celui qui l'a visionné. Le déroulement de l'histoire est affligeant. Tous les acteurs sont sous topalgiques ou autres sédatifs puissants. Delon s'ennuie profondément et ne fait que réciter son texte sans la moindre conviction et tire une gueule de 6 pieds de long. Il méritait tout de même mieux. Il tient le film à bout de bras. Sans Delon, le film ne vaudrait pas un clou. Il y a d'autres marques, comme celle-ci. Rien de bien fameux, mais rien de déshonorant non plus. Ensuite, un film complètement surréaliste, aussi bien du point de vue des dialogues que des situations. Le film se termine sans le moindre suspense ni rebondissement, sauf à prouver que le personnage de Delon est un sociopathe. Donc là, c'est encore une autre interprétation. Il y a quelqu'un aussi qui classe le genre du film, un film d'action, on rigole un petit peu, un film d'action intérieur. Là, c'est plutôt pas mal comme idée. Et enfin, pour IMDb, vite fait, quelques remarques. Un film sans beaucoup de suspense, puisqu'on connaît déjà la personne qui menace Delon à mi-chemin, à mi-film. Une réalisation qui ne nous implique pas en tant que spectateur. Un film verbeux, même si Delon parle peu et laisse les autres parler. Et ça aussi, c'est une bonne remarque. Puisque je me souviens notamment d'une scène où il croise un de ses collègues ou un de ses internes dans sa clinique, qui lui dit bonjour, et lui ne lui répond rien du tout. Donc là, encore une fois, le côté où les personnages autres que Delon traversent vraiment le film quasiment comme des fantômes, bon, à part quelques rôles plus appuyés, mais c'est-à-dire qu'à part Delon, comme rôle, Celui qu'on peut sauver à peu près, c'est celui de sa femme, Christine, jouée par Laure Keeling, qui avait déjà croisé Delon dans Nouvelle Vague, et qui tourne actuellement dans Demain nous appartient, la série TF1. Madeleine Robinson, même si elle n'apparaît pas très longtemps, elle n'apparaît que pour une scène. Il y a éventuellement aussi la fille de Delon, Axel, qui est jouée par Alexandra Wininski, qui a surtout tourné à la télévision. Et enfin, donc, Paolo Bonaccelli. Et Regina Bianchi qui joue la grand-mère de Claudia, celle qui s'est suicidée. Mis à part ça, c'est vrai que Delon, encore une fois, il fait ce qu'il peut pour sauver le film. Mais il y a un problème de rythme, il y a un problème d'opposition face à lui. Il n'y a pas beaucoup de gens qui impriment en face de lui. Il y a beaucoup d'acteurs italiens notamment. Et enfin, le fait que les interlocuteurs ou les interlocutrices de Delon n'ont souvent pas de nom. Mis à part, peut-être par le vêtement, par leur situation par rapport à Delon. On arrive à peu près à savoir qui ils sont, mais il faut vraiment s'y intéresser. Et comme déjà le film est lent et demande de la motivation de la part du spectateur, on peut dire que ce dernier n'est pas aidé. C'est un film que je n'avais pas vu, et on va dire que sans le bonus que j'avais à préparer, je ne pense pas que j'aurais tenté de le voir. Il n'avait pas l'air très alléchant, donc on va dire qu'au moins j'aurai une vision globale et je saurai pourquoi ce film a été décrié. Voilà, donc il y a quand même quelques petites choses sauvables, mais ça reste un film extrêmement bancal pour pas dire autre chose. Et ça ne rend pas honneur ni à Delon ni à De Ré. Et on comprend que Delon soit fatigué du cinéma et qu'il va être convoqué peu à peu pour n'être qu'une caricature de lui-même, ou peut-être on va le convoquer comme gardien du musée du cinéma des années 60-70. Notamment dans ce que je vais évoquer très rapidement, à savoir Les 101 nuits de Simon Cinéma, par Agnès Varda, qui a été fait en 95 pour le centenaire du cinéma justement, et où on a pléthore de stars françaises et étrangères, et où Delon s'est un peu fait piéger, puisque Agnès Varda va garder tous les passages de Delon, qui ne sont pas très nombreux. Il y a certes la scène qu'il a tournée, mais aussi son arrivée en hélicoptère dans le jardin. Le prétexte de sa visite est de venir rendre visite à Monsieur Cinéma, joué par Michel Piccoli, qui n'est pas en très bonne santé. Il est donc reçu par le majordome Firmin Gauche, joué par Henri Garcin. Quand il entre dans le hall d'entrée assez somptueux, il y a plein d'affiches de ses anciens films, avec notamment en grand Le Guépard et une photo de Visconti. Il y a aussi celle, je le dis en vrac, du Passage, de Paroles de Flic, du Toubib, de La Tulipe Noire, de Borsalino Co, de Monsieur Klein, ou encore de L'Assassinat de Trotsky. Et Henri Garcin, le majordome, est donc appelé Firmin Gauche, comme était appelé Delon dans Soleil Rouge avec Charles Bronson et Ursula Andress. On comprend que pour Agnès Varda, il doit être traité comme une sorte de monument vivant, un panthéon à lui tout seul, qui garde le sourire même quand on le loue, quand on le complimente. C'est une scène construite autour d'une nostalgie qui deviendra propre à Delon. Il aura beaucoup de propos sur, dans les interviews, sur les disparus. Romy Schneider, Jean Gabin, Lino Ventura. On retrouvera beaucoup pour ça, et notamment, je vais l'évoquer très rapidement à la fin de l'épisode, notamment ici dans les acteurs de Blié. Et donc il en voudra à Agnès Varda de l'avoir piégé et de l'avoir réduit à un cliché. En effet, il a accepté d'apparaître dans Les 101 nuits, après le désastre commercial de L'Ours en peluche. Bon, il a pris du recul, et il pensait que cela allait être un documentaire sur le cinéma. L'acteur apparaît donc au générique, mais il réfute celle-ci et regrette le procédé qu'elle a appliqué, ce qui va encore l'éloigner 3 ans des plateaux de cinéma. Je vous passe la scène de Delon, le dialogue, où on voit donc l'admiration que le majordome de Monsieur Cinéma, Firmin Gauche, lui porte. Et par là même, Agnès Varda. Bonjour. J'ai appris que Monsieur Cinéma était souffrant. Alors, je suis venu lui présenter mes hommages. Je n'ai pas pu prévenir, n'ayant pas son numéro de téléphone. Nous n'avons pas le téléphone, monsieur, ni la radio, ni la télévision, mais nous avons votre visite. Je me permets de vous déclamer. Mon admiration est perdue. Vous êtes celui que je préfère. Préfère ? Parmi les vedettes, les étoiles du cinéma, vous êtes une constellation à vous tout seul. Le nec plus ultra. Merci. Puis-je voir votre maître ? Vous savez, très souvent, j'hésite à rester au service de Monsieur Cinéma. Sa santé et plus encore ses humeurs sont précaires. Mais, puis-je vous faire une confidence ? Voilà, alors je vous l'avoue, je me suis toujours dit que je resterai au service de Monsieur Cinéma, au moins jusqu'au jour où je verrai Monsieur Delon. Mon idole. Je suis très sensible à vos effusions, mon vieux, mais attendez. Pouvez-vous m'annoncer ? Attendez. Je vous attendais depuis des années. Regardez mon livre. Veuillez vous asseoir. Quoi encore? Asseyez-vous. Bon. Mon livre d'or. Ah oui. Admirable. Ouais. Je vous ai gardé la page centrale. Vous voulez bien m'écrire quelque chose? Mon nom est Firmin Gauche. Firmin Gauche? Oui, monsieur, mon nom de famille est Gauche. Comme vous, dans le soleil rouge. Ah oui, c'est vrai. Oh, monsieur est trop aimable. Je suis émerveillé. Voilà, Firmin. Puis-je entrer maintenant? C'est que monsieur Cinéma ne va pas bien du tout. Et il m'interdit de laisser entrer qui que ce soit. C'est la consigne, pas de visite. Je suis désolé, monsieur, de devoir vous accompagner à votre hélico. Mais oui, mais je souhaitais... Bon, enfin, s'il se sent mal... Tenez, remettez-lui ma carte. Merci, Firmin. Alain de Montchénon. Bonjour. Bonjour, quel choc. Vous êtes de la famille? Non, je suis le bâton de vieillesse de monsieur Cinéma. Je fais faire de l'aérobic à sa mémoire, c'est mon job. Il est souffrant aujourd'hui, j'ai pas pu le voir. Bon, je repars, je suis pas infirmière. C'est à vous, ça? Vous avez déjà volé dans un insecte comme celui-ci? Non, jamais. Ça vous plairait, un petit baptême de l'air? En 5 minutes, on est à la Porte de Sèvres. Ça me va, j'habite dans le 15e. Ça me va surtout si vous m'embarquez, enfin, si j'ose dire. Osez, osez. Vous l'appelez comment? Camille. Ah, Camille. Donc l'image qu'on peut attendre de Delon, séducteur, nostalgique, mémoire d'une époque... Et c'est toujours cette envie de cinéma, après 3 ans d'absence, et l'envie de concept ou de challenge intéressant qui vont le faire croiser la route de Bernard-Henri Lévy et du célèbre film, pas pour des bonnes raisons, Le jour et la nuit. Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows where? Silence of my lonely room. I think of you night and day, night and day. Pour ce qui est du jour et la nuit de BHL, je ne comptais pas spécialement en parler au début, puisque beaucoup de choses ont été dites. Et d'ailleurs, je mettrai en lien un épisode de Manche tes navets sur YouTube qui analyse très bien, avec un côté un peu marrant quand même, les différents problèmes que pose ce film. Là aussi, c'est un film qui a été décrié parce que conçu, réalisé, écrit par BHL. Delon est emporté par le naufrage, mais ce n'est pas lui qui est directement responsable. Ce sera donc le dernier film où il sera en tête d'affiche au cinéma, après donc 3 ans d'absence des plateaux. Pour Delon, mais pour beaucoup d'autres aussi, BHL est une personne subversive. C'est certainement ce qui a attiré l'acteur, sachant qu'il est en recherche d'expériences spéciales ou enthousiasmantes. D'ailleurs, dans plusieurs interviews, il comparera l'envie qu'il avait de tourner avec BHL avec celle qu'il avait ressentie au moment de Nouvelle Vague, quand la proposition de tourner avec Godard lui a été faite. Ce qui a posé polémique, c'est aussi le film en lui-même, avant même qu'il soit fait. Par exemple, avec une énorme campagne de promotion, avec des publi-reportages faits par Jean-Paul Antoven. Avec aussi la question de l'avance généreuse que BHL s'était octroyée à son propre film en tant que président de la commission d'avance sur les recettes, à savoir qu'il s'était versé 3,5 millions de francs sur un budget total de 53 millions de francs, et pour un résultat final qu'on connaît. Ce qui nous est dit aussi, c'est que la société qui a financé le film, elle s'appelle donc Les Films du Lendemain, qui a été fondée par le propre père de Bernard Lévy et aussi par François Pinault. Et en plus, le fait qu'Ariel Dombal, la femme de BHL, soit dans la distribution, ça ajoute au côté népotisme du projet. De plus, ce qui a beaucoup chagriné ou révulsé les personnes, c'est le fait que BHL s'entoure d'une excellente équipe, aussi bien au niveau des acteurs. On peut citer Delon, on peut citer Lorraine Bacall, Rabal, par exemple Francisco Rabal, mais aussi au niveau de l'équipe technique en elle-même. Ne serait-ce que, par exemple, Maurice Jarre à la musique, et surtout le directeur de la photo Willy Courant, qui a un palmarès assez important derrière lui. Et c'est finalement ce qu'on reprochera beaucoup à BHL, d'avoir eu tout à disposition pour réussir, l'argent, le casting, l'équipe technique, le cadre, qui est celui du Mexique, et finalement d'avoir accouché d'un tel film aussi prétentieux, aussi pompeux, aussi banal, aussi vain, et même par rapport aux intentions de départ. Après coup, BHL qui se défend sans cesse en étant arrogant, l'idée de « j'ai été trop mégalo », c'est ce qu'il déclarera à Bernard Pivot après la sortie du film, voilà, d'avoir voulu faire une histoire « bigger than life », le fait d'avoir voulu faire un film rétro en citant des grandes références alors que le résultat se révèle inconsistant, banal et donne une prétention mal placée. Et au final, le film ne fait même pas 75 000 entrées. Et beaucoup de choses ont... Et les gens et la profession furent choqués aussi que BHL ne reconnaisse même pas les erreurs les plus flagrantes de son film. Par exemple, le rôle de Carl Zero, ou le jeu d'acteur de Carl Zero, mais qui joue vraiment très mal dans ce film. Et finalement, Bernard-Henri Lévy dira « Carl était un formidable acteur, il a formidablement servi mon film, et tous ceux qui nous huent sont des analphabètes ou des salauds ». Finalement, BHL remet un euro dans le jukebox, on dirait ça comme ça. Le fait, selon lui, par exemple, d'avoir voulu faire trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. L'erreur était probablement là. Forcément, il s'attire les foudres de la presse. Mais après, ça rebondit légèrement sur Delon, pour des raisons très simples si on reprend notre sujet, c'est-à-dire Delon lui-même et la gestion de sa carrière dans les années 90. Première chose, forcément, il tient la tête d'affiche du film. Il a un rôle quand même qui est un double assez fantasmé, d'après ce qui est dit de BHL, dans le souvenir de sa gloire passée, entouré de filles plus ou moins légères. Et finalement, beaucoup de spectateurs et de critiques, comme il l'avait fait pour Casanova, vont faire coïncider le Delon du jour et la nuit avec BHL, comme une sorte de double. Et toute l'arrogance qu'on peut reprocher au second, à BHL, ça peut se reporter indirectement sur Delon. Delon a essayé d'appliquer la méthode qu'il avait faite pour Godard, à savoir vraiment se laisser guider, conduire, diriger par le réalisateur, à part que contrairement à Godard qui est un réalisateur aguerri, là BHL c'était son premier film, et il est loin d'avoir eu les compétences pleines, malgré une belle équipe technique, pour dire de pouvoir diriger correctement, avoir une bonne vue d'ensemble de ce qu'est un film et sa réalisation. Il y a une anecdote assez célèbre aussi, c'est celle de la scène du match de boxe où Delon se bat contre Xavier Beauvois, l'amant de sa femme. Dans le film, justement, c'est Beauvois qui met Delon KO. Il avait dit avant le tournage de cette scène à la BHL que lui ne pouvait être mis KO par un gringalet comme Beauvois et qu'il fallait donc changer le scénario, à savoir que c'est Delon qui battait Beauvois, qu'il faisait son beau devant le casting féminin du film, Lorraine Bacall, Ariel Dombal, Julie Dupage et Marianne Denicourt, et que Beauvois devait se relever et frapper lâchement Delon par derrière. Au final, c'est BHL qui, en menaçant d'arrêter le tournage, qui a eu raison de l' ego de l'acteur et qui a donné la scène qui est dans le film, à savoir que Delon se fait mettre KO durant le match de boxe par Xavier Beauvois. Donc je n'en dis pas plus pour ce qui est de ce film, juste dire vite fait les notes Allociné, donc 1,4 sur 5 pour 126 notes. Et IMDb 2,2 sur 10 pour quasiment 400 notes. Pour Allociné, rapidement, ce qu'on peut trouver en général, c'est une démonstration d'ego, un magma affligeant de pseudo-réflexions nullissimes, un film qui est arrivé à se planter dans toutes les largeurs avec autant de moyens financiers, techniques et humains, c'est pitoyable. Un beau film de propagande sur les moustiquaires, alors ça c'est original. Dans Les Arocs, on a quand même des pistes de réflexion sur ce qui ne va pas du tout. La critique générale, c'est « on n'avait jamais vu Navet aussi prétentieux et grotesque », avec une propension au masochisme de BHL, à savoir un scénario qui se retourne systématiquement contre son auteur, un masochisme dans la représentation pitoyable du peuple mexicain, une distribution hétérogène qui ne connaît aucune direction d'acteur, ce qui amène à une cacophonie, et la mauvaise utilisation des grandioses paysages mexicains. Et on a quand même une bonne critique, enfin moyenne, dans IMDb par Dick Shelton en 2007, un Américain qui met 6 sur 10 au film. Alors il dit que ce n'est pas le meilleur Delon, mais ce n'est pas un de ses pires. Il faudra voir lequel il classe parmi les pires Delon. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre ce film, juste avoir de la sensibilité et des sentiments. Il faut aimer Delon. Le film porte sur le vieillissement, le sacrifice personnel. Il porte aussi sur la perte de la passion et de l'inspiration que l'amour ravive. Et finalement, il reprend aussi une citation, alors sans le vouloir certainement dans la mini-série cinéma, « Ce n'est pas toujours que la réunion de grands acteurs accouche d'un chef-d'œuvre. Delon et Bacall ne sauvent pas le film, mais je ne veux pas blâmer pour autant ce réalisateur particulier. » Bon, il est assez indulgent, tant mieux pour lui. Et rapidement, bon, si, allez, comme on a un peu mauvaise langue, je vais quand même finir sur les mauvaises critiques. Alors, il y avait un top 10. Alors, dans l'Express, par exemple, on décerne la palme du grotesque à Car Zero. Il y a le critique Jean-Baptiste Morin qui dira quelques années après la sortie du film, disons-le sans agressivité, tout amateur de cinéma peut continuer à constater l'étendue du désastre du simple point de vue de la fabrication. Pas de cadre, pas de direction d'acteur, un montage à la truelle, un enfilage de clichés sur la mort, la création, le Mexique et les montgolfières. Bref, aucun intérêt. Et sinon, dans le top 10 des meilleures critiques du jour et de la nuit, alors je peux citer par exemple le fait que les Cahiers du cinéma lui ont décerné la palme du plus mauvais film français depuis 1945, Libération qui qualifie le film de navet certifié, et que BHL pédale dans le guacamole. Comme celle-ci, le critique dit « Je suis allé à la séance de 18h, 2 heures plus tard, j'ai regardé ma montre, il était 18h20. » Et c'est vrai que dans les critiques, on retrouve souvent cette idée d'un film avec une absence totale de rythme et de sens du récit. Dans l'humanité, on a aussi rien à sauver là-dedans, débâcle absolue, d'autant plus qu'épatante la prétention. Dans les arts occultibles, c'est comme si un mauvais génie avait poussé BHL à justifier l'hypothèse de l'imposture. S'il ne cesse de clamer que le cinéma lui offre une nouvelle vie, artistiquement, pourtant, son film est un suicide. Claude Chabrol, qui est encore vivant, qui disait « c'est très mauvais, pourtant BHL est loin d'être bête, il est intelligent et même subtil ». Mais il a fait le film le plus con de l'année. Le plus grave, c'est que tout le monde le lui a dit, mais il refuse de le croire. Il pense qu'il est en avance. Et enfin, Nanarland qui dira que le film est une baudruche gonflée comme la montgolfière d'Alain Delon, époustouflant d'arrogance, de laideur et de niaiserie. Le jour et la nuit tient aisément et sans pallier son rang de nanar de compétition. Bref, un dernier film avec Delon en tête d'affiche. Maintenant qu'on a quelques clés sur sa mentalité, sur son état d'esprit, le fait qu'il devait accepter des défis, des expériences différentes pour pouvoir le ramener sur un plateau de cinéma, parce que l'ancien cinéma, enfin celui qu'il avait connu dans sa jeunesse, n'existait plus ou ne faisait plus d'entrée, eh bien il fallait tenter d'autres choses, quitte à avoir des choses un peu extrêmes, comme Ce jour et la nuit, dans lequel il s'est laissé guider. Malheureusement pour un réalisateur qui en était à son premier essai et avec des prétentions certaines, c'est comme ça qu'il va quitter le cinéma, même s'il reviendra par la suite, on va en parler assez vite. Il sera convoqué beaucoup pour une caricature de lui-même, pour la nostalgie d'un temps qu'il représente et qu'il vénère et dont il aime parler. Et finalement, c'est ce qui arrivera dans le film de 2000 par Bertrand Blier, donc qui réunit beaucoup d'acteurs, donc les acteurs, où Delon a une scène où il est isolé, un peu comme dans Les 100 et une vie. Ça, dans Les 100 et une vie, il a Henri Garcin avec lui, mais il n'a pas de scène avec d'autres comédiens. Par exemple, je vais reprendre ça, Belmondo, que ce soit dans les acteurs, que ce soit dans Les 100 et une vie. Dans Les 100 et une vie, il est entouré de Piccoli, de Gina Lollobrigida, par exemple, d'Henri Garcin à nouveau. Dans les acteurs, c'est pareil, il aura Michel Serrault, Dupontel avec lui. Tandis que Delon va être convoqué au milieu du film pour un dialogue qui rappelle la nostalgie. D'ailleurs, je vous le passe tout de suite. Il va falloir vous démerder avec ce qui reste, les gars. Personnellement, je suis prêt. Vous pouvez demander le moteur. Moteur. Ça tourne. Annonce. Qu'est-ce que je mets sur le clap? Coupé, merde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je mets sur le clap? J'en sais rien, moi. T'as qu'à mettre sicilienne. Sicilienne? Sicilienne. Silence! C'est quand vous voulez. Moteur. Tourne. Annonce. Sicilienne en première. Action. Il va pas y en avoir beaucoup d'action. Alors je dis pas action, je dis partez. Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire. D'observer un moment de silence. J'ai pas besoin qu'on me dise de partir, je sais quand je dois partir. Vous avez quoi dans le zingle, un magasin neuf? Magasin neuf. Avec un magasin neuf, vous pouvez faire 10 minutes de silence. Moi, je suis un mec à silence. J'ai une gueule à silence. Sauf que là, ça me fait du bien de parler. Alors donnez-moi des nouvelles. Comment ça va le cinéma? Ça cartonne un petit peu? Vous arrivez à tenir face aux Américains? Et vos acteurs, comment ils sont? L'important, c'est les acteurs. Moi, j'ai connu Gabin. Et puis Lino aussi. J'ai tourné avec eux. Pourquoi vous n'avez pas mis mon fauteuil là, avec les deux autres? On savait pas que vous alliez venir. Qui c'est votre régisseur? C'est moi, monsieur. Faut toujours mettre un fauteuil, mon gars, pour un ami qui vient dire bonsoir. Un fauteuil avec son nom. Ça lui fait plaisir. Il se sent considéré. Vous avez des fauteuils pour Bourville? Simone et Yves? De Funès? On a tous les fauteuils. Alors sortez-les tous. Qu'on se sente en famille. Un dialogue qui en dit beaucoup, à savoir que dans le de long public qu'on verra par la suite, il y aura beaucoup plus d'hommages, beaucoup plus de citations, de regrets de tous ceux qui sont disparus, de tous ceux qui ne sont plus. On peut penser à l'hommage émouvant qu'il a fait au César en 2008 pour Romy Schneider, mais aussi celui très récent qu'il a rendu à Mireille Darc, qui vient de nous quitter, et qui est poignant. Le fait qu'il cite quasiment toujours Gabin, Lino, les grands réalisateurs pour lesquels il a tourné et qu'il a cherché à retrouver dans d'autres, sans forcément y parvenir. Donc peu à peu, il a dû se tourner un peu fataliste vers la télévision. D'ailleurs, c'est ce qu'on sent dans ce dialogue. Il reproche à Maucouvert qu'on l'a un peu oublié, qu'on l'a laissé de côté en tant qu'acteur. Il a essayé de retrouver ce qu'il était à la télé. C'est là où on voulait de lui, c'est là où il pouvait aller, c'est là où il pouvait proposer quelque chose qu'il savait faire, s'entourer de personnes qu'il connaissait, qu'il considérait, rencontrer un succès télévisuel qu'il ne pouvait plus forcément rencontrer au cinéma. Et donc on pense forcément aux séries Fabio Montal, Franck Riva, au téléfilm Le Lion, où il prend la place de Belmondo qui devait jouer et qui a eu son AVC. Donc un Delon fidèle en amitié, fidèle à ce qu'il est, pour le meilleur et pour le pire. Un être entier qui ne peut pas plaire à tout le monde. Pour ma part, humblement, cette découverte ou cette redécouverte de certains films de cette période des années 90 qui étaient troublés pour lui et dont certains films étaient moqués, finalement l'ayant vu dans un plan d'ensemble et en ayant approché quelque peu les coulisses, ça m'a permis de donner plus d'humanité à ce personnage, alors qui n'en manquait pas. Il fallait juste la chercher, s'intéresser à lui pour qu'elle soit visible. Mais cependant, la façon dont on le voit aujourd'hui, et c'est vrai que les interviews qu'il donne ne sont pas forcément glorieuses, même s'il se livre, un peu comme le Casanova face à Marcolina, il se livre sans fausseté. Il dit lui-même qu'il n'en a plus grand-chose à faire, il n'a pas à tricher, il n'a rien à perdre. Mais on comprend qu'il soit désormais perdu dans notre époque, qu'il se raccroche à des belles choses de son passé, qu'il considère comme une belle époque, un peu comme des vieilles personnes que l'on peut connaître, avec forcément le cliché du « c'était mieux avant » et qu'il n'y a rien à sauver aujourd'hui. Et cela fait perdurer l'image du Delon ancienne génération. Si on prend l'exemple de son rôle de César dans Astérix aux Jeux Olympiques, je ne vais pas repasser son dialogue assez connu où il s'auto-parodie, mais on peut voir là aussi qu'on le convoque pour le côté patrimoine qu'il représente. Et donc, si on n'apprécie pas le côté réactionnaire du personnage actuel qu'il joue devant les caméras et qu'il doit être sincèrement, il y a quelques éléments, j'espère ici, enfin, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai cru approcher en préparant ce dossier qui m'a amené plus loin que prévu, comme je l'ai dit, que finalement le Delon d'aujourd'hui, il est forcément, à la limite c'est valable un peu pour tout le monde, on est tous un peu le fruit de notre passé, même si on peut l'influer, si on a une volonté, enfin là c'est un peu la psychologie à 2 euros, mais le passé de Delon n'existant plus, ayant pour lui complètement disparu selon son goût, il ne se retrouve plus dans la société actuelle et préfère la solitude, même s'il s'en est éloigné, il s'en est méfié auparavant, aujourd'hui, d'après ce qu'il dit, il la voit comme une compagne dont il s'accommode. Donc finalement, cette période des années 90 où il y a une recherche de nouveautés, ce qui est quand même pour quelqu'un qui aujourd'hui est considéré comme réactionnaire, est quand même courageux. Il a été courageux comme acteur. Mais Alors on a vu parfois c'est par la réalisation, des fois aussi c'est par le scénario, par les éléments qui ne sont pas là, par un angle comme dans Le Retour de Casanova qui aurait pu lui amener plus de considération et qui a été écarté. Bref, il n'a pas chômé pour essayer de retrouver les faveurs du public. Malheureusement, sans succès et les échecs répétés l'ont certainement stoppé dans ses efforts et dans son esprit neuf, le renvoyant à ses anciens démons et à cette logique du « c'était mieux avant, je n'ai plus rien peut-être à proposer aujourd'hui », même s'il y a un projet de film avec Patrice Lecomte et Juliette Binoche aux dernières nouvelles. Ces quelques conclusions pour dire que cette période des années 90 dans la filmographie d'Alain Delon a quand même beaucoup d'influence certainement sur le personnage actuel, par le fait qu'elle a été paradoxale, par le fait qu'il y a eu sans cesse la volonté d'un nouvel élan qui n'est jamais venu, mais qui, avec le recul, si on prend certains films, amène quelques belles surprises qui ne sont pas forcément aussi bonnes que ce qu'elles auraient pu être, mais qui peuvent au moins offrir quelques bons petits moments de cinéma. Si tant est qu'on soit curieux, mais justement c'est l'esprit de Pellicule et Pourriture Noble, centre de réhabilitation de ce qui peut être sauvable dans les films curieux, particuliers. Et là en l'occurrence, pour le côté de Delon, oui, il y a beaucoup de films où malheureusement il y a toujours un aspect qui le diminue. Alors je ne parle pas forcément du Godard. Godard c'est spécial, mais il est réussi dans son genre. Je dis bien dans son genre. Je ne dis pas non plus que je regarderai ça tous les jours. Le Retour de Casanova qui est une comédie divertissante mais qui aurait pu donner un très bon film noir. Là où Delon aurait su facilement l'emmener. Un crime film classique qui se laisse suivre mais qui aurait pu être plus tranchant ou plus actif. Film plaisant si on accepte le principe du huis clos et la confrontation de deux acteurs. Par contre, je sauverais un peu moins Dancing Machine et L'Ours en Peluche, par exemple, qui eux, justement, souffrent d'un cruel manque de rythme, avec pour Dancing Machine, comme je l'ai dit, un long tunnel de scènes dansantes ou scènes de danse, et pour L'Ours en Peluche, un manque d'identification ou de répondant face à Delon, qui nous le fait suivre, mais de façon complètement aléatoire. Voici qui clôt l'épisode bonus de Pellicule et Pourriture Noble portant sur Ne réveillez pas un flic qui dort et qui nous a présenté, autant que faire se peut, la carrière d'Alain Delon dans les années 90 et essayer de décrypter un petit peu le pourquoi du comment, du moins bien, du beaucoup moins bien dans la carrière de l'acteur. Comme dit précédemment, je ne savais pas forcément en ayant l'idée de cet épisode où est-ce qu'il allait m'emmener. Ça a été assez long à préparer et pareil pour la réalisation et l'enchaînement des idées. Ça a été un peu plus freestyle que d'habitude, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. C'est aussi ça, c'est-à-dire que normalement l'épisode bonus devait être beaucoup, beaucoup plus court. Bon, mes réflexions m'ont apporté un peu plus loin. J'espère que ça n'a pas été non plus trop fouillis, parce qu'à force de vivre avec un sujet, ça devient évident pour celui qui le fait et moins évident forcément pour ceux qui ont encore à le découvrir ou à s'en souvenir. Donc je m'en excuse éventuellement s'il y a quelques malentendus ou un broglio. En tout cas, ça m'a permis de découvrir par exemple la mini-série cinéma que je ne connaissais pas du tout. C'est agréable à suivre, après voilà, si c'est une curiosité. Bref, j'espère que l'épisode a été agréable à suivre. Pour ce qui est de la quatrième incursion de Pellicule et Pourriture Noble, le film forcément est choisi, il n'y a pas de souci. Le livre qui l'a inspiré est lu. Cependant, comme je vais reprendre le travail et que je devais le préparer et l'écrire juste avant de reprendre, or j'ai été très occupé par cet épisode et par d'autres choses bien sûr, j'essaierai de livrer l'épisode comme prévu à la base pour début octobre. Si c'est avant, bah je le poste dès que c'est fait, mais c'est vraiment dans le meilleur des cas. Mais en tout cas, ne m'en veuillez pas si j'ai un peu de retard. Je rappelle également, c'est juste pour le référencement, si ça vous dit, la page Facebook de Pellicule et Pourriture Noble existe, le podcast est référencé sur iTunes, donc un petit avis, pas de souci aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des suggestions, par mail, par message privé, pas de souci également, je les prendrai en compte. Et si ça rentre dans l'envie et la possibilité de le faire, je m'en chargerai bien volontiers. Sur ce, je vous laisse avec Alain Delon et la chanson finale qu'il a faite pour le film Parole de flic avec Phyllis Nelson, I Don't Know. Vous allez le voir, il a un superbe accent anglais. Et ça donnait un petit peu l'idée du Delon omniprésent au scénario, à la production, à l'acting et même à la chanson, puisque c'est lui qui interprète la chanson finale. Une sorte de cerise sur le gâteau. Sur ce, c'était Monsieur Gravelax. Merci pour votre écoute. Soyez curieux, soyez nuancés. Et à la prochaine. Sur cette note, on envoie la musique. Oh. now. Do you think in time it's something I can find? I don't know. Would you come to me just like the waves to the shore? Just once more. I don't know if love lasts forever. All I want is for us to be together now. Can it be that love will blow the clouds away? I don't know. 'Cause it's true, the sunshine has to follow the rain. Even so, in the world we live, you learn to take a chance at romance. I don't know if love will last forever. All I want is for us to be together now. Loving you, who knows? I win. Your light shine. That's the key to love, dawn. I just wanna tell you I love you. Just me loving you more and more. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Should a lover know just when he's falling in love? I don't know. Does he get a sign from the heavens above? I don't know. In my heart, there's so much gonna say to you. But us too. I don't know if love will last forever. All I want is for us to be together. Even so, let's forget the past, 'cause now the race has been won. We've begun. I don't know if love will last forever. All I want is for us to be together now. All I want is just to be together.